boîte qui s'appelle comme ça. Ils l'ont fait que pour là. Ouverte seulement le 31 et fermée après. Effectivement, on sera à Bruxelles. Donc, le 31, ça, tu sais, ce week-end aussi, je crois que t'as 2-3 trucs de prévu. Ouais, il y a Noël ce week-end. Voilà. Il y a le Zénith de Joule. Ouais, il y a le Zénith de Joule. Ah, voilà. L'OVNI. L'OVNI Tour. Qu'est-ce qu'il y a jeudi, de... jeudi, on est au nouveau casino. Ah, ben voilà, je savais bien qu'il y avait un truc cette semaine. Jeudi, on est au nouveau casino pour la résidence Noël. Voilà, donc moi, je fais une release partie d'une mixtape qu'on sort avec plein de morceaux qu'on a compilés. Et donc voilà, ça se passe jeudi au nouveau casino. Il y aura DJ Weedy Moplatine, moi-même. Et puis, il y aura Bifty qui sera là. Il y aura... Je me disais, DJ Weedy Moplatine, c'est un autre en fait. Non, je parle toujours de moi à la troisième personne, bien sûr. Donc tu seras toi-même sur la scène du nouveau casino. Bien sûr, toute la nuit pour turn up à fond. On sera tous là et on va faire la fête ce soir. Bon, c'est réveillon avant l'heure, quoi. C'est ça, bien sûr. Jeudi, c'est parti. On va encore retourner un showcase et tu verras qu'ils vont nous boycotter quand même derrière. Tu verras. Est-ce que tu feras d'ailleurs peut-être pour la première fois Megadose? Ah, c'est possible, on n'y avait pas pensé. Bah, du coup, oui, bien sûr, on va faire Megadose. On va faire Eurotrap, on va faire tous les morceaux faits avec moi. Je vais jouer tous les morceaux en tout cas. Tu vas les jouer, ouais. Tu vas les jouer. Bah oui. À pas louper jeudi soir. Ah, c'est un DJ set, hein. Et avant de se quitter sur Skyrock, on fait tourner la roulette, c'est parti. Gagne Skyrock 2017, plus 100 euros de chèque cadeau. Alexandre, tu habites à Mauze sur le Mignon. Ouais, c'est ça. C'est vers où ça, Mauze sur le Mignon? Vers La Rochelle. Vers La Rochelle. Et comment on appelle les habitants de Mauze sur le Mignon? Les Mauzéens. Les Mauzéens. Mignon comme tout, ça pourrait être un beau titre d'un de tes morceaux. Mauze sur le Mignon. Alexandre, est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, je suis prêt. Et ben ça tombe bien, elle tourne déjà. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case d'Alexandre, c'est... C'est la compile Skyrock 2017 et les 100 euros en chèque cadeau pour acheter ce que tu veux. Peut-être même des albums de Vald qui sort le 20 janvier, c'est pour toi. Alexandre. Ouais, big up à Vald. Hey, il t'écoute là, regarde, il est tout content d'ailleurs, Vald. Ouais, bah un peu de force pour Vald. Non mais il parle, tu l'entends pas? Allô? Il te parle. Ouais, salut Vald. Alexandre, ça va? Qui habite à Mauze sur le Mignon. Ça va, tranquille. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, j'attends la sortie de ton album, moi. Ah bah voilà. Ouais, bah ça sort dans un mois, mon salaud, ça va chier. Ouais, le 20 janvier, j'ai retenu. Eh bah voilà, c'est merveilleux. Et bah, demain, merci à toi, Alex. Y'a moyen que je passe une dédicace, frère? Vas-y, on t'écoute. Bah, big up à la team des docteurs, OCB en particulier, puis ma mère, mon petit frère Ethan et mon grand frère Anthony. Ça roule, Alex, ciao, passe une bonne soirée. Bisous, Alex. Salut, merci Val, rencard demain. Allez, on se revoit demain, un c'est petit parti. Peu avant 20h, merci Widim, rencard demain aussi. Ouais, merci à vous tous, à demain, bien sûr. Tunisiano, rencard demain dans la semaine? Ouais, dans la semaine ou demain. Dans la semaine, parfait. On est là. Et bah, rendez-vous sur Skyrock, merci à vous tous. On va retrouver Difool et toute l'équipe maintenant, c'est parti, coup d'envoi. Et oui, toute l'équipe est là, Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. On est là. J'espère que ça va bien, vous, c'était bien, Planète Rap. Ça va bien. Planète Rap de retour demain, 20h, la Radio Libre, dans un instant sur Skyrock. Ciao. Ils t'ont fait marrer toute l'année. Romano. Ouais. Très bien. T'es bien où là où on pense quoi? Ouais. Ouais. Non mais là je peux pas là. Je peux pas quoi? Ah putain, je peux plus parler. Mais si tu peux parler, c'est l'heure des conseils pas chers. Ah bah non mais tu vas me faire crever. Mais pense à ça. Et qu'il arrête de rire l'autre con. Ils ont réveillé la France entière. Oui, moi je suis en pyjama, alors c'est peut-être pas le moment. Pour bien finir l'année, viens écouter les meilleurs moments du Morning de Difool dans le Morning Best entre 6h et 9h sur Skyrock. C'est déjà Noël sur Skyrock avec Digipost Plus. Télécharge ton assistant numérique Digipost Plus maintenant. Dépose la photo du cadeau de tes rêves et partage-la avec ton assistant numérique Digipost Plus. Et hop, le rêve devient réalité. Tous les jours jusqu'au 23 décembre, Digipost Plus transforme ta photo en cadeau. Alors, tu veux quoi? Télécharge l'appli Digipost Plus. Skyrock 2017 avec en exclu Joule, DJ Snake, Major Lazer, Alicia Keys, Maître Gims, Black M, Caris, Sadek, Soprano, Gradure. Et en bonus, les sketchs inédits du Wolfgang. Skyrock 2017, première radio urbaine mondiale. Hey Père Noël, t'es prêt pour ta grande tournée? Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. Les bestiaux sont prêts, j'ai ma hotte et presque tous mes cadeaux. J'ai même téléchargé l'appli radio Skyrock pour m'ambiancer toute la nuit avec les nouvelles radios. Hey hop, tchou! Toi aussi, fais comme le Père Noël. Fais comme moi! Télécharge gratuitement la nouvelle appli radio Skyrock. Eh hey, tiens mon pote, joyeux Noël. Waouh, un protège-tibia. Ouais. Mais je joue pas moi. Ouais, mais t'aimes bien le sport, non? Mais oui, et alors? En plus, y en a qu'un là. Ah, mais il faut deux protège-tibias. Avec l'équipe pour Noël, faites un cadeau, un vrai. Offrez une e-carte cadeau l'équipe pour découvrir tout le contenu numérique et bien plus encore. Un abonnement disponible sur le site l'équipe pour 12 euros par mois seulement. Ça, c'est du cadeau. Concert. Il va mettre le feu. C'est Soprano. Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena à Paris le 30 septembre. Et le 7 octobre 2017. À l'Orange Vélodrome de Marseille. Soprano en tournée dans toute la France avec Skyrock. Avec le fait qu'il l'appelle malbouffe, ça me dérange parce que c'est bon. Romano. Ah ouais, ça m'énerve de me réveiller, avoir envie de chier, tu vois, je sais pas. Cédric. Enchanté, ben je voulais donner une petite leçon de sport à ta femme ce soir. Un petit coup ouais, particulier. Ouais, c'est ça, va te faire voir, va. Marie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une urgence de fille, là. Tu veux qu'on vienne avec toi? Non, ça va. On peut dire. Samy. Salut, bonsoir tout le monde, content de vous retrouver. Et Karim. Ça représente quoi pour vous, 1 million d'années? Diffoul Radio Libre. 21h minuit. Tous les soirs sur Skyrock. Et c'est parti, salut tout le monde et bienvenue. Salut, cool. Et merci d'être là dès le début de l'émission, vous allez rien louper. En plus, c'est une soirée super ce soir. La spéciale embrouille de famille. Ah ouais. Bon, il n'y aura pas que ça, mais on aura un paquet d'embrouilles de famille ce soir. Non, mais c'est bien quelques jours avant le réveillon. Ouais. Où en général, ça finit toujours par s'embrouiller quand tout le monde est bourré à la fin. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'on en parlait l'autre matin, les gens s'embrouillent. Ça met en condition. Dès qu'ils sont un peu bourrés, t'as toujours un tonton bourré, un tonton gros con. Ah, ça veut dire vive le FN. Oui. Et joyeux Noël. Calme-toi, j'adore Marie. Ouais, c'est bien, vas-y. Embrouille de famille, il y en aura plein ce soir, on va en parler d'ici quelques instants d'ailleurs, avec un des premiers qui va passer dans l'émission. Bon, des frères, des sœurs relous, vous avez eu, on va s'en occuper. Qu'est-ce qu'on aura d'autre aussi ce soir? On aura des beaux-pères un peu amochés, mais même très très amochés d'ailleurs. Ah, oui, ça arrive. Et j'ai voulu faire plaisir à un des membres de l'équipe, alors ce n'est pas toi Marie, ce n'est pas Samy, quoique Samy, un truc qui peut t'intéresser dans un instant, Karim aussi d'ailleurs. Romano, c'est pas à toi que j'ai voulu faire plaisir là tout de suite maintenant. Ouais. Bah, on devine. C'est à moi alors. Cédric, et oui Cédric. J'ai appris que Romano t'avait réservé un problème du mois spécial, il l'a dit la semaine dernière, pour jeudi. Ouais. Donc moi je me suis dit, il faut quand même que je te fasse un cadeau. Et ce soir, ben, j'ai un cadeau pour toi. Alors c'est quoi? Un sujet travelo. Salut les filles. Et oui, un sujet travelo dont on reparlera avant minuit. Ça a l'air heureux. Pas pour moi. Pas vrai. Pourquoi pour toi? Ouais. Parce que t'aurais été jaloux si j'avais offert ça, je sais pas, Romano. Puis franchement, moi les travestis, c'est plus ton délire que le mien. Ah non, c'est pas du tout. Romano, c'est plus les gothiques, toi c'est plus les travelos. Tout le monde le sait, tous qui écoutent Skyrock régulièrement, vous êtes au courant. Non mais chacun son truc. Avec ça d'ailleurs. Et pourquoi ça te... pourquoi autant d'agressivité? C'est pas grave, c'est pas vrai. C'est l'amour. Et c'est un cadeau. T'as le droit. Bon. L'amour. Puis le cadeau, il y a deux boules comme sur un sapin, c'est magnifique. Voilà. Mais assume-toi, Cédric, il y a aucun problème. Ouais, bon, on parlera travelo. On aura des doubles appels. Alors, je sais pas si on aura des travelo, des doubles appels. Tiens, parlant de travelo, Pamela sera là aussi avec nous avant minuit. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais évidemment que je serai là. Très bien. Peut-être même avant 11h, parce que Pamela, t'as des trucs à faire, un shooting de nuit à faire. Ouais, c'est ça. Au bois de Boulogne. Je vais me faire shooter la choune. Elle est dans la mode, elle est modéliste. Ah bah évidemment que je suis modéliste. Bon, et je voulais commencer avec un mail là, juste avant qu'on prenne les premiers de la soirée. Alors un mail. Ah, celui-ci il est super, ouais. On va filer un coup de main à Morgan. Alors Morgan, un habitant du 92, enfin pour l'instant dans le 92. Et voici ce qu'il nous dit Morgan. Ma mère est commerciale et depuis que je suis né, elle n'arrête pas de déménager. Je suis né à Paris et depuis 3 ans, j'habitais à Asnières dans le 92. Big up le 92. Big up Asnières. Mais là, j'ai un gros problème. Ma mère m'a annoncé qu'on allait déménager. Alors où va-t-il déménager en avril? À Autun en Bourgogne. Belgique. À Autun en Bourgogne. Ouais, non, j'y pense à bah, tant mieux. En Belgique. pour lui. Ah, tant mieux pour lui, ouais. En Belgique. Ouais, en Belgique. En Belgique, t'aimerais pas déménager en Belgique? Surtout pas, gros. C'est quand on les appelle au téléphone. C'est bien la Belgique. Pire, fou, ouais, non, mais je sais pas, je connais pas, mais quand on les appelle au téléphone, vas-y. Gros, ils ont l'air. Ah, moi, je préfère aller en Belgique qu'à Autun quand même. Ah, ouais, là, il y a peut-être. Après, ça devient en même temps, il doit y avoir des putains de bleds aussi en Belgique. Bonjour, j'habite à Mons. C'est quoi, c'est grand ta ville là, Mons? Bah, okay, c'est... Non, c'est pas super grand. C'est mais genre, il y a combien d'habitants? Bah, 10 000. Ouais, je sais pas. 10 000? Ah ouais. 10 000, pardon, excusez-moi. 10 000, okay. 10 000 habitants. 90 000, je pense. Ouais. Non, c'est pas. Il y en a qui ont trouvé. Non, c'est pas en Belgique. C'est pas en Belgique, c'est pas à Autun. À Marseille? En Bretagne, à Marseille. Mais oui, c'est Marseille. Ah, bah voilà. Bienvenue. Ma mère m'a annoncé qu'on allait déménager à Marseille. Je déteste cette ville et en particulier les Marseillais qui ont une trop grande gueule et qui l'ouvrent beaucoup trop. Tu vas bander et sur nous dans 2 semaines. En plus, je suis fan de PSG, alors aller au Vélodrome pour voir des matchs de merde, non merci. En même temps, on te force pas à aller au stade, mon pote. Hein. Ouais, je suis d'accord avec lui, tu vois. En même temps, si t'es obligé d'y aller, oui. Si tu as compris qu'en allant dans une ville, tu es obligé d'aller au stade, c'est que tu as. Ah bah, je viens pas au stade, parce qu'à Autel, il n'y a pas de stade. Ouais, voilà, mince, tu vas être obligé d'aller voir un match. Ah putain. En plus, en vous écoutant, j'ai appris que les Marseillais traquaient les Parisiens quand ils venaient chez eux. J'ai peur de me faire traquer. Je vous assure, ça me prend trop la tête. En plus, je vais laisser tous mes potes. Ça, c'est que chaque fois que tu déménages, c'est pas cool. Hein. Ah, ça, ouais, ça, c'est autre chose. En plus, je vais laisser tous mes potes. Merci de m'aider et pas de dédicace à Samy. Merci. Je te remercie, mon pote. Voilà, tu démarres mal avec les Marseillais, dis donc, Morgane, toi. Hein. Morgane, on va t'accueillir, t'inquiète pas. Morgane du 92. Ah, on va te faire en la misère. Non, mais gros, nous, c'est toujours. Ah, pas dans guerre. Le vieux port. Alors, avec un boulet. Hein, ouais, plomb, c'est la tradition. Ouais, ouais, un peu. J'attends les messages de Marseille. Et des messages de ceux qui ont été expatriés à Marseille, c'est-à-dire que vous êtes d'une autre région et vous arrivez en plein sur la Canebière au stade voilà, du Vélodrome. Allez bim directement. Oh, voilà, génial. Oh, regarde, il est tout blanc, c'est un Parisien. Ouais, oh, il est tout blanc. Ça c'est clair, tu vas te faire traquer. Après, t'es pas obligé de le dire. Hein. Oh, qu'il est moche. Si t'as pas trop d'accent, t'as qu'à dire que tu viens de, t'habites à Toulouse ou je sais pas où, tu vois. Et voilà. Ouais, il a pas l'accent de Toulouse, Morgane. Non, mais dans une ville, ouais, voilà, t'es à Tours, ouais, oui, dans un endroit où il y a pas d'accent. Pas marrant d'être Parisien. Bah ouais. Non, mais s'il a peur, c'est lui. Il a peur de se faire traquer. Apparemment, il doit culpabiliser d'être Parisien. Il a peur de nous, hein, c'est une ville que Tim. Morgane, laisse ton numéro, Morgane. D'ailleurs, laissez bien vos numéros qu'on puisse vous appeler, dans l'émission. Là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? L'intégration va être difficile à Marseille, sale Parisien. Ah, voilà, message du Marseillais. Ouais, ça commence. Inès du 13 qui nous dit allez l'OM, sale Parigo de merde. Allez l'OM pour Yacine CBA du Chum. Nique le PSG pour Sofiane. Va te faire enculer, viens pas à Marseille, salope. Message de Booba, 18 ans. C'est vrai qu'ils sont un peu énervés. Tu verras, dans 2 mois, tu auras l'accent comme la Marie, nous dit Georges Cloudet. Les touristes, ils font tourner l'économie à Marseille. Vous savez que je suis une cagole. Ah ouais, c'est vrai, Marie. Bah alors, explique-nous comment s'est passé ton intégration à Marseille. Quoi, mais j'y habite pas, moi, à Marseille. Marie soutient l'OM. Comment tu nous accueilles à Marseille, Marie? C'est la folie, on a l'impression que les Marseillais. Mais je n'y habite pas. Bon, dites-nous, donc les Parisiens et les Marseillais, évidemment. Mais je vais à l'OM Café. Ah ouais, comme les touristes, quoi. Je me dépasse de ta gare. Donc, tous les autres, vous avez déménagé, vous êtes arrivés plutôt dans le sud. Plutôt à Marseille, c'est mieux, mais enfin, bon, même si vous avez déménagé un petit peu partout, faites-nous signe par rapport aux potes, tout ça. Ouais. Vous nous dites et on en reparle tout de suite. Il y a Théo qu'on prend maintenant et juste après, le double appel, un collecteur du double appel. Attention, ça va être chaud. Et Théo, ah ouais, ça va être chaud aussi. Théo, bah tiens, explique-nous, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bah, en fait, il y a eu une embrouille avec mon beau-père. Embrouille, Cédric, écoute, embrouille. Ouais, j'écoute. Embrouille. Ah là là, tu le mets en joie, Cédric. Vas-y, raconte ma gueule. Bim, bam, bum. Ouais, d'ailleurs, vive Cédric. Ah, merci mon pote, merci. Toi, t'as passage. Toi, t'as une vie de merde, toi. Qu'est-ce que c'est que cette posture? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? Eh ben, en fait, c'est mon beau-père, enfin, le matin. Quand il m'amène au bahut, je sais pas, il me racontait des trucs un peu chelous et tout, un peu dégueulasse. Ah, c'est lui le pervers, absolument, oui. Salut, tu sais, petit. Mais c'est pas que ça. Et puis depuis, je l'ai dit à ma mère, enfin, elle est un peu en bas, c'est pour demander des conseils pour. Mais genre, il dit quoi, par exemple? Il te raconte comment avec ta maman, quand même? Bah, si, un peu. Absolument, ouais. Oh. Tu sais qu'hier, avec ta maman. Bah, ça y a été. Tu sais, bon, c'est horrible. Ah, je l'ai fait crier. Elle a grimpé au rideau, quoi. C'est horrible. Non, mais il te raconte quoi, par exemple? Elle a bouffé l'oreiller, quoi. Bah, un peu de tout, quoi. Qu'elle veut, quand elle veut pas baiser, quand elle a pas. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Oh. Ah, ouais, ta mère, elle est chiante en ce moment. Tu sais qu'hier, elle a pas voulu baiser. Ah, ouais, j'ai été obligé de me branler. Oh non. Ah, non, mais c'est pas possible. Lui, dégoûte, lui. Il a des problèmes, non? Mais il est il est un peu comme ton pote ou il fait vraiment beau-père? En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu son confident et puis ça, depuis que j'ai raconté à ma mère, il est un peu en vague, quoi. Ah bah, t'as dit quoi à ta mère? Bah, ma mère, elle était sidérée, enfin et tout, puis elle a raconté ça à ma grand-mère, enfin et tout, puis enfin. Ouais, ma grand-mère l'a raconté à toute la famille, maintenant tout le monde est au courant. Ah ouais, ouais, voilà, et tout, et puis maintenant, ma mère, elle est un peu en bas, quoi, c'est pour lui remonter le moral. Bah écoute, c'est pas grave, ça veut dire, moi le point positif c'est bon, c'est vrai que ouais, moi ça me casserait les couilles quand même que t'as 14 ans, l'autre il te parle de. Ah non, mais même plus tard, il parle de, il a baisé ta... même ton père, ça te choquerait, ton père il viendrait te voir, il te fait putain, qu'est-ce que j'ai mis à ta mère? Ah ouais, non, bah tu sais, je lui dirais écoute, tant mieux, mais j'ai pas envie de savoir. Ouais, c'est clair. Tiens, voilà, vite ta vie. Mais là c'est encore pire, c'est même pas ton père, quoi. Ouais, c'est ton beau-père, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais ouais, et puis t'expliques qu'il nique ta mère, bon, c'est pas super. Nique ta mère. Ta mère. Non, mais moi il me parle de ça.

Skyrock depuis tout à l'heure. Ça n'arrête pas. La guerre a été déclenchée. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux villes? Regardez, Paris est bien gentil, on accueille un Marseillais. Ah ouais, ouais. Ça va, vous c'est êtes vrai. Sympa, ouais, ça va. Heureusement, il est venu sans ses rats. C'est vrai. On n'accueille pas les animaux là. Ah ouais, quand même. Les rats marseillais, quand vous venez sur Paris, ou même moi, je suis Mourinho, évitez d'amener vos rats, s'il vous plaît. Évitez, ouais. Et un test de moyens de rencontre. Il y a plein de moyens de rencontre, on en teste un. Allez, avant 10h sur Skyrock, restez bien là, Radio Libre sur Sky. Cette année, le Morning de Difool t'a offert plus d'un million d'euros de cadeaux. Ah, vous êtes sérieux? Mais oui. Oh, des iPhones, des PS4, des casques VR, une voiture, des drones, des places de concert, des écrans plats, des places de foot, des maillots, des voyages au soleil, des jeux vidéo, des voyages à la neige. Alors toi aussi, viens en profiter avec le Morning de Difool sur Skyrock. C'est déjà Noël sur Skyrock avec Digipost Plus. Télécharge ton assistant numérique Digipost Plus maintenant. Dépose la photo du cadeau de tes rêves et partage-la avec ton assistant numérique Digipost Plus. Et hop, le rêve devient réalité. Tous les jours jusqu'au 23 décembre, Digipost Plus transforme ta photo en cadeau. Alors, tu veux quoi? Télécharge l'appli Digipost Plus. Écoutez-moi attentivement. Vous allez entrer dans l'animus. Assassin's Creed. Ce que vous allez ressentir et voir sont les souvenirs de votre ancêtre qui est mort depuis 500 ans. Enclenchez une synchronisation. Assassin's Creed. Michael Fassbender. Marion Cotillard. Ce que j'ai vu là-dedans, on aurait dit un monde réel. C'était bien réel. Vivez l'expérience au cinéma le 21 décembre. Concert. Salut, c'est Issa Doumbia. Retrouvez-moi au spectacle dans toute la France avec Skyrock. On est bien ici, hein. Venez découvrir mon spectacle Première Consultation avec plein de personnages. Quand tu mets de la musique comme ça pour m'accueillir, moi tu crois que je suis ta copine ou quoi? Eh ouais, je suis de retour du 19 janvier au 2 avril à l'Alhambra à Paname. On est bien dans ma voiture, hein. Issa Doumbia, à suivre sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Si tu vas pas voir le spectacle d'Issa, je te gifle gratuitement. Skyrock. Le train en direction de Busan va bientôt partir. Prenez place pour le choc de l'année. Il se passe quoi? Dernier train pour Busan. Le train ne peut pas aller plus loin. Pour rester en vie, montez à bord. Qu'est-ce que vous faites? On attend quoi pour partir? Dernier train pour Busan. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce train? Maintenant, DVD, Blu-ray, VOD. Dépêchez-vous! Avec Skyrock. Concert. Skyrock présente Escrew. Le groupe du rappeur Nekfeu en tournée Skyrock. Le coco est en demeure. Mais le coco est en demeure. Escrew de retour sur scène avec Skyrock à Lille, Paris, Nantes, Lyon et Marseille. Je remets dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la white weed. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Skyrock, premier sur le rap de Escrew. 21h, minuit, la radio libre de Difool sur Skyrock. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on, put your pinky ring. Ah, c'est bien parti depuis 21h. Hein. Magnifique double appel. Merci d'ailleurs pour les approbations de l'ensemble de l'équipe. Bravo. Concernant mon choix. Bravo, Diffoul. Pour le double appel collector ce soir. Mais quel génie. Merveilleux. Wow. Bon, il y a plein de moyens de se rencontrer. On parle souvent de moyens de rencontre dans l'émission. Et ben, vous les testez, puis vous nous racontez. Il y a Alban qui a testé un moyen de rencontre. Il va nous expliquer tout ça tout à l'heure. On va voir comment ça s'est passé. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas super, mais on va voir ça avec Alban qui arrive. Ah, on était sur notre déménagement aussi. Et après, le beau-père complètement ch'tarmé, là, qui parle de cul. Oui. Ah, oui, c'est vrai. Chaud. Qui raconte ce qui se passe avec la daronne. Ouais, je l'ai niqué. J'ai baisé ta mère. C'est le beau-père de Théo qui raconte plein de trucs dégueulasses à Théo. En plus, il va pas bien, le beau-père. Bah, dis donc, ta mère, elle aime la bite. Oh. Théo. Ah, bah, c'est ça, quoi, pratiquement. Non, mais c'est horrible. Bon, on s'en occupe tout de suite. On va leur prendre Théo. Juste avant, pour les déménagements, c'est bien parce qu'on est plein à avoir déménagé. Moi, j'ai déménagé. Toi, Romano, t'as déménagé aussi. Bah, je suis parti de Bourgogne pour venir ici. Tu es Thunois. Oh, Thunois. Ouais. Je suis monté à la capitale. Juste habité. Exactement. Wow. 300 km. Waouh. La route a été longue. Avec son sac à dos. Oh non, mais. À Paris, t'es bien accueilli parce que les gens, ils s'en branlent de toi. Ouais, tu n'existes pas ici. Donc, à la limite, personne fait gaffe à toi. C'est clair. Si vous venez d'arriver, on parle de Morgan. C'est un Parisien, futur Marseillais. Ouais, c'est ça. Donc, il est fan du PSG. Il trouve que les Marseillais, ils ont une grande gueule, qu'ils ont une équipe de merde. Ah, c'est sûr que nous, on parle beaucoup. Mais qu'ils ont un accent pourri. Ça va te faire rire. Donc, il est pas trop Marseillais à la base. Et donc là, c'est un gros problème. Sa mère lui a annoncé qu'il allait déménager en avril à Marseille. Il sait pas comment. Moi perso, je préférerais passer d'une grande ville à une autre grande ville. C'est clair, ouais. Le pire, c'est de te retrouver, à la campagne. Il habite Paris, région parisienne. Tu te retrouves au fin fond de la Bourgogne. Je veux dire que là tu souffres là. Ouais, encore au timbre. C'est une ville petite, mais il y a quand même de la civilisation. Il y a des magasins. Il y a un magasin Leclerc. Il y a pas que ça en grande surface. On a tout ce qu'il faut. Il a un McDonald's. Ouais. Il y a un McDo maintenant. Il y a un McDo. Ouais. Putain, équipé quoi. Bah attends. Il y a un bowling aussi. Il y a un bowling. Il y a deux Intermarchés. Un Attaque. Il y avait un Dia, mais il a fermé. Mammouth. Il n'y a pas Mammouth. Mammouth, ça existe plus. À la campagne, ça n'existe plus Mammouth. La Farfouille. Non, il y a Jiffy. Ah, Jiffy, voilà. Jiffy obligé. Donc il y a eu plein de messages pour. Et là, il y a un but qui va ouvrir. Ah, bah attends. Choisissez bien. C'est l'expansion de la ville. Alors, les réactions pour les Marseillais. Tu vas voir, sale fils de pute de Parisien, comment on va t'accueillir à Marseille. Allez, va pas te donner trop envie. Ma gueule. Alexis, 78. Bah, t'es du 78, t'es parisien, toi. Bah, voilà. Alexis, 78. Mauvaise nouvelle à Autun. Putain, l'Intermarché, le deuxième a fermé. Oh, aïe, Romano. Merci, Adrien, 714. La faillite est proche. Il t'aurait gifi, ça va. T'as pas intérêt de mal parler quand t'arrives à Marseille, sale parisien. Putain, sale parisien, ça revient souvent. Hein. Sofiane, le Marseillais. On va t'éclater, sale parisienne de merde. Mais non. Ni que le PSG. Et pas le tout pointu. Et pas le tout pointu. Ah, mais au bahut, dans ta classe, tu vas se faire traquer. Ça, c'est clair. Quoi. Et il est tout blanc. Pas le dire, mais ça sera jamais méchant. Ouais, mais c'est... je pense que si tu le dis pas, c'est encore pire, tu vois. Ah ouais. Parce que si tu le dis pas, qu'il y en a un qui le crame, genre, exemple, une prof qui fait une réflexion, genre, on accueille le nouveau qui vient du 92. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mais là, c'est encore pire, traquer. Ouais, c'est clair. Donc, vaut mieux arriver. Écoutez, c'est un parisien. Et assumer, tu vois, rentrer dans le traquage et toi, clasher aussi, tu vois. Ouais. Ça en même temps, lui, il a pas arrêté de déménager. Donc, Il y a Zlatano là, qui nous dit moi, je préfère mourir plutôt que d'aller vivre à Marseille. Ah, mais les gars, vous connaissez rien. Tiens, Luna, moi, je suis arrivé. Tiens, mourir alors. Hein, je suis arrivé à Marseille après la mutation de mon père. J'étais à Reims. Je me suis retrouvé ici. Je n'aime toujours pas cette ville depuis 15 ans. Message de 15 Luna. Ans, super. Et elle en a 18. Ah ouais, voilà. Mon rêve, c'est mon rêve est d'habiter Marseille quoi. Pour Fanatique 59 du Nord. Allez l'OM, Paris, on t'envole. Ah, on t'envole carrément. Si tu veux. Je vois encore un Sofiane, il y a un nom de Sofiane à Marseille. On le reconnaîtra avec sa tête de con et son accent pourri. Voilà. Ah bah ouais, il y a Max du 13 qui me dit le Parisien, il s'appelle comment, que je m'occupe de lui. Tu vois déjà des gens qui veulent t'accueillir. Merci les Marseillais. Vous êtes super les Marseillais. Bah oui, t'inquiète, il sera bien accueilli. Après ce qu'il a dit, ça restera que pour rigoler, tu vois. Il y a aucune agressivité. Non, mais avec un peu de chance dans la classe dans laquelle tu vas tomber, il va y avoir d'autres mecs comme toi. Ouais, d'équipe, vous allez faire un clan. Ouais, voilà, ouais. Le mec il sera content. Putain, j'étais tout seul. Ouais. Ils m'ont fait la misère. On va être deux. Ouais. Baisez vos mères les Marseillais, ici c'est Paris. Ah bah si tu veux mon pote. C'est mon rêve qui vit. Ouais. Ah bah tiens encore, c'est mon rêve qui vit. Moi j'aimerais trop vivre à Marseille. Anissa là. Non, c'est bien, il y a des bons côtés, après il y a des mauvais côtés comme dans toutes les villes, tu vois, mais bon. Oui oui. Ouais, ça, après partout, si toi hein. tu vas avec tes parents, machin, vous allez être calé. C'est ça, sale et moi j'adore. Dans certains quartiers ouais, tu t'y sentirais bien. Ah ouais, trop putain, bien. Hier, je me suis fait agresser par un rat gros. Alors à Marseille, fais attention si tu nous écoutes Morgane. Attention à l'agression parce que il y a des caïras qui se baladent à Marseille, ça craint. Mais je te jure, il y a des rats, c'est des caïras même. Non, mais je croyais que c'était un chat au début, tu vois. Moi j'allais le caresser, tu vois. En fait, j'étais en train de décharger. Un chat et un rat, ça. Non, mais parce que c'était cette nuit là, j'étais en train de décharger un truc dans une voiture, donc sur un parking, il faisait noir, tu vois. De, et la... de la drogue. Non, un cadavre directement. Un cadavre. C'est comme ça à Marseille. Tu vois, hop, j'avais liquidé un gars. Non, tu vois, je sortais des courses, machin, et je suis penché et sens un truc sur ma jambe. Et il y a souvent des chats dans la rue. Et tu sais, je regarde et je vois un truc noir, je fais ah, le chat. Je me baisse pour le caresser ou le dégager gentiment, et d'un coup je vois que c'est un rat. Ah, coup de pompe. Agrippé à mon mollet comme ça. Il est amoureux. Le truc, je fais ah, je fais comme ça, le truc reste accroché. Il va sur mon autre jambe, il s'accroche à mon autre jambe, je fais ah, que ça je tape. Et le truc il me passe entre les jambes. Putain, moi j'aurais hurlé. Il allait dans le buisson à 2 mètres de Paris. C'est les caïras. Ah, dégueulasse. Ouais. Putain, ça m'a fait un coup de pression dans le cœur. Je fais ah, c'est ça. Ah, puis c'est énorme ces trucs là-bas. Le poids sur ma jambe. Bon, les Marseillais. Exactement comme quand quand tu rentres chez toi. Effectivement, ton chien, ça donne envie. Ton chien était dégâté là. Et ben c'était lourd comme un chien sur ma jambe. C'est mignon. Putain, la lourdeur. T'as désinfecté ton. Il t'a fait un gâté. À l'envers à la machine. Et t'as fait un gâté. Ah ouais, il m'a fait un gros câlin, Laura. Bon, venez défendre votre ville, les Marseillais, puis les autres, n'hésitez pas à vous nous laisser des messages. Je vous ai déjà donné un bon avant-goût, quoi. J'ai défendu ma ville. Ah ouais, ça donne envie là. À mort. Bon, vous avez déménagé, on vous retrouve dans un instant sur Skyrock, tenez-vous prêts. Ouais. Ah, puis là, tenez-vous bien aussi, là, parce que là, c'est chaud. C'est Théo qu'on va retrouver. Peut-être même asseyez-vous, là. Avec, avec le beau-père. Le beau-père, il va pas très bien dans sa tête. Hein. Donc, le beau-père qui vit avec la mère de Théo. Hein. C'est pas le beau-père de sa meuf, tout ça. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. Le beau-père de Théo qui lui raconte plein de trucs de cul. Viens voir Théo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là? Ouais, non, mais ouais, il a des problèmes, ce type. T'es là, Théo? Non, mais c'est vrai. Tu sais pas, plus, ça fait 10 ans qu'il est avec sa mère, donc il l'a vu grandir et tout. Je sais pas, ouais, tu racontes pas des trucs de cul ouais, à déjà. Des gosses, quoi. Non, au début, je trouvais qu'il te parlait un peu comme un pote, donc ça fait un peu chelou, mais bon, pourquoi pas. Après, tu nous as expliqué qu'il était violent parfois, que ta mère elle vous laisse séparer. Faut que tu laisses faire ta mère, en fait, dans cette histoire. C'est son mec, hein. Ouais, mais ce qui inquiète Théo, en fait, c'est que sa mère déprime un peu et ouais, on a ouais aussi, mais en même temps, si elle est en phase de rupture, ça, forcément, bon, ça fait quand même 10 piges qu'elle est avec. Oui, puis ça va durer quelques temps. Ouais, c'est pas du jour au lendemain, tu sais, va pas tourner la page drôle, du jour comme ça au lendemain. Exactement, bah non, on passe pas du jour comme ça au lendemain. Bon, ta mère, qu'est-ce que tu peux lui faire, bon, un truc gentil pour faire avec ta mère? Tu sors avec elle, enfin, tu sors pas en boîte, hein. Non mais oui, tu fais des actes. Tu lui changes les idées, quoi. Tiens, maman, viens, on va en boîte. Non, mais allez vous faire un ciné, tu sais, genre en fin d'après. Viens, maman, on va en boîte, on va trouver un nouveau mec. T'as des frères, des sœurs, Théo? Comment ça se passe? Bah ouais, j'ai un petit frère qui a 6 ans, c'est le fils de mon beau-père et de ma mère. D'accord, ah ouais, donc t'as... Et ah oui. J'ai ma petite sœur qui a 10 ans. Après, il y a le fils de mon beau-père qui s'appelle Raphaël, qui a 17 ans. Ah ouais, et grande famille, la fille de ma quoi. Belle-mère, la fille de beau-père, pardon, qui a 15 ans. Putain, il y a du peuple là, ça fait du monde à la maison, ça. Ah ouais, c'est à eux aussi, ils leur parlent de cul, tu penses? Que j'avais demandé. Bah non, je pense pas. T'as discuté avec toi, le grand là, celui qui a 17 ans? Bah non pas tellement, parce qu'en fait il vient pas là tout le temps, donc comme il évite mais tu l'aimes bien, lui de l'apprendre là, j'ai pas trop eu le temps de lui en parler un peu, quoi. T'entends bien avec lui? Bah ouais, ça va, enfin. Mais tu pourrais lui en parler, hein, je trouve que c'est pas mal, surtout que c'est son père. Et voilà, mon idée, une fois de plus, mon idée qui fait l'unanimité chez Marie, et ça fait plaisir, parce que Marie, elle est psychologiste. Eh oui, je suis psychologiste.

Ah, mais tu cherchais quoi, toi? Après la longue histoire d'amour, tu cherchais à t'amuser non, un petit peu? Non, que des plans cul. Tu cherchais à tringler. Tringler, ouais. Très bien. Et alors, sur quel site tu t'es inscrit pour bien tringler? En fait, j'étais sur Badoo, sur Adopt. Ouais, Adopt et un mec. En fait, là, sur Adopt et tout machin, j'ai rencontré pas mal de meufs, etc. Ça s'est vraiment bien passé, machin. Mais sur les sites, je sais pas, t'as passé combien de temps inscrit sur les sites et combien de ta série de meufs? Bah, franchement, là, on va dire, ça fait un bon mois. Ah ouais, en un mois? Ouais, ça fait un mois et là j'ai eu 4 rendez-vous. Ah ouais, quand même. Et deux meufs avec qui c'est fait. Et mais ah, entre et qui te plaisait. Entre le moment où la meuf tu cliques ou elle te quoi, tu rentres en contact avec elle et le moment ouais. où tu la niques, il se passe combien de temps? Une heure. 5 jours. Ah ouais, putain, rapide, ça hein. va, ouais, c'est rapide. Hein. Moins d'une semaine, c'est géré, quoi. Pas mal. Donc Pamela ouais, est pas la seule à recevoir des messages, après, quoi. Après, faut les travailler tout nanan, puis après, tu prends. Ouais, non, mais j'imagine, voilà. Ouais, la meuf, elle t'attend pas chez elle, la chatte à l'air. C'est ça. Ouais. C'est ouais, ça. Ou alors tu. Ou alors c'est une cinglée. Oui. Tu dis sur qui je suis. Ouais, oh, putain, elle en veut, elle. Ah. Voilà. Et ouais. En fait, le délire qui s'est passé, c'est que voilà, donc du coup, ben, j'étais inscrit nanan, puis en fait, je suis tombé sur une meuf, et c'était vraiment un puits, franchement, voilà la bombe, quoi, tu vois. Mais tu l'avais vu comment? Elle t'avait envoyé une photo? Vous avez discuté par visio? En fait, sur le profil, tu vois. Et vraiment un putain de pétard et tout. Et puis en fait, à la fin du compte, elle a grave tchatché et tout avec moi, machin, etc. Et en fait, elle me chauffait à mort, la meuf. Et puis du coup, elle me disait qu'elle avait fait pas mal de chirurgie esthétique, etc. Machin. C'était vraiment une bombe, quoi. La meuf. Franchement, un oui, avant dans la j'avais tête, une mais, bite, mais oui, ça, et deux grosses couilles, mais voilà. A pu. Voilà. Et du coup, voilà. Et en fait, il s'est passé que voilà, elle me chauffait grave et tout. Elle m'a donné rendez-vous. Et en fait, bah, quand je suis allé la chercher, machin, chez elle, etc. La meuf, elle est descendue. Je l'ai vue. Elle n'avait plus la même gueule. Bah non, franchement, justement, elle était même mieux. Elle est encore mieux. Elle avait fait un petit tour chez son chirurgien. Ouais, non, mais sauf que, attends, écoute l'histoire. Remonter la gueule à coup de botox avant le rendez-vous. Ouais. Et en fait, le délire, c'est que, voilà, la meuf, elle est arrivée, machin, elle a ouvert la porte de la voiture, elle est venue dans ma voiture, machin. Et là, sauf que là, elle m'a sorti texto avec une voix comme ça, elle m'a dit, ouais, salut, on peut fumer dans ta voiture? Oui, moi, c'est Roger. C'est ah, merde. Mais appelle-moi Jessica. C'est ça. Et en fait, c'était un trave. Ah bah voilà, tu vois, Romano, t'étais pas loin. Eh bah voilà, bah dis donc. Hein. Mais effectivement, donc, il s'est fait couper la paire de couilles. Hein. Donc ouais, voilà, en fait. Attends, des travestis, c'est avec des couilles. Non, travestis, normalement, c'est juste non. déguisé. Ouais. Donc, t'as des couilles. Et enfin, toi, voilà, elle était opérée ou pas, je connais pas, j'en sais rien, mais. Non, mais elle avait des seins, quoi, des vrais seins ou. Ah ouais. Ouais, donc c'est un trans. Et tout, à mort. Franchement, une meuf, tu passerais dans la rue, tu te retombes dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais elle avait une bite ou pas? Bah ouais. Ah, elle avait une bite, d'accord. Et en fait, je l'ai cramé direct à la voix, machin, donc du coup, tu vois. Ah bon, en fait, on est allé manger vite fait à côté, donc du coup, on s'est posé, direct, j'ai parlé avec elle, je lui ai parlé du truc, quoi, t'as une voix chelou, machin, etc. Et normal, je suis un homme. Voilà, c'est ça. J'ai de grosses couilles. Oh putain. Regarde. Voilà, et du coup, en fait, ben. Ah, mais j'ai vu, c'était un mec et tout nanan, tu vois. Mais t'as cramé dès le début. Ah, moi, dès le début, moi, je serais même pas allé boire un verre avec. Hein, non, mais en fait, c'est que voilà, quand je l'ai pris, en fait, je devais me garer genre au bout de la rue et boire un verre là sur le côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Donc du coup, j'ai dit vas-y, bim. Et puis après, bah, je l'ai planté comme ça et je me suis cassé. Mais fais l'action, quoi. Je suis tombé face à un trave, tu vois. Ouais. Bon, le pire aurait été que tu te retrouves à poil avec. Non, mais un trave que t'as trouvé super bonne. Bah, c'est ça le délire. Trop fort. D'ailleurs. Tu peux me donner son numéro? Non. Mais toi, tu te sentirais d'essayer? Bah, t'es malade. Non. Non, mais bon, pourquoi pas, hein. Non, ouais, je veux bien, pourquoi pas, mais non. Et admettons, je sais pas si un jour elle veut se faire. Mais elle veut se faire opérer un jour tout. Enfin, il veut se faire opérer tout. Mais en fait, moi, je lui ai même pas parlé. Après, derrière ça, j'ai vu que c'était une embouche, j'ai vu que c'était un fake, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y. Ouais, t'as esquivé, ouais, t'as bu le verre. T'as jamais aussi bu aussi même vite. Pas, non, j'avais soif. Putain, j'avais soif. J'ai rendez-vous, là, je m'en vais. Ah ouais, mais moi, j'aurais bougé rapide aussi, j'aurais esquivé. En fait, le pélo, direct, je suis arrivé, nanan, il a dit, vas-y, on boit un verre et tout, nanan. Je lui ai dit, non, même pas, vas-y. Je m'étais cassé, je me suis barré comme ça, quoi. Mais franchement, c'est abusé, tu vois. Genre, tu vas sur des sites de rencontre et tout machin. En fait, c'était juste pour voilà, raconter l'action. Non, mais c'est marrant en tout cas. Non, mais bon, en même temps, elle a le droit de rechercher l'amour aussi. Hein. Et puis, je suis sûr qu'il y a des mecs qui y vont sans hésiter. Ouais, mais j'ai envie de te dire aussi, quand t'es dans ce genre de situation, tu sais que ça va être problématique, il annonce avant, tu fais pas la surprise comme ça aux gens, tu vois. Ah oui, toi, il t'a fait la surprise dans la main. Non, mais je pense que justement, non, mais parce que ouais, genre, il se dit peut-être sur un malentendu, le mec, il a tellement envie de baiser, quand tu vas me voir, il va me sauter. Non, mais pour un peu, c'est ça, hein. Mais c'est un pote de Sammy qui était tombé sur un travelot comme ça, une fois. Ouais, lui, il s'était fait, sucer branler, même. Et il s'en était rendu compte après. Bah, en voulant lui mettre un doigt et en lui caressant gentiment la cuisse, puis d'un coup, il a senti un truc. Kevin Boss. Ouais, c'est quoi ça? Le monsieur madame était très excité. Non, mais moi j'avais accompagné un mec. Ah bah ouais, il bandait comme un porc, tu vois. Ouais. Mais l'autre il a halluciné. T'sais. Bah moi j'avais accompagné un pote, un grand mot. Raconte pas cette histoire, s'il te plaît. Non, mais c'était pas Cédric. Un mec au bois de Boulogne, le mec était persuadé qu'il allait se faire sucer par une meuf. C'était un travelot. Moi aussi j'ai un pote. Et le mec allait se faire sucer. Mais le mec il le savait. C'est pas possible que le mec le sache pas, tu vois. Mais c'était peut-être son fantasme. Et le mec il y est allé. Et après derrière, le mec il était là. Non, c'était une meuf. Non, mais au bois il y a des meufs, hein. Oui, il y en a. Je peux t'assurer, t'aurais vu la gueule, c'était un mec. Oui, d'accord, peut-être. Ouais, ça louche. Il m'appelle. Non, mais c'était un trans, tu vois. J'ai pas vu s'il avait un sgeg ou quoi. Il avait des seins et la gueule, elle avait. Tu vois la mâchoire quand même. Tiens, on salue. C'était un mec à perruque, hein, quoi. Il y a plein de mecs hétéros qui se tapent des Ah ouais, mais il y en a plein. À perruque et à couilles en plus. Ah ouais, sans doute. Et Gégo qui allait sur Adopt, elle s'est tapé 14 mecs en un mois, pari que je devais remporter. Oh, bravo Gégo. 21 ans, elle t'a battu. Tu veux dire, c'est plus facile pour une meuf. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ah bah là, ouais. Enfin, 14 mecs. Mais toi, déjà, je sais pas, 4 meufs en. C'est quasiment tous les deux jours. 4 meufs en un mois, Alban. Non, il y a 4 rencontres en un mois, mais il y a 2 meufs serrées, quoi. Ah, et dans les 4, tu comptes aussi ton travesti. Je compte aussi le crâne que j'ai. Ah ouais, donc on va rester à 2 alors, ouais. Non, mais bon, ça va, c'est raisonnable. À 2, ouais. Beau travail, parce que voilà, en fait, le truc, c'est que la meuf, enfin, le pélo, quoi, en fait, il m'envoyait des photos et nanana, tu sais, grave déshabillé, machin, d'une meuf à poil et tout, tu vois. Et franchement, tu croyais trop, tu vois. Même j'ai montré à des potes, mes potes, ils m'ont dit, franchement, v'là la bombe. T'as trop de la chance et tout, tu vois. Voilà, et du coup, la meuf, elle m'avait déjà dit, ouais, t'inquiète, on va aller au ciné, après nanana, après, etc. Tu sais, nous, on a le lac à côté et tout, elle m'a dit, ouais, après, on va aller au lac. Oh, nanana, comme c'est romantique, tu t'es dit, putain, c'est romantique. Bah après, tu vois, tu t'es dit, vas-y, ça va se faire sur le lac, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu t'es dit, ouais, je vais bien la niquer au bord du lac, ouais. Ouais, bah non. Ça a cassé le délire. Après ton week-end et puis t'arrives et là boum, un pélo quoi. Ouais, forcément, ça fait une petite surprise. Si vous avez vous aussi rencontré des gens sur des sites, là, faites-nous signe. Dites-nous. Rencontre si possible un peu bizarre ou pas d'ailleurs. Vous avez peut-être rencontré l'amour. Hein. Romano est tombé amoureux de Mamouta sur un site. Mais, je suis pas tombé amoureux. Site de téléphone. Oui. Mais quand tu t'es rendu compte que c'était un mec, tu lui as dit quoi? Moi? Bah j'y vais, je me bats. Je disais, bah non, direct, en fait, le pélo, genre, tac, j'ai garé ma bagnole, je suis sorti, je lui dis, oh, mais c'est quoi cette voix et tout, nanana. Puis en fait, au début, il a essayé d'esquiver, tu vois, il me dit, ouais. En fait, il m'a dit, ouais, voilà, j'ai eu une opération et tout, de la gorge, nanana, je sais pas quoi, et en fait, genre, les chirurgiens, ils auraient touché les cordes vocales, donc du coup, elle aurait une voix de merde, tu vois. Ah ouais, jusqu'au bout, il a poussé le vice jusqu'au bout. Et en fait, le délire, c'est que ça a duré 2 minutes. Mais après, direct, je lui ai dit non, c'est pas possible, vas-y. Ouais, tu lui as dit que c'était pas ton délire, ouais. Non, mais si vous êtes déjà. Sauf que voilà, le truc, tu le dis à quelqu'un, tu fais pas genre nanan, moi je prépare ma soirée, nanan, etc. Elle a ouais, pas ça t'a pas tort. Tu peux mettre une grosse cartouche comme ça. Qu'est-ce que vous aviez dit, ouais, tout à l'heure, là, il aurait dû prévenir avant le quand même, ouais, ça me. Ouais, mais le mec, quoi, le. Je sais pas comment on peut dire. Messieurs dames. Je te dis, moi, souvent, je pense que par rapport aux photos, il a guiche comme ça. Et derrière, s'il dit direct que c'est un cum, je pense que, tu sais, il a peut-être Peur de rencontre. Ouais. Donc ouais, le mec, en fait, il tire le truc jusqu'au dernier moment. Tu signales sur le profil en disant nanana, je suis un travaux ou quoi. Moi, dis-toi, il m'a envoyé des photos et tout machin. Ouais, mais peut-être qu'il a essayé. Il avait pas de personne le contactait, tu vois. Ouais, mais après, en petite tenue, tout machin. Franchement, tu vois rien, il y a rien. Hein. Et tu t'es masturbé sur les photos ou pas? Peut-être qu'il a tout touché à Photoshop. Non, parce que là, tu te dis merde, je me suis masturbé sur un mec. Non, t'inquiète. Si t'es fait 100% hétéro, oui, ça doit faire un. Et son prénom, c'était quoi? Son prénom, il s'appelait Aline. Aline. Très bien. Donc voilà. Et c'était Alain. Ouais, c'était Alain en fait. Ouais. Bah, ils sont femmes. Alain, ce sont femmes. Non, mais oui, il y en a plein. Hein. Très bien. Donc du coup, ils jouaient le jeu jusqu'au bout. Quoi. Non, mais c'est vrai, bon, comme on dit, il y a quand même tromperie sur la marchandise. Quoi. Donc par contre, si vous êtes travesti vous-même, appelez-nous, parce que ce serait marrant de parler travesti là, dans l'émission. Toi, t'en as rencontré. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en rencontrer aussi? C'est ça. Vous êtes travesti. Après, tu vois, je respecte carrément et tout. C'est pas le problème. Ah oui, moi pareil, oui. À partir du 5 ans, sa vie. On va le dire avant, tu vois, qu'il n'y ait pas de malentendu, comme ça, moi, je passe mon chemin, tu vois. À partir du moment où tu t'en rends compte avant de coucher avec, oui, ça c'est. Ouais, ouais. Donc, vous êtes travesti vous-même, on vous attend, 41759. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour Pamela. Bonjour, je crois qu'on m'appelle. Mais je te dis allô, mais tu es en face de moi, dis donc. Mais oui, je suis là, oh lolo. Bon, comment vas-tu? Mais que tu es belle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Toi aussi, tu fais des rencontres de ouf. Hein. Ah ouais, des trucs de dingue, les mecs se tirent sur le nœud. Ah mais grave. Au téléphone. Ah, Cédric. Non, mais pas moi. Mais l'autre, dégueulasse. Le micro était ouvert, Cédric. Ah ouais, mais grave. Ah, puis la tête qu'a fait Pamela. Oh là, oui, bah je vais peut-être. À tout à l'heure. La gueule que t'as fait. Ah, tu l'as fait partir maintenant, ça y est, t'es content. Non mais elle est partie. Ah merde, j'allais dire, franchement, je t'aurais bien mis une cartouche à toi par contre. Ah bah je suis de retour. Ah bah impeccable, il faudra qu'on s'échange les numéros parce que qu'on se voit tous les deux. Dans la, dès qu'on parle de cartouche, c'est ouf. Un tram, ça doit trop bien sucer. Bah voilà, si vous aussi vous kiffez, vous pouvez nous dire, c'est Tony, 25 ans, qui nous a envoyé une photo, mais pas d'un tram, mais de lui a priori. Je sais pas, t'as pas testé, t'es pas allé jusqu'au bout, Alban. Ton pote de Marseille, il trouve que ça qu'elle suçait bien son tram. Ah ça, il m'a pas dit en détail, gros. Genre lui, il était écœuré, il a halluciné, mais en fait, il était choqué parce qu'il s'attendait tellement pas que ce soit ça. Il s'est laissé faire. Mais non, mais ce qu'il pensait que c'était une meuf, mais le mec, il était tout content, tu vois. J'ai serré une meuf. Moi, le mec, que j'avais accompagné se faire sucer. Bah lui, il était. Ah non, mais lui, il était heureux. Ah, pareil, gros. Lui, il était persuadé que c'était une meuf. Le mec, il disait non. Ah mais moi, j'ai pas pareil. Ah, elle a niqué, pas se rendre compte qu'il y a. Ouais, là, mon pote, il l'avait niqué, puis il me disait ouais, non, c'est un vagin et tout, c'était une meuf. Un vagin qui est plus caca. Caca, bizarre. Ouais. Bon, donc, travesti, ou vous aimez, vous avez déjà fait, faites-nous. Un jour, je suis allé sur un site de rencontre, c'était une bombe. Après, j'ai demandé une vidéo, et elle me fait oui, je fais dans le noir. Ouais, donc ça, déjà, c'est chelou, Romain, là. Et en fait, il était chauve. Oui, donc t'as cru que c'était une meuf, mais en fait, c'était un mec. Ah, il a oublié de mettre la perruque, quoi, il s'est baisé. Je comprends qu'il voulait ah faire. Ah, bah là, forcément, oui, ça fait bizarre. Ou alors vous avez des potes qui ont des travestis, faites-nous signe. Pas de problème. Je crois que les témoignages arrivent. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous fait signe. Ils sont tous sur la compile que Skyrock t'offre en exclu. Skyrock 2017. 3 CD. 100% français. Urban Music non-stop. Non-stop. Et Skyrock Classics. Classics. Avec en bonus des sketchs inédits du Whoop. Et comme samedi c'est Noël, Skyrock te rajoute des bons d'achat de 100 euros à dépenser partout où tu veux. Envoie vite roulette par SMS au 72020 et à toi la totale. Ouais. Skyrock 2017, la meilleure compile de l'année. Plus 100 euros de bons d'achat. Skyrock. Première radio urbaine mondiale. Bon alors monsieur, vous le voulez cet appartement ou pas? Parce que si vous le voulez, il va falloir m'envoyer votre dossier rapidement. Hein. Carte d'identité, passeport, permis, quittance, fiche de paye, facture, groupe sanguin. Voilà, vous avez tout. Digipost Plus, c'est la nouvelle appli gratuite de La Poste qui centralise tous tes documents importants. Télécharge Digipost Plus maintenant et simplifie-toi la vie éternellement. Je vous ai aussi mis mes diplômes si ça vous intéresse. Concert Skyrock SCH, ouais. Choisis encore Skyrock pour ses concerts en France. Ok. TSCH en concert avec Skyrock. SCH ajoute deux nouvelles dates dans les deux plus grandes villes de France. Le 16 juin au Zénith de Paris et le 17 juin au Dôme de Marseille. Retrouve-moi en concert Skyrock. Motherfuck. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, cette année, pour leur cadeau de Noël, j'ai bien l'impression que nos enfants rêvent éveillés. Alors vous allez rire, hein. Ils veulent chacun un smartphone dernier cri. Rien que ça. Jusqu'au 2 janvier, SFR vous rembourse jusqu'à 200 euros sur une sélection de smartphones comme le Samsung Galaxy S7 et le Sony Xperia XZ pour toute souscription à un forfait Power Plus. Appelez le 1090. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients SFR, engagement 24 mois, remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat du mobile, moins 1 euro TTC, hors facilité de paiement ou promotion éventuelle. Concert Nawel Madani continue sa tournée dans toute la France avec Skyrock. Bah moi je viens de Belgique, ça s'entend pas trop là. Retrouve la plus belge des comiques sur la scène du Comédia à Paris pour 14 dates avec Skyrock. Elle est extraordinaire Beyoncé, elle se roule dans le sable, elle est super sexy. Toi tu fais pareil, tu ressembles à un poisson pané. Nawel Madani. C'est moi, Nawel Madani. C'est moi la plus belge à partir du 2 mars au Comédia à Paris. Merci, c'est tout pour moi. À suivre sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Hey, hey. Tu m'entends. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passe en loup parce que j'ai beaucoup pris sur toi. Regard brille pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi, ce que t'as. t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi. Je me suis donné tant de mal. Je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on fonce ça dans le mur. On va transformer la Ferrari en lambeau. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons lourd parce que j'ai beaucoup plus. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Sur toi je veille, je serai là quoi qu'il advienne. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Moi j'ai de la pression dans la queue. Ah, ça presse. Elle ça est presse. Pas longue, mais elle est pressurisée quoi. Difoule. Moi j'ai déjà pris 4 heures de colle pour avoir pété en cours. Cédric. Que veut dire érudition? Érudition? Oui. Cédric. Érudition, c'est pas un mec qui a un petit gag? Marie. Ah, c'est dur. Et qui dit. Bah, dire. Oh, yeah. C'est quelqu'un ou quoi? Samy. Apparemment, c'est le truc, c'est le buzz du moment là. Et Karim. Ta mère, elle a baisé avec une photocopieuse. Difoule Radio Libre. 21h minuit. Tous les soirs sur Skyrock. Ah, quelle belle soirée jusqu'à minuit, on est là sur Skyrock. Et un cadeau pour Cédric, dans moins d'une demi-heure, il arrive ton cadeau. Et oui, on va parler travestisme dans l'émission. Ah, c'est pour toi. Ah, beau c'est cadeau. Gentil. Et ah ouais, oui. C'est gentil. Et j'ai Katia, un travesti qui ressemble à Christian Clavier, c'est bizarre. qui arrive dans va vous remettre le réveil de star de Christian Clavier avec Béatrice, je crois qu'elle s'appelait la dame. Ah, ouais. Magnifique. Ouais, donc un travesti pour toi Cédric. Oh, c'est ouais. Gentil. Allez, c'est presque Noël, c'est un cadeau qu'on te merci, fait. Merci, merci. Oh, c'est trop mignon. Bon, sinon un délinquant arrive, je tiens quand même à prévenir tout le monde, notamment la police qui nous écoute oh peut-être. Là. On aura un délinquant Étienne. On va rentrer dans les délinquantismes dans ça, un ouais. Instant. Ah mais complètement. Et il est où le Mika qui est tout excité là? Il y a Mika qui veut réagir à un truc qu'on a dit depuis le début de l'émission. Ouais. Mika qui est en ligne avec nous, on va le prendre tout de suite. Bonjour Mika. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Chaud, là. Mais bon, les gars, je vous appelle pour l'autre avec son prénom de fille là, Morgan. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Morgan, c'est le Parisien qui va déménager à Marseille. Ah oui, Morgan, c'est en avril. Ah, Morgan, trop drôle. Il vient pas à Marseille, il va venir chez nous. Bah, qu'il reste chez lui. Nous, on va pas chez eux, les Parisiens. Voilà. Là-bas, on va pas dans leur pays. Mais lui, il a pas le choix parce que lui, c'est sa mère. Elle travaille, elle est commerciale et donc elle va travailler à Marseille. Et donc, ils se retrouvent à Marseille. Il porte plainte contre sa mère, alors attends. Et, hein. Et donc, ah ouais, elle nous aime. Ils n'aiment pas, mais nous non plus, on les aime pas. Hein. Ah oui, lui, il aime. Non, ce qu'il aime pas, il trouve que vous avez une grande gueule, que vous avez un sale accent et que vous avez une équipe de merde. C'est vrai qu'il vous aime pas trop. Ouais. Bah là, écoute, Mika, il a pas une grande gueule, il a pas du tout d'accent. Je vois pas du tout pourquoi il dit ça. Ah non, mais on assume, nous. On assume notre grande gueule. On assume tout, nous. Et toi, t'es de Marseille, t'as déjà accueilli des Parisiens à Marseille? Ah ouais, ils rendent fous les Parisiens. Oh là, ah, quand ils viennent en vacances l'été, on leur klaxonne au cul et tout. Ah, c'est un plaisir de les rendre fous les Parisiens. Vous savez qu'on leur rentre dedans avec nos voitures quand on voit un 75. et que spray. Non, mais tu les rends fous, gros. Tu les rends fous. Tu les rends fous. Ouais, tu sais, où les touristes qui te demandent le bus pour la plage, tu donnes le bus qui part à l'opposé, tu vois, qui va dans les quartiers. Ah, c'est sympa, ça, tu vois. Ça, c'est cool. Un conseil. Puis en plus, c'est pas bondé les bus l'été à Marseille. C'est... Si c'est vous content. Allez à Marseille, vous demandez votre chemin, prenez le chemin inverse que celui qu'on vous a indiqué. Si vous n'êtes pas Marseillais, les Marseillais, ils font des blagues. Ah, mais oui, mais. Oh, l'autre, oui. Je vais l'envoyer à Nice. Ouais, c'est oh, ça. Comme ouais, pour rigoler, tu vois. Et les Parisiens, vous leur faites des réflexions. Ah, ils sont tout blancs. Ah, regarde, ils sont blancs, les Parisiens. Ah, ils sont tout blancs, ils sont tout jeunes. La pollution, c'est ah, ça, ils sont problème, gris, ça. Non, ils sont gris les gens. Gris, ah ouais, non, mais ils sont pas heureux dans leur vie, ils ont pas jamais de soleil, ils sont tout le temps malheureux, bah tant pis pour eux, hein, que veux-tu. C'est voilà. Ça, hein. Alors il y a Lolo là, Lolo Cimero qui nous dit sur Twitter là, les Marseillais ils sont méchants. Allez Paris. Non, nous on n'est pas méchants, on est tout le temps souriants par contre. Ah, genre, on est jovial. Ouais, voilà, ça reste dans le bon délire, tu vois. Le mec, on va pas aller le tabasser, mais on lui fait des blagues. Le mec, on le fait serrer par contre. On le fait tirer, mais on le fait tirer, tu vois. Ah, le mec est pas en dépression nerveuse. Et voilà. Ouais, c'est drôle. Et dépression, et bim. Ouais, moi aussi, alors, une fois j'avais raconté à un mec. Il était... Marseille, ça pue, utilisait plus de savon. Tiens, un message. Alors, c'est pas du tout à parisien. Le mais... savon de Marseille, tu connais pas. C'est un message de. Mais justement, c'est ce qu'il vous dans dit. Dans le monde entier, il cul, là, lui aussi, là. Renaud de Rennes. Enculé, ah, ouais. Ah, ouais. Ça c'est même pas des villes ça. Enfin, les mecs ils parlent mais ils habitent à Rennes s'il te plaît. Bah, c'est bien. Hein. Ah peut-être c'est bien gros. Je sais pas. Pour moi ah, ça sert pas. À rien sur la carte cette fois. Ah, y a même pas de. Y a non pas mais de c'est mer. Vrai. Mais franchement, bah, mis à part Paris et Marseille, toutes les autres villes que j'ai fait en France, je parle de ville, tu vois, ça sert à rien quoi. Ah, voilà. Ouais. Ça reste la banlieue de Marseille ou la banlieue de Paris, tu vois. T'as quand même dit Paris. Ouais mais parce que Paris c'est une grande ville et parce que Paris il y a des jolis trucs. C'est bien Paris. C'est beau Paris. Il y a Disneyland. Ouais, voilà, déjà. C'est le Parc des Princes. Il y a des scènes, ah, super. Et le Musée des Horreurs aussi. 37 bis rue Grenetta à visiter. Ah ouais, ça, c'est exceptionnel, ça. Je suis là. Exceptionnel. Oui, exactement. Ouais, je suis pas seul. Qui c'est que tu mettrais dans le Musée des Horreurs de Skyrock, Cédric? Ah bah moi, je mettrais Gia Romano en chef. En chef de musée. C'est en tête d'affiche. Ouais. Pourquoi tu le mettrais en chef, tête Romano? Ah, vous avez vu comment il kiffe, c'est incroyable. Ah, c'est dingue, hein. Ah bah trop, ouais, je vis trop dans tes couilles. Chef du Musée des Horreurs. Ah bah grave. Mais pourquoi? Bah parce qu'il est moche. Bah t'as bien vu sa gueule quand même. Tain, c'est bien si je suis chef, c'est pas mon employé quoi. Je te foutrais, je dirais récure mes chiottes. Ouais. Juste après avoir chié. Ouais ouais, viens tiens, viens bouffer ma merde. Ah vous êtes marrants les Marseillais là. Ils ont vraiment une grande gueule ces Marseillais, nous dit Coccinelle du 69. Mais non mais bon. Oh, on a pas de grande gueule. Le mec il a, non mais il attaque la ville, il est même pas venu le Morgan là. Le mec il vient, il se plaint d'avance. Ah il attaque. Non, s'il a peur, il a qu'à faire profil bas, il a qu'à dire qu'il aime pas le foot et voilà. Bon t'as fait comme ça ouais. T'as fait quoi comme blague Mickaël, t'as fait quoi comme blague à des Parisiens ou des expatriés d'autres villes de France hein, qui débarquaient à Marseille? Tu leur fais quoi, la blague sur l'accent, non? Oui, on se moque de leur accent, surtout après on se moque de tout, ils se comprennent rien, de toute façon. Ils sont homosexuels, ces gens. Ah, ils comprennent rien, l'accent tout pourri. Non, même dans le métro et tout, alors il y a deux lignes, ils arrivent à se tromper dans deux lignes. Ils se rendent fous pour rien, les gens, c'est vrai. Parce que pourtant, c'est alors, ils viennent à la plage, ils nous rendent des fous, ils nous piquent nos plages, ils font la circulation, ils regardent la mer et pfff. Nous, on va pas chez eux leur faire chier, qu'ils restent chez eux, c'est tout ce qu'on leur demande, non? Ah, bah c'est clair que tu vas pas venir voir la mer à Paris, ça. Ah, ouais, là. Ça, tu vas pas la trouver. Tu vas galérer à la chercher, ouais. Ouais, difficile. On voit la merde là-bas. Ah, trop fort! Eh oui! Karim, quelque chose à dire, toi qui représente Paris dans l'équipe? Ah, cousin, Marseille c'est pété, hein, moi je te dis, j'y suis allé un week-end. Mais t'as kiffé, gros. Bah et alors? Bah, je t'avais vu, Karim, à Marseille, non, j'étais ensemble, gros, j'étais à fond. Parce que je voulais aller voir le match, j'étais ensemble. Tu cherchais un tatoueur apparemment pour te faire tatouer le logo de l'OM. Ouais, le logo de Marseille, ouais, sur le chibre. Ouais, c'est ce que tu me disais, ah ouais, gros. Non, mais Marseille, la ville en soi, gros, elle y a rien à faire, hein. Mais tu galères. Mais parce que tu es allé à la gare, tu as pris le métro, tu es allé au stade, gros. Mais non, gros, j'ai dormi là. Non, mais non, j'étais en voiture. Déjà, je suis pas arrivé à la gare, j'étais en voiture, je me suis baladé dans la ville. C'est claqué, il y avait rien à faire que des mecs sous teinture blonde, ils galéraient. Tu es fada. Sous teinture blonde, ils galéraient là sur le vieux port. Ah, des galériens, ouais, y en a. À côté du Quick, je sais pas. Ah, ouais, la c'est galérien, gros. Laisse tomber. Ça t'arrive bien de galérer. On a Paris aussi. Hein, ah ouais, non, mais eux, ils galèrent toute la journée, ils ont rien à faire. Ah, gros, là-bas, attends, gros, la langue de la radio, il y a des mecs, ça fait 15 ans, je les vois assis sur le même banc, quoi. Non, mais attention, il y a même un rappeur marseillais qui disait dans ma ville, il y a rien. Tu connais pas, gros? Non, c'est qui dit ça? Laura Luciano, gros. Ouais, mais oui, y'a rien. Ah, lui, il le dit, tu vois. Ouais, mais y'a rien. Parce que des galériens, mais oui, des galériens, y'en a partout, gros. Ah, ouais, mais les mecs sont là. Ils restent dans leur quartier, ils font rien, tu vois. Alors, pour encourager Morgan, il doit être content de nous écouter, là, tiens, ce soir. Bon courage à Marseille, Morgan, il déménage en avril. On a Romain, alors bouge pas, reste avec nous, Mika. Hein. Mika, le Marseillais. Ouais. On a Romain, alors lui, Romain, il est normand et il est venu habiter un an à Marseille, c'est ça, Romain? Ouais, je suis là. Alors, comment c'était Marseille pour un normand pendant un an? Bah, c'est terrible, Marseille. Ah, voilà. Donc, terrible, bah après, dans le sens, ça déchire, quoi. Après, c'est normal, je suis pour l'OM, donc ça passe crème, quoi. Donc ouais, donc déjà là, c'est, oui, un, forcément, c'est un avantage. Ça aide. On va dire. En fait, si tu veux te faire accepter par les Marseillais, il faut soutenir l'OM. Bah non, ouais, mais ouais, déjà, surtout si quand tu fais des foot avec eux, ouais, si voilà, t'es pour Paris, tu te fais casser les jambes, quoi. Si tu t'y connais un peu en foot et que tu peux parler un peu ballon, je vais lui casser les jambes au Parisien. Sujet de conversation. Faire un tacle. Un tacle. Après, bon, là, ouais, il y a pas que le foot aussi à Marseille, les gars. Genre. Bon, et qu'est-ce que t'as bien aimé à Marseille, toi, Romain, pour encourager Morgan? Tous les gens, on croit qu'ils se kiffent entre eux, quoi. C'est la joie de vivre là-bas, en fait. Ah ouais. Oui. Oh oui, dit Mika. Tu trouves que c'est plus, c'est plus, enfin, c'est mieux que Dieppe, c'est mieux que la Normandie. Ouais, ouais, bah oui, parce que je prévois de, quand je serai un peu plus grand, quoi, de, ah, de partir dans le sud, quoi. Ah ouais, donc toi, t'as bien aimé. Ah ouais, bah, à tel vraiment, point que, j'ai kiffé. À tel point que t'as envie de vivre là-bas. Carrément. Ouais, voilà. Là, c'est un futur, c'est bien, Marseillais. Bah, c'est bien, bah, descends dans le tu vas déménager à Marseille, dans 5 ans, on te rappelle. Oh, tu parles comme ça. je vous appelle le bon passe-taga. Là, mais tu vois, par exemple, Marseille, ouais, c'est vrai que même si, tout à l'heure, Karim, tu dis qu'il n'y a rien à faire. Même si tu fais rien, tu te poses dans un endroit, tu vas voir des scènes du quotidien qui vont te faire rigoler, tu vois. Tandis qu'à Paris, tu te poses dans un endroit, tu regardes. Ouais, mais tu fais toujours rien, il n'y a rien à faire. Mais par contre, ce que j'ai remarqué et que j'ai bien aimé, c'est que les Marseillaises, elles ont de ce gros sein. Non, mais. Je sais pas si c'est le soleil qui tape dessus, mais elles ont des gros seins. Ça les fait gonfler. Ça les fait pousser, ouais. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, mais bon, il y a pas que ça. Ah, mais le soleil, il vaut de l'or, le soleil, c'est tout, hein. Le soleil, il vaut de l'or. Non, mais après, les meufs, elles sont un peu. On a l'impression qu'elles sont un peu plus jolies. Sur les Parisiens aussi. Non, mais jamais, c'est bon. Quoi? Jamais, gros. T'es fou, je suis arrivé à Marseille. Mais parce que toi, tu as vu des cagoles, gros. Non, je suis resté 5 minutes, 4-5 meufs marseillais. Mais ouais, mais t'étais où? Mais j'étais gros. Toi, tu allais que dans les quartiers cramés. Sur Champs-Élysées. Jogging qui sortait pas de leur quartier. Il était rue des putes. C'est quoi, vous, Champs-Élysées, là? Qu'est-ce que Champs-Élysées? La Canneberg? Ouais, voilà, là. Ouais, mais c'est ça, gros. L'impression, c'est leur Champs-Élysées, mon gars. C'est de la merde, c'est tout claqué. Ouais, mais mec, tu vas dans le centre-ville de la ville la plus pauvre du monde. Donc, on est d'accord, c'est la ville la plus pauvre du monde. Mais regarde où tu allais, gros. C'est comme si moi, je te disais, je suis allé à Paris. Je parle d'un quartier, tu sais. Non, mais après, je suis allé chez le Belge. Non, mais Marseille, ouais, voilà. Non, mais la ville en elle-même, c'est autour. Les villes autour, elles sont bien. Je suis d'accord avec toi. Mais Marseille même, c'est tout pourri. Mais non, mais là, t'as rien vu, gros. C'est plus belle la vie, frère. T'as vu que le premier arrondissement. T'as vu le centre-ville, c'est un port, gros. Donc, ouais, toute ville portuaire. Va dans le centre de Gênes, mon pote. Tu vas voir comment c'est cramé. Ah, Gênes, c'est meilleur. Mais voilà, et ben Marseille, c'est pareil. Tous les quartiers autour du port, gros, c'est un peu la zone. Mais autour du port. Comme Cédric. Il y a Jessica aussi qui voulait témoigner, qui a déménagé. Alors, Jessica, elle est à Nîmes aujourd'hui. Bonjour Jessica. Bonjour. On fait le tour de France des déménagements. Coucou. Là. Ouais, non, c'est ça. Alors toi, t'es à Nîmes et t'as déménagé d'où à où? Moi, j'ai déménagé un peu partout en fait. Mais donc, je suis originaire de Marseille. Ah, parce que t'as un petit accent, j'allais dire. T'as l'accent pas du tout, non. Non, non, pas du tout. C'est de la camouflée. Voilà, pas du tout, je parle comme ça. Tout pointu. Ouais, donc non, moi je suis originaire de Marseille, mais par contre, j'ai déménagé Valence, Nîmes, Perpignan. J'ai fait un peu beaucoup de villes. Et alors, avec mon travail, je fais toutes les villes aussi de France. Tu fais quoi comme travail? Je suis commerciale. Très bien, bah, comme la mère de Morgan. Pareil, comme la mère de Morgan. Et c'est quoi la ville que t'as préférée? La ville que j'ai préférée, ouais. C'est pas la France, c'est en Belgique en fait. Bonjour. Ah, ouais, voilà. Que c'est mieux chez nous. Tiens, je salue les Belges, Yacine, qui nous ont envoyé des. Ah, les Belges, ils sont bien, les qui Belges. Qui nous ont envoyé des photos, qui nous écoutent à Liège. C'était à Liège, eux. Ouais. T'étais dans quel coin en Belgique, toi? Bruxelles, Namur, j'ai fait toutes les villes de Belgique aussi. C'est magnifique. Oui, que nous, on a un accent qui est super. Oui, c'est bien. Oui, on mange des bonnes frites. Et que c'était très bien, c'est bon, clair. Oui. Donc, c'est la Belgique que t'as préférée. Et Marseille, toi qui es originaire de Marseille, j'imagine. Ouais, alors Marseille, honnêtement, je n'y retournerai plus vivre. Carrément? Non, carrément. Ouais, espèce de salope. Et il y a Mika, et Mika, on va se calmer, hein. Bah, qu'il a fait Mika, d'ailleurs. Pourquoi t'y retournerais plus? À cause de quoi? À cause de que c'est pourri, que voilà, c'est pourri, c'est sale. Tu habitais où à Marseille? Saint-Antoine. Ah ouais? Saint-Antoine. Ouais. Chez moi, là, habitais où? Ah, t'étais à Saint-Antoine toi aussi, Mika? Ah ouais, dans le 15e. Ouais. C'est crasseux, gros? Ouais, bon, après, il y a plus joli que Saint-Antoine, mais bon, c'est pas le. Ah, ouais. C'est crasseux. Ouais, je sais pas. Ah ouais? Ah, Jessica, c'est. Crasseux, c'est... Bon, belle pub, là. Pas de vivre, ça, je dis pas. Ouais. Mais par contre, la ville, il n'y a rien à. Voilà, donc Jessica, oui. Marseillaise, qui adore qui sa ville. Sa ville, quoi. J'aime ma ville d'origine, mais je n'y retournerai plus, disons. Mais toi, tu travailles pour l'office de tourisme de Marseille. Ouais, ouais, c'est clair. Tu retournes de temps en temps le week-end dans ta famille. Ah, jamais. Horrible. Là, je m'arrête à Aix. Ils viennent me voir à la gare. C'est ça. Non, non, je tourne de temps en temps. Mais bon, je fais un passage, quoi. Et je verrouille les portières de la voiture automatiquement. Ah non, mais oui, mais pourquoi t'as pas inconvénient? Il n'y a pas qu'une à Marseille, la délinquance, tout ça. Ouais, non, ça, c'est un peu chiant. Ouais, voilà. Après, je sais que je me sens pas en sécurité là-bas. Mais bon, tu sais, je te garantis. Tu vas à Paris, tu vas verrouiller tes portes de la voiture aussi, tu vois. Donc, Paris, Paris, non. Paris, ah ouais, ça va. Ah bah putain. Ouais, putain. Sur ah, moi, ça dépend où. Hein, moi. Ouais, ouais, ouais. Ah si, si, si, ouais, il y a des quartiers, laisse tomber. Ouais. J'y vais même plus. Je me cache. Et toi, Mika, ouais, toi, tu disais c'est sur W9 la délinquance. Toi, à Marseille, t'as jamais vécu des. T'as jamais flippé. Comme partout, faut pas croire. C'est comme partout. Après, c'est sûr que c'est. Ça peut arriver dans un petit village aussi. C'est pas la ville la plus gentille du monde, mais bon. Oui, c'est vrai. Voilà, mais bon, après, c'est quand même une très belle ville. Les gens, ils sont gentils. C'est comme à Paris, hein, c'est pareil. Hein. Il y a plein qui nous ont dit les Marseillais, ils chambrent, mais ils sont sympas au final. Ouais, mais c'est ça. Nous, c'est que du traquage. Il n'y a aucune méchanceté. Un traquage. Non, c'est vrai. Après, ouais, il y a des problèmes, tu sais, de délinquance, machin. À cause des Parisiens. Mais bon, ça, c'est absolument rien à voir avec l'accueil qu'on va te faire. Enfin, c'est un problème, tu vois. Bon, bah, vous êtes sympas tous les trois, là. Donc, Romain, il a bien aimé Marseille. Mika, il est fan de Marseille à la mort. Ouais, c'est ça. Oui. Et Jessica, bon, t'es mieux à Nîmes, toi, a priori. Hein. D'accord, les Nîmes, Nîmes ça non plus. Mais tu es rejeté partout, en fait. Ah ouais, toi, c'est ça. Ouais. Non, elle va aller en Belgique. Ah ouais, bon. Moi, je suis un papillon voyageur, en fait. Un papillon voyageur. Tu es un joli papillon. Un pigeon voyageur. Ah non. Merci, c'est gentil. Pigeon voyageur. Moi, je suis une limace. Ah ouais, c'est sympa. Quel bon choix. Une limace voyageur. Non, pas un pigeon. Un ragondin. Une limace voyageuse. Voilà. C'est bon. Un boudin de merde. T'as tout ça. Bon, bah, merci en tout cas à tous les trois. Et puis bah, bon courage à Morgane. Morgane, surtout, donne-nous des nouvelles dès que tu arrives à Marseille au mois d'avril. Et enlève ton fagnon PSG Man, machin, sur ta voiture, ton autocollant foot. Oui, déjà, c'est mieux, ouais, effectivement. Et bon courage à toi, Morgane. Et attends-toi à être un petit peu traqué. C'est comme ça, c'est le c'est la tradition. Le Marseille style. Mais oui, bon délire. Bon, on va le tuer, on va. Merci Mika, on t'envoie des cadeaux à la maison pour toi, c'est parti. Pareil pour Romain et bien sûr Jessica. Mais oui. On ne vous oublie jamais, les filles. Picou les boys and girls. Et les boys non plus, on n'oublie personne, les filles et les boys. Salut les filles. Il y en a pour tout le monde. Ça fait plaisir. T'es content Cédric? Ah ben grave, ça fait plaisir. Et oui, ça fait plaisir. Il arrive dans, un quart d'heure, le réveil de star spécial travesti. Eh oui. Ah. Du travestisme dans l'émission, c'est pas beau ça. Ah ouais. Bah attends. Bon, c'est trop mano. Oui, alors Cédric. Ah ben je n'en peux plus. Tu me disais qu'il fallait qu'on prenne quelqu'un tout de suite. Alors, c'est Alix, c'est lui? Ouais, c'est lui. Donc, Alix, c'est celui qui a une galère avec un problème avec sa grande sœur, je crois. C'est ça, Alix? Ouais, c'est ma grande sœur. Elle fait la misère aux deux frères, apparemment. Donc, notez. Ouais, c'est elle, ça. Elle a quel âge, ta grande sœur? Elle a 35. Ah oui, donc c'est une grande sœur. Ah ouais, carrément, ouais. Ah, mais j'ai 20 ans, ça y est, là. D'accord, mais c'est quand même une grande sœur. Ouais. Non, mais à 35 piges, elle vit plus à la maison quand même. Ah bah elle est revenue, ça y est là. Ah mais elle est revenue. Ouais, c'est le retour. C'est le retour, ça y est. Retour à la case départ. Ça fait 10 ans qu'elle est partie et ça y est, elle refait surface. Elle revient. C'est le drame. Hein. Elle est de retour. Elle a 35 ans. Elle va te pourrir la vie jusqu'au bout. Elle va te casser les couilles jusqu'à la mort. Elle est de retour pour de bon. La grande sœur 2. Et cette fois-ci, elle ne les laissera jamais tranquilles. Jamais. Elle ne repartira plus jamais, la grande sœur. C'est la grande sœur 2. Ah ouais, peut-être récupérer une sœur qui a 35 ans. Et ton petit frère, il a quel âge? Il a 17 ans, mon petit frère. 17 ans, donc t'as deux frères. Ah putain, ça doit vous faire tout drôle, les gars. Vous êtes dégoûté, non? Voilà. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Mais elle est revenue, c'est quoi? Genre, elle avait un taf, elle l'a perdu, et puis... Non, mec. C'est pire encore. En fait, si tu veux, c'est qu'elle était mariée, elle a eu trois enfants, et en fait, son mari l'a quittée, enfin, elle l'a trompée. Ah. Ouais, au bout du troisième, hein, quand même. Ah, elle a quand même, il a été sympa, quand même, oui. Mmh. Oh bah super. Donc du coup en fait le truc c'est que tous ces soucis là ça revient sur nous après, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais les coup, enfants ils sont où? Comment ça revient sur vous? Et ben le problème c'est que moi comme elle veut pas voir son mari, c'est ma mère qui est obligée d'emmener les gamins devant chez moi. Elle veut pas voir son mari, donc du coup en fait on doit les emmener à l'école, on doit vous occuper des enfants. C'est pour ça que j'ai demandé où étaient les enfants. Donc en fait vous avez récupéré 4 membres en plus dans la famille, quoi. Non, elle habite avec nous, elle est dans la famille aussi, mais après on s'occupe pas d'eux, on les nourrit et tout, mais après voilà, c'est le truc c'est que c'est elle en fait. Des chiens, bon, on les nourrit, on leur donne une gamelle, sympa, ouais, la de croquettes, une gamelle par semaine. Mais est-ce que les enfants ils sont à la maison? Les enfants, ils sont avec nous à la maison. Ah ouais, donc mais vous après, êtes à 4 après, en plus, là, putain. Voilà, mais après, le truc, si vous voulez, c'est que c'est pas les enfants qui posent des soucis, c'est mes neveux, donc... Ouais, c'est ta sœur, quoi. Mais après, c'est ma sœur, c'est elle qui fait des trucs, comme... par exemple, là, quand elle est arrivée, j'ai un pote à moi qui était là il y a un an de ça, hein, et du coup, lui, il m'a dit, je viens plus chez toi. Ah, c'est point. Ouais, oui, parce que quand elle est arrivée, elle m'a dit, ouais, tu vas creuser des trous partout et tu vas me planter. Elle avait des petits buissons à planter, j'ai planté des buissons. Et voilà. Des trucs. Donc en fait, tu fais un peu babysitter, tu fais un peu jardinier. Ouais, t'es l'homme à tout faire, quoi. En fait, t'es devenu l'esclave de ta sœur. C'est sympa. Il y a encore des trucs, hein. Le 9 juin, c'est l'anniversaire à ma mère, vous voyez. En fait, on a laissé la maison, du coup, on lui a laissé la maison. Parce qu'on voulait partir faire un week-end en famille, juste tous les quatre. Du coup, comme elle est tout le temps là, on n'a pas notre vie à quatre, quoi. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on lui a dit qu'on rentrait un peu plus tard et tout. Et en fait, on est rentré vers 4 heures. Et, genre, elle nous a mis le dawa. Mais elle avait mis l'orgie dans la maison, la chambre à mon frère. Moi, j'ai retrouvé genre des assiettes. Des en fait, t'étais tranquille avec ta mère et elle, c'est pire que ta mère. Bah, à 35 ans, elle arrive à fou. Ouais, mais bon, en même temps, elle est perturbée psychologiquement. Ouais, quoi. Bon, pour aller ranger des assiettes dans la chambre de ma mère. Ah, bah là, elle se mangeait à divorce, elle se retrouve avec trois gosses sur les bras, à retourner chez ses parents. Bon, après, ça n'empêche pas qu'elle n'est pas obligée de te faire chier non plus. Elle se prend pour une désespérée housewife, se transforme en jardinier. Ben le truc en fait, si vous voulez, c'est que avant il y a 10 ans, elle nous a insulté, mon frère et moi, ouais. Et le truc, elle a dit qu'on était des voyous et tout, enfin des voilà. Voyous et du coup, elle a pu changer. Des voyous. Et du coup après et du coup maintenant elle revient en pleurant, elle me dit ouais, je suis un gentil garçon et tout, je suis un bon garçon, alors qu'elle le pense pas, et je le sais. Allez, t'es un gentil garçon, on va me planter mes buissons. Ouais. C'est bizarre de retourner à 35 ans chez ses parents. Ah, bah des fois t'as pas le choix. Ah, bah ça me ferait chier, ouais, putain. Elle est obligée, elle avait nulle part où aller. Oui, non, mais c'est vrai, tu peux avoir des aléas de la vie, tout ça, la trois gosses. Ah, bah moi je préfère retourner chez mes vieux que de dormir dans la rue. Hein. Ah, bah non, mais ça c'est évident. C'est vrai, Romano. Bah, imagine, t'as une sœur qui a 15 ans de plus que toi qui retourne habiter chez tes parents et t'es chez tes parents. Ouais, mais là je peux pas imaginer, j'ai pas de sœur, moi, j'ai jamais eu de sœur. Pas de ça chez moi. On va devoir refuser d'avoir une sœur, vous savez. Ah, bah bien sûr. Ouais, Alex. Difool. Ouais. Big up aux chauves aussi, hein, parce que je suis chauve moi aussi. Ah bah big up, à 20 ans t'es chauve. Ouais. Représente les chauves. Big up les chauves, parce que mais moi je me rase le crâne, Romano. Ouais, mais essaye gros, tu devrais gros, sérieux. Ouais non. Chose à tirer de. C'est un conseil de goût. Après, un homme après, de goût, c'est Cédric. Cédric, c'est le boss au clash de la drague, mais big up aux chauves quand même. C'est, ouais, c'est non, quoi au clash de la drague? Le bof. Mais t'as pas entendu le bof, ouais, gros bof. Dans ton histoire, c'est marrant, il y en a plein qui nous disent c'est là. Comme 7 à la maison son truc là. Ah ouais? C'est vrai, c'est 7 à la maison. 7 à la maison. Ah, il y a tout le monde là. Ah oui, il y a tout le monde. Tu dois avoir une grande maison, nous dit Mike. Rebelle-toi, Alix, message de Praxis là. C'est chose qui t'arrive. Mais genre, pour les gosses là de ta sœur, vous avez réattribué les chambres, non? T'as gardé ta chambre ou genre ils te l'ont pris? Non, non, en fait, le truc c'est qu'on a carrément dû faire des travaux et tout, et c'est mon père qui a payé. Voilà, après on s'est arrangé parce que du coup nous on connaît du monde dans le bâtiment, donc ça va. Mais après c'est toujours du fric en plus, et moi il y a un moment, le truc c'est qu'après moi mon père il dit rien, il s'en bat les couilles. Ouais. Ma mère elle dit rien parce que ma mère elle est trop gentille et donc. Ouais, mais bon, c'est normal aussi, c'est leur fille, elle quoi. Elle s'est fait insulter et tout, ma mère, elle a rien dit. Et du coup après c'est moi le truc, c'est qu'après moi je dis rien parce qu'après je veux quand même qu'elle arrive à se forger un caractère, mais ça marche pas, et du coup moi je pète un plomb. Non, mais à un moment donné, de toute façon, à 35 ans, elle va se rebarrer, quoi. C'est provisoire, non? C'est ça, c'est une grande fille. Ouais, bah attends, si elle a des travaux, gros, je pense qu'elle va s'installer. Non, puis si elle a pas de boulot avec les trois enfants et tout, ça va pas se faire. Non, mais bon, un jour ou l'autre, elle travaille, elle fait quoi, elle? Elle travaille, ouais, elle est banquière. Ah bah voilà, ouais, donc elle a un taf. Ouais, donc à mon avis c'est provisoire. Je sais pas, à 35 piges, surtout quand t'as habité en dehors de chez tes parents et que t'as des gosses. À Saint-Étienne, hein. À un moment ou à un autre. Ah, très bien, c'est chez moi ça se passe. Ouais, bah, mes parents ils sont stéphanois. Ah, t'es un bon toi, Alix. Tu connais Sacha Melon? Sacha Melon. Bien sûr que tu connais Sacha Melon. Sacha Melon. C'est chez Melon. Et rive de chier. Non, pas rive de chier, rive de chier, Romano. La moulure, mange la molière. Hey, attends, ça c'est The Place to Be. Hein. Ah bah attends, comment qu'on puisse dire. Je suis bordelais, moi, allez, Bordeaux, attends. Ouais, hein. J'ai quand même bien. Ouais. Attends. Bon, allez, faut pas que tu te laisses faire, là, on nous dit tous, regarde. Anir, lui aussi, il dit, rebelle-toi. Pizzaman qui nous dit, faut rien dire à ta sœur, tu te laisses pas faire, c'est tout. Voilà, tu lui parles pas, tu lui réponds pas, tu lui dis rien. Ouais, mais après, vous savez, il y a un truc, c'est ce que j'ai fait là, c'est que en fait, vous voyez, pendant les vacances et tout, là, de Noël, elle s'embrouillait avec ma mère, elle a insulté et tout. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, le soir, en fait, elle est venue genre nous sucer. Parce que du coup elle revenait et tout, mais elle s'était embrouillée. Et moi en fait, mon père il m'a dit elle mange avec nous le soir. Ah, oh, j'ai dit oh quelle coïncidence. J'ai dit ce soir je suis pas là, je vais manger au KFC. Et du coup j'ai pris ma moto et en fait elle parlait à ma mère et elle a voulu mettre son bras et tout pour m'arrêter. Et j'ai mis un grand coup d'accélérateur pour me barrer du coup. Eh, au moins tu te fais pas chier. Alors il y a aussi une solution dont on n'a pas parlé. Pourquoi tu te prends pas un appart, Alix? Au moins tu seras tranquille. C'est Mathéo l'arbre. Non mais c'est à elle de se barrer. Hein. Ah. Je suis désolé. C'est moi. Pas, c'est pas à moi de partir de chez moi. Ah non mais c'est clair. L'autre avec ses mouflets. Voilà, chez moi. Non mais bon c'est normal qu'il y ait des moments où ça va pas trop. Tu vois bon elle vient de vivre un divorce à la con. Tu sais, bon, elle se retrouve, je te dis, avec trois mouflets sur le dos, ça doit pas être facile. Mais bon, tu vois, à un moment donné, ouais, toi, t'as rien à voir dans l'histoire, t'as pas été souffre-douleur. Hein. J'étais pas dans le lit, moi. Moi, c'est pas moi, hein. elle a voulu ses gamins, elle les ah a non, non, mais je sais. C'est vrai que t'es pour rien. Non, mais ce qu'il faudrait faire, c'est si ton père, tu vois, lui dit trop rien, faudrait peut-être, tu sais, gentiment, vous l'aider à aller trouver un appart, quoi. Ouais. Tiens, regarde, il y a la cave en dessous. Non, mais c'est super sympa. Il y a la cave. Non, mais t'achètes, genre, vous regardez sur internet, particulier à particulier, tu fais, tiens, on va regarder s'il n'y a pas des apparts et tout pour tiens, toi. Pour que tu te barres. Au plus vite. Ouais, au plus vite. Bon, qu'est-ce que vous nous dites? Trouve-lui un mec, hein. Trouve-toi un pote qui est un peu con et qui va l'amener loin de toi, qu'elle tombe amoureuse. C'est pas con ce message de Romain 89. Mais le truc là, en fait, qu'elle retombe amoureuse. Ma sœur, elle s'est inscrite sur Mythique et tout là. Oh, faut lui trouver quelqu'un. Pour retrouver des gars et en fait, ma sœur, en fait, elle est grave intéressée en fait. Ouais. Elle kiffe l'argent, elle kiffe les grosses voitures et tout. Et donc voilà. Vraiment, mais tu nous en fais une description rêvée de cette demoiselle. Cédric, il y a une meuf, elle est libre. Non, ça va aller tranquille. Dans le 33. Elle aime le blé. Elle aime le blé. Voilà, vas-y, je lui paye un iPad. Allez. Allez tranquille. Cédric, t'es libre ou quoi? Non, oh là, putain, j'ai trop de meufs là en ce moment. Ah bah, ça c'est sûr. Ah, excusez-moi. La blague. Bon, quitte pas en tout cas. Reste avec plaisir, sinon. Reste avec nous si vous avez des conseils pour Alix, si vous avez vécu la même chose, une grande sœur qui vous casse les couilles à la maison, mais une grande sœur, vous nous faites signe. Faites des études, bouge le plus vite possible, c'est Abder, c'est trop la loose pour Maxime. J'aime les chauves, ça m'excite. Tiens, t'as peut-être trouvé une meuf. Non, c'est un mec, pas de chance. Ah bah, dommage. T'as peut-être trouvé un mec, Alix, mais bon, c'est peut-être pas ce que tu cherches non plus. Laisse-toi pas faire, rebelle-toi, ça revient encore, ça, les messages, rebelle-toi, laisse-toi pas faire. Pas con l'idée de l'appart, mais c'est plutôt pour elle qu'il faut en trouver. Ah non, mais c'est clair, mais c'est à elle de dégager, quoi. Bon, on y revient dans un instant. Tu bouges pas, Alix. On attend vos conseils pour Alix. Et avant de revenir. En tout cas, bon courage, mec. Ah, bah, ça, c'est clair. Ah, ouais, ah ouais là, c'est chaud. Là, il en faut. Hein. Ouais, et t'as même si tu votes pour Cédric, décidément, tu as tout les tard, mais. Je vote pour Cédric. Je suis chaud. En plus, non, je sais, bah, vraiment, tu n'as rien pour toi. Voilà. À tout de suite, Alix. Tu as une petite dédicace avant de partir ou pas? Non, mais on te reprend de toute façon. Ah, bah, ouais, on va prendre des témoignages et tout. Ah, ouais, petite dédicace, vas-y. Ah, bah, oui, quand même. C'est cool. Ok, bah, ça marche. Bah, dédicace, vas-y, fais-la quand même. Je peux la faire. Donc grosse dédicace. Alors à mon pote Tony Déter, c'est un rappeur de Bordeaux. Salut donc, Tony Déter. Déter. Le KBX clan. Il y a qui Yacine, Adil, qui doit être après la Mif. Là, ils se reconnaîtront. Il y a pas de souci. Voilà. Ah, moi j'ai une petite dédicace de la part d'un gars de Rive de Gier qui veut que je fasse un truc à Romano. Viens voir Romano. Aïe. Il nous dit c'est pas Rive de Gier, c'est Rive de Gier. Désolé, hein, moi je connais pas cette contrée. De contrer, non. Contrer toi-même, dis donc. Non, mais c'est bon, c'est des. Comme en Bourgogne, c'est des bleds, quoi. Bah non, Rive de Gier, il y a du monde. Il y a combien de personnes? Bah, il y a, je sais pas, 200 000 personnes. Ouais, à tout péter, il y a 10 000 personnes. Il y a 20 000 personnes à Rive de Gier. Ouais, mais t'as tendance à augmenter quand c'est dans ta région. Parce que déjà, j'avais regardé, alors je vais regarder immédiatement. Alors, va voir Rive de Gier. J'espère au moins que sur Google, je vais trouver ce machin. Voilà, et t'as des messages de Saint-Chamond également. Ah, Saint-Chamond, c'est pas pareil. Saint-Chamond, c'est pas pareil. Viens nous voir à Saint-Chamond, nous dit Manon. Ouais, ces jours, il faudrait que je passe dans cette bourgade. Ah, effectivement, ouais, il y a grave du monde a priori. Alors, combien Rive de Gier, Manon, vas-y. 500 personnes. Mais non. Ah bah attends, je crois que Cédric. Alors tu sais utiliser Internet. Ouais, mais t'inquiète, ouais, mais c'est simplement Rive de Chier. Romano, tu sais, c'est pas le truc qui apparaît en premier sur Google. C'est Rive de Chier. Romano. Ouais. Romano, va pas à Saint-Etienne, ça pue là-bas. Non mais ta gueule, toi, dis donc. Tiens, Alex. 14 000 habitants. Eh bah voilà, t'as vu, bam. Eh ouais. Et voilà. 14 000. Plus que chez toi. Ah non, certainement pas. Moi, la population a augmenté de 600. Ouais, parce qu'il y a des vaches en plus. Donc. 600 ? Il y a eu des naissances ou quoi ? 600 personnes. Voilà. Ça, c'est un truc de dingue. Ah, ils ont rallongé les événements. Je peux dire, le maire est en transe. L'impression d'avoir repeuplé la Bourgogne. C'est le baby boom. C'est lui qui a fait tous les enfants. Ah ouais, c'est clair. Il a eu partout. Bon, on aura le témoignage de Sébastien pour toi, qui a le même problème que toi avec ta sœur. Tu bouges pas, Alix. Reste là. Ok, pas de problème. Mais tout de suite, place à la délinquance. La délinquance ? Oui, on va prendre un délinquant en ligne. Ah merde. Eh oui, flash spécial. Ah, on a de tout dans l'émission. Hein. Alix, non, Étienne, maintenant qu'on va prendre avec nous. Allô, Étienne. Salut, Étienne. T'es un trafiquant. Salut. Toi. Salut, l'équipe. Ouais, Étienne. Alors, Etienne. Le trafiquant. Le trafiquant, grand mot. Tu gagnes de l'argent avec ça ? Non, en fait. Attends, tu nous diras d'après. Je vais vous demander. Attends. Je vais vous demander qui est. Ah, déjà, un trafiquant qui gagne pas de thunes, c'est un trafiquant en bois. C'est un mauvais trafiquant. D'après vous, il trafique quoi ? Je sais pas, moi je dirais qu'il revendait des trucs au bahut, tu vois. Des clubs. Ouais, je sais pas. Attends, on va vous demander à vous. Non, aussi. Mais j'aurais pensé ça au départ quoi. Il trafique des sites internet, moi. Réfléchissez. Il trafique des sites internet. Comment tu fais pour trafiquer, Cédric, des sites internet ? T'es un pirate. Pirate, tu veux dire ? Ouais. Ah, pirate. Hacker. Ah oui, sans gagner d'argent, ouais. Est-ce que Cédric a donné la bonne réponse ? Étienne. Il trafique des sites internet, oui ou non ? Tu es hacker ? Non, c'est pas ça. Non, ah bah tant mieux, je suis content que t'aies pas trouvé. Vas-y, propose un truc, toi, connard. Bon, réfléchissez. Et on en reparle tout de suite sur Sky. Bougez pas, et le travesti, le cadeau de Cédric arrive. Oh ouais. Ils t'ont fait marrer toute l'année. Romano ! Ouais ! Ah, très bien. T'es bien où, là où on pense, quoi ? Ouais. Non mais là je peux pas là. Je peux pas quoi ? Ah putain, je peux plus parler. Mais si, tu peux parler, c'est l'heure des conseils pas chers. Non mais tu vas me faire crever. Réponse à ça. Et qu'il arrête de rire l'autre con. Ils ont réveillé la France entière. Oui, moi je suis en pyjama, alors c'est peut-être pas le moment. Pour bien finir l'année, viens écouter les meilleurs moments du Morning de Default dans le Morning Best entre 6h et 9h sur Skyrock. Skyrock 2017 avec en exclu Joule, DJ Snake, Major Lazer, Alicia Keys, Maître Gims, Black M, Caris, Sadek, Soprano, Gradure. Et en bonus, les sketchs inédits du Whoop Gang. Skyrock 2017, première radio urbaine mondiale. Assassin's Creed, il se nomme Callum Lynch. Il devait être exécuté. Vous venez sauver mon âme ? Un autre destin l'attend. Vous allez entrer dans l'animus. Qu'est-ce que vous me voulez ? Votre passé. Attendez une minute ! Assassin's Creed, je vous crois premier de grandes choses. Michael Fassbender, Marion Cotillard. La folle soirée ne fait que commencer. Le 21 décembre au cinéma. You never call me when you're sober. DJ Snake, encore l'album de tous ses hits. You never call me when you're sober. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. You will love Sober, Let Me Love You, Middle, Talk sont tous sur l'album de DJ Snake. Dans les bacs et sur les plateformes digitales. Le train en direction de Busan va bientôt partir. Prenez place pour le choc de l'année. Il se passe quoi ? Dernier train pour Busan. Le train ne peut pas aller plus loin. Pour rester en vie, montez à bord. Qu'est-ce que vous faites ? On attend quoi pour partir ? Dernier train pour Busan. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce train ? Maintenant, DVD, Blu-ray, VOD. Dépêchez-vous ! Avec Skyrock. Concert. Salut, c'est Issa Doumbia. Retrouvez-moi au spectacle dans toute la France avec Skyrock. On est bien ici, hein. Venez découvrir mon spectacle Première Consultation avec plein de personnages. Quand tu mets de la musique comme ça pour m'accueillir, moi tu crois que je suis ta copine ou quoi ? Eh ouais, je suis de retour du 19 janvier au 2 avril à l'Alhambra à Paname. On est bien dans ma voiture, hein. Issa Doumbia, à suivre sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Si tu vas pas voir le spectacle d'Issa, je te gifle gratuitement. 21h minuit, c'est la radio libre de Default sur Skyrock. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Perfect time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. We don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it we don't have to rush when you're alone with me. Radio Libre, Radio tous les soirs sur Skyrock. Et vous tous qu'on retrouve tous les soirs sur Skyrock, vous le savez, vous êtes avec nous. Et alors ce soir, un cadeau pour Cédric, c'est un peu Noël avant l'heure. Ah ouais, t'es gâté. Fallait pas, fallait pas. Mais si, Cédric. Il y en a qui vont être jaloux après dans l'équipe. Un sujet sur le travestisme. Ah, mais c'est sûr. Sur le travestisme. Ouais, oh, sur le chimélisme. Oh ouais. Oh là, ça y est, j'ai tout balancé. Vas-y, arrête. Salut les filles. Ah, c'est beau ça. Bon, oui, on va se remettre juste un réveil de star qui nous avait bien fait rigoler la semaine dernière. C'est le Père Noël est une ordure. C'est dans le Père Noël est une ordure. Il y a le travesti dedans. Ouais, ouais. C'est Christian Clavier. Ouais, c'est lui. Toi, t'as pas vu Karim ça. Non, mais j'ai entendu parler du travesti. Et t'as jamais même pas vu des extraits. Non, jamais. Si, des extraits, ouais, mais le film, jamais. Il y a Christian Clavier, il casse son talon. Oui. J'en sais rien. Et il monte dans l'immeuble, SOS Détresse Amitié, bonjour. Exact. Ah ben je ne sais pas. Et ben, écoute, il danse avec. Comment il s'appelle Thierry Lhermitte. Avec Thierry Lhermitte. Et l'autre, il est gêné, il le tient à bout de bras pour danser un saut. Il le tient à bout de bras. J'en sais rien. Et à un moment donné, il y a le courant qui se coupe et l'autre, il lui met une main au cul. C'est normal. J'ai pas vu les. Oh le rêve. Oh ouais. Oh Katia, je t'aime. Ouais, du calme, c'est vrai. Non, peut-être pas, non. Katia, vas-y. C'est vrai que t'es chaud. On va pas aller jusque là. EDF fait une grève, allez-y NJ là. Oh ouais. Bon allez, on vous repasse ça et on reparle de plein de choses dans l'émission. On retrouve notamment Étienne, le trafiquant. On a un trafiquant en ligne avec nous là. Ouais, ouais, attention. Un sacré trafiquant. Hein. Allez, donc le coup de fil. Katia, Christian Clavier et Béatrice. Ouais. Allô. Joyeux Noël, ma poule. Oui, vous êtes qui hein? Katia. Ouais, et moi je suis pas connard. C'est à cause de la voix là, la voix ça trompe souvent. Ouais, bah oui, non, vous avez la voix d'un homme, vous êtes pas une femme. Hein. Bah oui, mais bah, moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et. Mais je suis un pauvre tapin, mais je réclame le droit de vivre, voilà. Bon, vous voulez quoi, là? Alors, on ne peut même plus appeler quand on est malheureux, c'est ça? Eh ben, mais téléphone à téléphone rose pour avoir du réconfort. Simplement quelqu'un de seul, qui a besoin des autres et qui est venu chercher ici un peu de réconfort. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment vous êtes incapable de me le donner parce que vous êtes coincé dans votre univers moral de merde, voilà. Vous ne voyez rien. Vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul. Ah ben, non, pas encore, jusqu'à preuve du contraire, mais bon... Vraiment, je viens de passer l'heure la plus effroyable de toute ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Dites-moi tout, allez-y, on est là pour discuter, on va discuter. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? J'ai pété mon talon en marchant. Oh, vous avez pas de la colle glue pour le recoller? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Je sais pas, moi, bricot des pauvres, vous en achetez un? Et je dis merde à l'amour. Oh, c'est romantique. Ah oui. J'adore danser. Mais les gens refusent de danser avec moi, soi-disant parce que j'ai des grands pieds. Eh ben, mais je sais pas, trouver des amis, aller danser, je sais pas, moi. Non, mais vous-même, vous seriez gêné de danser avec moi. Ben moi, j'aime pas les grands pieds, j'aime tout ce qui est petit. Ça m'horripile. Même au terme de beat, j'aime bien tout ce qui est petit. Ah. C'est savoureux. C'est toujours pareil, hein, ça, quand on est pas une grande connasse à mes 75, avec des seins comme des obus, alors on est rien, on est que moche. Allez, mettez de la musique, on danse, allez, ouais, super, vous avez vu, regardez, je m'éclate. Faut absolument que je passe vous voir. Oh ouais, ben bah certainement pas, non, j'ai autre chose à faire. Hein. Non mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Non mais oh, vous croyez où? Et merci pour tout ce bonheur. Et merci pour tout ce bonheur. Ah ben là, il y en a un bonheur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la magie de Noël. C'est magnifique, j'adore la magie de Noël. Mais qu'est-ce que tu veux, la mongolienne? La mongolienne. Ils sont bons. Béatrice et Katia, comme c'était beau. Hein. Ah ouais. Et oui. J'ai fait un heureux, hein, Cédric? Ah bah tout le monde dans le studio, ouais. C'est clair. Moi j'adore. Oui, moi aussi j'aime bien. Bon, justement, tiens, on parle rencontre depuis tout à l'heure. Alors on parle rencontre et Stéphane qui a fait une rencontre, on va le prendre là maintenant tout de suite. Les rencontres sur le net, les rencontres sur les applis, enfin les rencontres virtuelles. Ouais. On va voir ça. T'es là, Stéphane? Ouais, ouais, je suis là. Donc 27 ans à Paris. Tu réagissais par rapport au témoignage d'Alban tout à l'heure qui lui est tombé sur un travesti. C'est ça, un travesti, puisqu'il avait encore il avait encore ses parties génitales. Donc il avait deux grosses couilles et une bite. Ouais, bah oui, un mec quoi. Et très bonne, d'après ce qu'il nous a dit. C'est vrai. T'es allé où toi, Steph? Comment? T'es allé sur quel site toi? Bah en fait, moi c'était même pas un site. J'ai rencontré, on va dire, j'étais en voiture. Mmh. Et puis pareil, hein, la meuf, c'est une bombe atomique. Y a rien à dire. Non mais tu l'as trouvé où? C'est sur le bord de la route, sur le trottoir. C'est... Non, pas du dans tout, un pas bois, du chelou quoi. Non, mais elle était en voiture aussi et puis. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, appel de phare. Et puis, voilà, au feu rouge, c'est bon. J'ai un petit coup d'œil, je vois la même. Petit contact et voilà quoi. Voilà. Et puis après, il s'est passé qu'est-ce qui s'est passé, mais quand on va dire on est parti à l'hôtel et tout, moi le truc qui me dégoûte le plus, c'est que on va dire j'ai pratiquement tout fait, mais c'est juste au moment qu'il fallait. Mais genre t'as fait quoi? Tu l'as embrassé? Tu l'as roulé une pelle? Ah ouais, t'as sucé? Je relais les pelles, je lui bouffais les seins, elle tombait. Ah bah opéré toi alors. Ouais. Mais t'es descendu. Mais y avait, donc il n'y avait pas de couilles. Ah si, mais après, en fait, au moment où on vient pour descendre, justement, là je trouve, en fait, c'est pas une meuf, c'est un mec qui est bien armé. D'accord, mais en forme, c'est-à-dire que le mec est en train de bander. Ah ouais, non mais laisse tomber. Bah tu l'excitais beaucoup, Stéphane. Ah oh, putain, c'est fou. Mais comment à ce moment-là tu as réagi? Tu l'as sucé? Ah moi j'aurais pété un câble. Bah en fait j'ai pété les plombs. Mais c'est quoi genre tu t'es relevé, tu t'es rhabillé, tu lui as dit casse-toi. En fraction de seconde je me suis rhabillé, même pas une seconde, j'ai claqué la porte, je me suis barré. Bah ça t'es dans un hôtel, t'es avec une meuf. Tu crois être une meuf qui t'a roulé des pelles, tu l'as touché les seins. Comment tu dois être chaud? Tu devais bander comme un porc et à ce moment-là tu descends et. Bah, il y a une bite. Ouais, non, mais là, tu tombes de très très haut. Ah, bah ouais. C'est une chute libre dans le vide. Et puis. Ouais, c'est que ta bite, elle a jamais aussi rapidement débandé, quoi. C'est un temps de merde. C'est un temps de merde. Et t'as peur. Ah, moi, j'aurais mal pris, moi, vraiment. Ah ouais, mais oui. J'ai mal pris. Et franchement, c'est un truc qui m'a choqué, qui m'a réellement choqué. Non, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, il faut prévenir quand même. Comme quoi, on parlait des trucs. Ouais, mais bon, c'est pas évident, quoi. Tu sais, c'est. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais moi, je me mets à la place de la demoiselle. Tu vois, c'est. Je pense que. Comme je disais tout à l'heure, obligé. T'as 99% des mecs qui doivent. Qui doivent la recaler, donc ouais. Se dit ouais, je tente le tout pour le tout, voilà, on sait jamais, sur un malentendu, il y a un mec qui s'est. De temps en temps, il doit y avoir un mec comme toi. Toi, au lieu de toi, tu t'es arrêté. Il y a des mecs qui doivent se dire ouais, bon, allez, vas-y, je suis dans le puits avec. Ouais, mais enfin, quelque part. Je me finis. Il vaut mieux sauper le truc par le net que d'avoir la personne en face qui est horrifiée par ton corps. Enfin, tu vois. Elle avait envie psychologiquement, de baiser, elle. Enfin, lui, pour moi, c'est dégueulasse. Non, mais en plus, toi, tu l'amènes pas rencontrer par le net. Donc voilà, tu vois. Oui, c'est vrai, oui. En plus. Peut-être que lui s'est rendu compte. Peut-être que lui avait pensé que t'avais remarqué. Bah non. Oui, parce qu'en temps, général, ils sentent. Et c'était quoi son prénom? Femme. Hein. Comment? Son prénom. Franchement, alors là, de souvenir, je me rappelle pas, parce que ça fait quand même un an et demi, cette histoire. Ouais, puis t'as essayé d'oublier, ouais. J'essaie d'oublier un peu, ouais. Ouais, j'essaie d'oublier, mais j'ai eu ton. Là-dessus, tu fais un reset, ouais. Tu m'étonnes. Non, mais bon, vous voyez, on parlait des trucs, des gens chelous qu'on pouvait rencontrer sur le net. Bah, il n'y a pas que sur le net, en vrai aussi. Hein. Bah oui, hein. J'ai moi-même, dans mon entourage proche, faut que je vous raconte cette histoire, un ami très bizarre. Ouais. Salut les filles. Et oui. Pourquoi bizarre? Bah, je sais pas, hein. Il a quatre mentons, il est bon, il est sympa. Hein. Bah, il est beau gosse. Il est... Non. Non, beau gosse. Tu le connaîtrais, Cédric. Tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Enfin, bon, c'est la vie. On y reviendra peut-être tout à l'heure, on en reparlera. Bon, sinon, on retrouve notre trafiquant parce qu'on est sur une enquête ce soir dans la Radio Libre. Ah ouais, un sacré trafiquant. Vous êtes les bienvenus sur Skyrock. Voici Étienne, le trafiquant. Alors, vous êtes en train de chercher ce que fait, ce que trafique Étienne. T'es là, Étienne ? Ouais, allô. Salut, le trafiquant. Bienvenue à toi, ami trafiquant. Donc, vous avez laissé des messages pour dire qu'est-ce qu'il trafique. Il trafique de la drogue, on nous dit. Non. Non. Il vend des fringues pour Youpou du 34. Non, non. Non. Il trafique des vélos, nous dit Sarah, du... Sarah, 16 ans. Je sais pas où elle est, mais c'est Sarah. Salut, Sarah. Non, non. Ludie nous dit tu trafiques des phones, des téléphones. Non, non. Non, il trafique des cartes bleues pour Thomas. Je dirais que t'échanges des trucs contre d'autres trucs. Alors, des cartes bleues, non. Non, non. T'échanges non, des trucs contre d'autres trucs. Par exemple... Tu demandes à Cédric de donner sa voiture contre une pipe. Ah non, jamais. Attends, de la merde, Cédric de voiture. Attends, c'est compliqué ça. Bah, il juste et il donne sa voiture à l'endroit en échange. Ouais. Ouais, non, mais je vais juste prendre la voiture. Ah ouais, ça va aller. La pipe, je la donne à Samy. Ouais, cool, ouh, merci. Je trafique, tu sais, les carnets d'absence. Les carnets d'absence. Ah, allez, ouais. Au bahut. Non. Ah, tu trafiques les bulletins scolaires. Tu trafiques. Bulletin. Non. Romano, ça se rapproche ou tu pas? Tu trafiques les machines de boissons. Tu trafiques les machines de boissons. Oh, ouais, c'est les machines à canettes au bahut. Qu'est-ce que vous faisiez? Les machines à boissons. Bah, on prenait une. Ah, il y en a pas. Bon. Moi, au bahut, j'en avais pas non plus. Ah, ouais, tu avais pas? Moi, j'avais un bar. J'en avais, moi. Ah, nous, on prenait une tige en bois. Tu avais vu, ils l'ont retiré. On branlait comme ça le truc où la boîte. Ah, j'aurais été trop doué. Ouais, super. Mais ça faisait tomber toutes les pièces. Voilà, jackpot. Non. C'est bon, ça. Trafique pas les machines, t'en as pas. Voilà, tu pas, ah ouais, il y a un mec qui a une idée là. Oui. C'est tu fous des fausses annonces sur le bon coin. Et genre non. Non. Il trafique l'électricité ou l'eau, il se branche chez ses voisins, nous dit Yannick 21. C'est pas ça ? Non, non. C'est pas ça. Qu'est-ce que putain, vous proposez plein de trucs de la drogue, on a dit c'est ce qui est revenu le plus souvent là. Il trafique, ah super ça. Des cartes de Pokémon, nous dit le Manouche 20 ans. Ouais. Non. Non, non, précis. Ah, il y en a qui a trouvé. Young Breeze, elle a trouvé Young Breezy même 972. Salut Young Breezy 972. En effet, t'as trouvé toi. Peux pas avoir un indice. Moi j'ai vu il trafique, je dis un objet. Un objet. Enfin, un objet, un truc matériel. Ouais, c'est dire. Pas loin de ce que j'ai dit au départ moi. Ouais, avec quoi départ. Elle peut pas redire. Trafic internet. Non, non, non, non, non. Bravo à toi, Young Breezy. Je t'avais dit, Marie, au début. Ah bah, je vais pas redire. Mais pas tu vas répéter ou sinon. Il va t'arriver des bricoles. Je sais pas, ils vendent des clopes au bahut. Non, ils volent pas des stylos, ils volent pas les culottes. Ils trafiquent pas les culottes de sa sœur. Oh non. Message de narco. Des jeux vidéo, nous dit Clem. Il y en a plein qui ont proposé. C'est pas ça, trafic de capote. Un de ses parents est docteur et il file des ordonnances. Certificat médical. Ah, c'est pas mal ça. Ah, pas bête. Méganus, il prostitue Cédric pour 5 euros. Méganus 14. Désolé. Ouais, c'est mon Mac. Non, non. Non, il trafique Canal+, nous dit Abdoman. Putain, mais je vois pas du j'avais tout, des, là, ça me vénère. J'avais ça. Des trafiquants de Canal Sat pour les matchs de foot aussi, c'est pas ça non plus. Il trafique... Non. Vas-y, donne un indice, là, bordel de merde. Marie, t'avais dit quoi au début? Alors, qu'est-ce que t'avais dit, Marie, au début? Mais répète, putain. Mais... Je ne dis pas. Ben, je m'en rappelle plus. Oh là là. T'avais dit... On a parlé de trafic de drogue, c'est pas tout à fait ça. Mais on n'est pas loin. Trafic voilà. De clope. Oui, mais pas tout à fait ça. De tabac à rouler? Non. Tête, c'est bidon. De cendrier, de briquet. Non. Des feuilles, des chichas, des cigarettes électroniques. Bien joué, ouais. Cigarettes électroniques. Et là, tout à l'heure, l'autre salope, il te fait des signes de sa vie. Ah, mais oui, je comprenais pas. Et puis moi, je me suis fait mettre en train de te montrer la série et tout, mais le mec, il comprend pas. Non, mais Marie, je l'avais pas vu. Je croyais que t'étais en train de torcher de la bière. Mais non. Mais qu'il est con. Et les autres, ils sont tous en train de te montrer le truc, à moi, ils montrent rien du tout. Bah ouais, t'es. Bah, bonne réponse de Cédric. Mais de l'équipe, de toute façon. T'es le rejeté. Malgré tout ça, je t'ai baisé, mec. Dans le cas, mais je t'ai baisé là, j'ai trouvé, t'es vénère. Hein. Tu trafiques des cigarettes électroniques, toi. Eh ben. C'est ça ? Ouais, enfin, c'est pas trop. Un ouais, il est en bas de l'échelle, on va dire. Alors explique. Il commence. Qu'est-ce que tu fais ? Étienne. Tu fais quoi, poteau ? Avec tes cigarettes ouais. Électroniques, là, raconte. Qu'est-ce que tu fais comme trafic ? Comment ça c'est marche ? Jamais que ce soit un bon business. Pas ça. En fait, j'avais besoin de thunes un peu, puisque, genre, fallait que je rembourse mes parents sur un truc. Combien t'avais besoin de thunes ? Bah pour rembourser en fait mes parents m'avaient avancé de la thune et tout pour m'acheter mon ordi. Ah mais combien? Ah bah, ouais, 40 euros. Ah c'est bien, tu excites Romano, vas-y monte un peu, dis 50. Ah ouais, ouais. 50 euros. 60. Et genre en fait à 4000 bah, je jute. Pour une soirée genre on m'avait filé une cigarette électronique et ensuite j'en avais acheté une tu vois dans un magasin et tout. Ouais. Et donc en fait bah moi au collège, vu que je fumais plus ça et tout, on m'a proposé de me les acheter. Et puis bah moi j'ai accepté vu que je m'en servais plus et que j'avais besoin de thunes. Sauf que en fait bah il y a un mec qui en a revendu un à un petit. Ouais. Et le petit il se rendait pas compte de ce qu'il fait. Du coup il a fumé en cours. Il avait quel âge le petit? Bah il était un cinquième. Donc il avait 11-12 ans. 11 ans. Ouais, 12, voilà, c'est 12, ça. 13, donc ouais, du coup bah après on lui a demandé à qui est-ce qu'il avait acheté. Il a dit bah, au revendeur qui lui avait filé. Ouais. Enfin qui lui avait vendu. Et puis moi, et après le vendeur, bah il m'a dénoncé. Donc du coup bah moi je me suis fait convoquer chez le directeur. Ah ouais, puis, t'es vraiment un trafiquant en bois. Ah ouais. Le premier truc, tu te fais choper, bien sûr. Et ils t'ont dit quoi? Il t'a dit quoi le directeur? Bah en fait genre il m'a fait quoi? Il m'a fait ouais je sais pas pourquoi t'es venu dans ce bahut, mais je sais comment tu vas y repartir et tout. Il considère ça comme un stupéfiant, mais genre j'ai fait des recherches et tout et c'est pas du tout un stupéfiant. Ah bah non, c'est pas un stupéfiant, ah non, ouais. Ça c'est clair. Ça non non mais ouais c'est légal quoi. Regardez, je suis en train de tirer sur ma chicha électronique. Ouais donc voilà. Après voilà il va je suis pas défoncé. Mais il va te mettre sur le dos qu'il y a tu sais que c'est interdit au bahut. Ouais, que c'est interdit aux mineurs, tout ça, que t'as vendu à un mineur. Donc, j'ai tiré sur la série électronique, est-ce que je suis défoncé? Bah non, pas non, du tout. Non, tu es trop beau, dit Foul. Oh, non, fais-moi tirer sur ton joint. Oh pardon, excuse-moi, c'est une cigarette. C'est voilà, c'est une cigarette. Non, alors cigarette, que si j'avais tiré sur un joint, je serais complètement défoncé. Aïe. Et ou down. Down ou aïe, plus aïe. Aïe and down. Et ouais, bon, au stupéfiant, t'as bien répondu à ton. C'est vrai que c'est pas un stupéfiant. Ouais, non, mais donc du coup. A priori, en tout cas, il a pas l'air commode ton type là. Non, non, du coup, mon daron il est convoqué. Oula. T'en as dit quoi ton père quand il a appris? Il sait pourquoi il est convoqué? Bah, genre en fait, j'ai bien argumenté donc c'est passé un peu. Tu l'as dit quoi à ton père? Ah, je vous devais de l'argent, tout ça? Comment? Tu l'as expliqué à ton père que tu faisais ça parce que tu lui devais de l'argent? Non, non, non. Non. Non? Non non, enfin j'ai dit que on me les avait filés et tout et que vu que je m'en servais plus, que ça me servait à rien. Enfin j'ai argumenté et puis c'est passé. Mais bon voilà quoi, je vais sûrement prendre une mise à pied ou un conseil de discipline. Pour avoir vendu des cigarettes. De toute façon dans le bahut. Ouais, c'est pas le droit. Ce qu'on nous disait, on n'a rien le droit de vendre dans le bahut. Bah, non mais là c'est interdit le commerce. Sinon c'est colle direct. Sinon moi j'aurais installé un marché carrément quoi. J'aurais mieux de la cour. Des bouteilles de vin avec des parasols et tout. Comment marcher? Ouais, ouais. Ah non non ouais mais là t'es dans la merde de toute façon. Autant être clair. Heureux nous dit il est recherché par le FBI et la CIA et la NSA. Non peut-être pas quand même. PTDR. Non. Trafic de fou mon pauvre. Message de Niglo du 86. Qu'est-ce que vous avez déjà trafiqué des trucs? Tiens dites-nous, on attend vos témoignages. Petit trafic au bahut. T'as jamais... Ouais moi j'ai vendu des CD moi. Toi ouais j'allais dire Romano, toi t'as forcément fait quelque chose. Ouais j'ai vendu des CD et tiens en fin d'année il fallait. Oh là il est mort. Non mais décider des la musique. J'ai dire décider Cédric comme, oui, c'est le... comme les anciens ils disent, donc Cédric a 48 ans, les compact disques. Oh les compacts. Les 25 tailles. Voilà, t'as des bons compacts chez toi. Non, j'en ai pas. Moi j'ai des cassettes vidéo, trop fort. Ah, et des cassettes aussi audio. Ouais, bah ouais, grave. J'ai un bon disque. Bon, ouais, moi j'ai vendu des CD, ouais, et je vendais des habits aussi. Et t'as jamais eu de problème? T'as une notion, on vendait dans le bahut, jamais. Bah non, parce que après, faut être discret, quoi. Tu sais, c'est. Personne t'a balancé, toi, tu t'es fait balancer, tiens. Non. Ah, ça, tu fais ça en cours, ouais. Par le petit, là. Et toi, Cédric, tu t'es fait balancer, non? Non, non, je me suis pas fait balancer. Mais en fait, c'est un pote à moi, on voulait. Lui, il avait plein de trucs à vendre. Tu vendais quoi? Il savait plus. On avait vendu des jeux vidéo, des CD, de la SAP. Ouais. Qu'il aimait plus, en fait. Et l'argent qu'on se faisait, bon, on montait sur Paname et on s'amusait. On allait au cinéma. On allait aux putes. On allait à Gendaz, on se tapait des ambiances, quoi, entre potes, quoi. Ah, y en a on qui s'est a... jamais fait cramer. Y en a qui... Dites-nous si vous êtes fait cramer ou pas. Parce on vendait tout et n'importe quoi. On dit non, mais après, par exemple, si tu vends des CD ou de la SAP, jamais le mec il ira te balancer. Parce que en soi, c'est pas illégal d'avoir des habits. Ouais, mais t'as pas la cigarette électronique, c'est pas illégal non plus. Ouais, mais au bahut, si, y a des bahuts, c'est interdit. T'as après, on dit. De... C'est interdit en au plus, moins de... ce con, au moins de 18 ans. Il a été un peu con aussi, lui, de l'utiliser en cours, quoi. Et c'est interdit au moins de 18 ans, donc. Ah mais ouais, bien sûr. Bah c'est, je te dis, il l'a dans le. Donc s'il est en 5e, il a forcément, en tout cas, on l'espère pour lui, moins de 18 ans. Moi, dans mon lycée militaire. Ouais. Eh ben, comment, bon, moi quand j'y étais, on avait le droit de cloper dans le bahut. On avait un endroit. T'as un petit enclos. Il y a longtemps, c'était au 20e siècle. C'était. Un petit enclos, j'avais ça aussi. Non, mais pas un enclos non plus. Un enclos, je me mettais dedans. Disais, allez les vaches, dans votre enclos. Ben nous, on avait un petit préau et. Ouais. Et quelques années après, c'est con, ils avaient eu la bonne idée. Il y avait plein d'espaces libres. Ils disaient aux élèves, bon, c'est interdit de fumer dedans. Donc en fait, les élèves sortaient du bahut, devaient traverser une route et aller sur un parking en face. Bon, ça a duré jusqu'à temps qu'une meuf se fasse tamponner. Oh. Par une bagnole. Non, mais bon, elle a rien eu, quoi. Bon, elle a eu genre. La voiture non plus, j'espère. Bah, surtout la voiture. Non, je parlais de la voiture. Ah bien sûr. Allez, le bon. Ah, on la salue. Dans l'au-delà. Non, mais non, la meuf, je sais pas, elle avait dû avoir peut-être une jambe un peu cassée ou un truc, mais pas. Oh, rien. Non mais bon, pas un truc trop grave. Ah bah non, ça te fait chier. Attends, ça te fait chier pendant 6 mois, t'as un plat. Non mais non, mais et après ils ont fait fumer les élèves dedans. Mais il y a des bahuts, même ici t'as. Moi pourtant, genre il y a des dans mon bahut, il y a des mecs de 18 ans ou plus. Bah pareil, eux, ils avaient pas le droit de fumer dedans. Ah, quoi. C'est interdit. Ouais, ouais, c'est cour, ni nulle part, c'est interdit. Il y en a beaucoup sur le trottoir, quoi. Alors vous avez trafiqué des stylos pour Saget du 95-100, des beignets, ils vendent des beignets, beignets pour Colo 20 ans, des fringues. Non mais c'est vrai que c'est pas con, hein. Des stylos, toi tu vendrais des beignets. Non parce que ou le matin tu vends des croissants, franchement. Bah, moi dans mon bahut c'était ça. Hein. Je suis sûr que tu t'en vends en plus. Mais moi dans mon bahut c'était ça, ouais, il y avait croissants, il y avait pain au chocolat, tu sais, à la première récré quoi. Et moi je proposais des pipes après. Non mais n'importe quoi. Sur les coups de 11h. Genre vers 10h15, ils se faisaient de la thune, hein. Ah non, nous on avait des. Nous on nous offrait des goûters le bahut. Putain, mais t'étais à 10h du matin. Ouais, à 10h du matin, on avait le droit de fumer, il pouvait boire de l'alcool. Ah, non, mais non, l'alcool, on le rentrait illégalement. Ouais. C'était pas non plus le bahut. Et on lui filait à bouffer en plus. Bah ouais, à 10h du matin. C'est ouf ça. On avait une panière, genre remplie de pain au chocolat. C'est pour ça que t'as un enfant gâté, toi. Et après, on en avait aussi à goûter à 16h. Ah ouais. Et nos impôts ils passent là-dedans, vous rendez compte, ouais. Ils ont passé à mourir au manoir. Qui avait payé, hein. ouais, c'est ça. Les jeux vidéo. Non mais j'étais trop bien. Hein. Vous trafiquez beaucoup les jeux vidéo comme Cédric là. Et sinon il y a Maxime du 34 qui vend des, il trafique des téléphones portables volés. Ah mais là tu peux avoir des galères gros. Ouais non mais là c'est en merde de garantie. Il fait convoquer le mec direct, tu vas te balancer au compte. Maillot de foot, sûr. Téléphone, des stylos, des gommes. Attends, tu fais tabatier toi. Des trafic de stylos encore, tiens regardez. Bon. Ah là, moi j'en ai jamais vendu, mais putain, j'en ai fauché, mais à bloc quoi. Je sais pas, je devais avoir 200 stylos chez moi. T'es content. Qui te servira jamais. Ah non, jamais. Mais... Bah, d'ailleurs, ils sont passés la moitié à la poubelle parce qu'au bout d'un moment, ils étaient foutus. Mais c'était le plaisir quoi. Putain, il y avait des trousses ouvertes, il y avait personne, hein, je tapais dedans. Hein. Qu'est-ce qui va se passer mercredi? En gros, c'est ce qu'on vous demande. Si vous avez déjà vécu le truc, vous avez trafiqué des cigarettes électroniques ou d'autres trucs. Vous ouais, avez mais déjà, convoqué. Tu vas te faire ramasser par ton père parce que toi, t'as arrangé l'histoire. Ouais. Et le mec là, c'est qui le proviseur? Ouais. Ouais, bah, le directeur. Ouais, le mec, lui, il va te sortir. Ah bah, il va le dire direct. Hein. Il va dire la version à lui. Je peux te dire que tu vas passer un mauvais quart d'heure, mon pote. Non, non, tranquille, je lui dis la bonne version, mais je lui dis calmement. Oui, oui, tu l'as dit calmement. Non, mais bon, je sais pas ce que tu risques avec ça. Moi, je dirais un peu d'exclusion. Il faudrait que ton père te soutienne. Je pense. Bon, faudrait que ton père il te soutienne. Ouais, non, mais qu'il te soutienne. Qu'il dise oui. Déjà des conneries. Il a fait ça pour. Mais de toute façon, les parents au mec que j'ai vendu et tout, ils me soutiennent aussi, puisqu'ils disent que c'est pas de ma faute. Oui, c'est vrai. Ils ont pourri le petit. C'est pas de ma faute, il l'a fait tout seul. Ils ont pourri leur fils ou pas? Non, ça va, parce que genre les deux, ils fument devant leurs parents, donc tranquille, quoi. Bon, au niveau des parents, c'est bien. Non, mais ce qu'il faudrait qu'il dise, c'est... oui, je sais, je vais faire ton père. Je peux faire le père? Oui, vas-y. Oui, je sais, monsieur le proviseur. C'est pas bien, mais il a fait ça pour avoir un peu d'argent et pour donner à une association pour les enfants malheureux. Non, mais n'importe quoi. Je peux faire le proviseur? Vas-y, oui. Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Pas du tout. Pas du tout, mon fils, c'est très bon. Vous vous foutez de ma gueule. Étienne a décidé de donner à une association pour les enfants malheureux. Non, mais moi, tu me dis ça, je suis vraiment vous foutez de ma gueule, quoi. Vous êtes aussi con que votre fils. Et là, donc, je continue à faire ton père, je me lève. Ah, mais tranquillement, comme ça, et je vais voir le visage du proviseur. Je suis dans mon bureau, là, tiens. Qu'est-ce qu'il fait, ce dingo? Appelez-moi la sécurité. Non, mais. C'est un truc de ce style, c'est pas mal. Si vous avez une idée, non, on vous attend vite. Le mec, tu vas dire ça, non mais... Bah, trouve une idée. Non mais moi, je suis désolé, celle-là, pour moi, elle ne passera pas. J'attends des idées. Non, elle passera pas. J'aimerais qu'on témoigne et que vous disiez que j'ai une super idée, parce que j'attends vos témoignages objectifs. Donc, vous votez ou Difool a une super idée, ou, alors, deuxième solution, Difool a eu la meilleure idée de la soirée. J'attends vos votes pour le sondage express. C'est pas trop gros quoi mettre, moi. Envoie les deux, peut-être. Ouais, voilà, je vais mettre les deux. Envoyez des messages. Sondage express. Bon, j'ai une belle surprise, c'est que c'est la semaine de Noël et on vous a réservé deux belles surprises dans l'émission. Ah. Elle vient nous rendre une petite visite surprise. C'est Pamela. Coucou. Tiens, bon, coucou, Pamela. Coucou, je vous fais coucou avec mes trois doigts. Oui. Elle fait comme les Miss France, vous savez, mais elle fait avec les trois doigts seulement. Avec ceux qui restent. Eh oui. Par main. Oui, bon, bah ça, oui. C'est bien, ce qui fait quand même 6 en tout. Exactement. Ouais. Bon, Pamela, petite surprise pour nous ce soir. Mais oui, je me suis dit, tiens, cette période de Noël, je vais leur faire une surprise. Exactement. Écoutez, peux, bien. Tu peux faire le signe de Jules, Pamela, avec tes doigts. Je galère. Je galère. Ça va être chelou. Hein. Chaque fois que Jules vient nous voir, on essaiera. Ah, bon, sinon, faut qu'on vous présente lui, là, écoutez. Homme, 30 ans, attend l'appel d'une femme pour l'amour au téléphone au 06 98 47. Alors lui, on l'a chauffé dans le morning. Ah ouais. Donc a priori, il doit être chaud. Il attend le coup de fil de Pamela. Je crois qu'il est à point. Il est à point, il s'appelle Eric. Chauffé dans le morning et Eric prend la parole. Et Pamela, allez, je m'appelle bon Eric. Allô. Oui, bonsoir, c'est Pamela de ce matin, tu te souviens? Oui. Comment tu vas? Bien, et toi? Bah ça va. Au fait, c'est quoi ton petit prénom? Je t'ai pas demandé ce matin. Eric. Eric? Ouais. Bah écoute, tu vas... T'es comment là? Hein? T'es à poil? Ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Je suis toute nue, là, je viens... Je suis rentré du travail il y a un quart d'heure, 20 minutes, et pour me mettre à l'aise, je me suis mis toute nue, là. T'es toute nue? Oui, toute nue, ouais. T'es comment, sinon, physiquement? T'es blonde, t'es brune? Blonde et brune, je travaille dans la mode. Ah ouais? Je fais 1m70, 50 kilos, 90 B. Mmh. Et la minette épilée devant et longue sur les côtés. Ah, la vache. Ça te plaît? Ouais. Et toi, tu es comment, toi, là? Moi, je fais 1m75. Mmh. C'est 65 kilos. Ah. Bien membré. Ah ouais, là, tu bandes? Ouais, je bande. Ah ouais. Ah. Et, je suis en train de me bronzer, là. Ah ouais. Et si j'étais à côté de toi, tu me ferais quoi, là? Là? Ouais, dis-moi des choses, coquin. Ah. Moi, je me mettrais entre tes cuisses, ma langue, et te lècherai la chatte, le clito. Je te ferai vibrer. Comme un téléphone. Oh, il fait moi vibrer. C'est bien dur. Ah oui, je suis bien dur. Ah, vas-y, bien fort, bien à fond. Hein. Ah, je suis en train de me branler. Ah oui, j'ai compris, oui. Vas-y, dis-moi des choses. J'ai 49 ans, ça te dérange? T'es jeune, toi? Moi j'ai 25 ans, oui, non, ça me dérange pas. Hein. Ouais. J'aime bien les hommes d'expérience, moi. Ouais. Tu sais t'occuper d'une femme, toi? Oui. Ah ouais. J'adore qu'on s'occupe de moi. Je voudrais bien te mettre à quatre pattes. Oui. Sur une table basse. Ah ouais. Ouais. Et t'écarter les fesses. Ah oui. Et te lécher l'anus. Ah oui. Tension. Ah oui. Hein? Oui. Te lécher bien là. Ah ouais. Comme il faut. Arrête, ça m'excite, j'ai envie de faire caca. Vas-y, chie. Ça vient là. Chie. Oui. Vas-y. Tu entends? Ah oui. Ah, ça te plaît? Allez, chie. Ah oui. Mets-moi le doigt dans le cul maintenant. Oui, Eric. Allez, vas-y. Comment? Encule-toi. Oui. Je peux te rappeler un peu plus tard, là. Tes seins sont... Tes seins, ils sont comment? Comment? Ils sont comment, tes seins? Ah, ils sont... Ils sont gros et je pointe. Je peux te rappeler, là? Quand? D'ici une demi-heure, une heure maximum. Non. Attends, je bande trop là. Ah oui, bah, je sais, mais oui, mais bon. Ouais. Fais-moi jouer. C'est ma pute. Non, mais attends, j'ai quelqu'un qui tape à la porte là. Faut vraiment que je te rappelle tout à l'heure là. Dans un quart d'heure. Un quart d'heure, oui, je te rappelle un peu tout à l'heure. Ouais. Ok. Tout à l'heure. À tout à l'heure, Eric. Ouais. Un bisou. Bisous. J'en peux plus. Voilà, je sens à ta voix que tu ne rappelleras jamais, Pamela. Ah, c'est clair. Il faut vite fuir, Pamela. C'est flippé, ce con. J'ai vu, mais c'est la première fois que tu te barres tellement que tu as eu peur. On m'a terrorisé. Et moi, je vais salope. Et ben voilà, et faites attention, on parlait des rencontres virtuelles. On peut aussi tomber là-dessus. Hein. Ah ouais, ouais, faites gaffe. Ah, la surprise. C'était notre moment de prévention. Ah ouais. Attention, hein, c'est comme Sam qui conduit, machin, qui boit pas. Exactement, ça. Ouais. Faut faire attention aussi sur le net. Bon, dans un instant, sport extrême. Ah. Et vous allez voir qu'on est sur Skyrock tous ensemble tous les soirs et que Skyrock est une radio écoutée dans le monde entier. Oh, la vache, en voyage. Ouais, pour ceux qui partent pas en vacances. Allez, petit voyage gratuit, c'est tout de suite, c'est sur Sky. C'est cette année, le Morning de Difool t'a offert plus d'un million d'euros de cadeaux. Ah, vous êtes sérieux ? Mais oui ! Des iPhones, des PS4, des casques VR, une voiture, des drones, des places de concert, des écrans plats, des places de foot, des maillots, des voyages au soleil, des jeux vidéo, des voyages à la neige. Alors toi aussi, viens en profiter avec le Morning de Difool sur Skyrock. Skyrock 2017 avec en exclu Joule, DJ Snake, Major Lazer, Alicia Keys, Maître Gims, Black M, Caris, Sadek, Soprano, Gradure. Et en bonus, les sketchs inédits du Wolfgang. Skyrock 2017, première radio urbaine mondiale. Bon, faut que je te dise un truc. Ton cadeau de Noël, eh ben, je l'ai revendu sur Internet. Oh, ça me soulage. J'ai fait la même chose avec le tien. C'est vrai ? Ah ouais, il était trop nul. Oh là là. Avec l'équipe pour Noël, faites un cadeau. Un vrai. Offrez une e-carte cadeau l'équipe pour découvrir tout le contenu numérique et bien plus encore. Un abonnement disponible sur le site l'équipe pour 12 euros par mois seulement. Ça, c'est du cadeau. Concert. Skyrock présente Escrew, le groupe du rappeur Nekfeu en tournée Skyrock. Escrew de retour sur scène avec Skyrock à Lille, Paris, Nantes, Lyon et Marseille. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la White Weed. J'ai déconné, j'aurais pas dû. J'en Skyrock, premier sur le rap de Escrew. Difool, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. Alors je mords le métal, j'ai pas besoin de leur merde dans le mental. J'ai connu la galère et je n'en redemande pas. Je sais que devenir quelqu'un demande énormément de taf. Mauvaise graine, j'ai pas la tête de l'emploi. La mort vient scred, mais la mort ne ment pas. Les mots m'espèrent, la monnaie monumentale. Avant d'avoir le respect, c'est d'avoir le mental. Mais mauvaise graine, sous les bras des montagnes. Je veux voir le mauvais chemin déçu par nos voix. On ne confond pas l'honneur et l'orgueil, on a tous dans le cœur le rayonnement des supernovas. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur, pour mes mauvaises graines. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur, pour mes mauvaises graines. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'esprit cartésien. Je viens de Paname, y'a pas de quartier sain. Moi je ne veux qu'une femme, mais je ne suis qu'un homme. Si je vois pas ton âme, je regarde tes seins. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma sœur, la meilleure supportrice, tout en haut des gradins. T'es noir dans l'alcool, moi je faisais de même. Est-ce que dans ta tombe, t'assumeras les relevés? On m'a viré de l'école depuis déjà 2 mois. Mais maman vient de tomber sur mes relevés. Man attention, ça t'amène à des tensions. Parmi les gars d'époque, y'en a pas mal en détention. Maintenant le jeune grec fait de la manutention. Mauvaise graine, je peux m'évader dans le son, viens dans ma dimension. Le même sur scène ou en loge, le même pieds nus ou en Nike, mon ami le talent. Il faut qu'en parler, nous on l'a, on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large, on est le même sur scène ou en loge, les mêmes pieds nus ou en Nike, mon ami le talent. Il faut qu'en parler, nous on l'a, on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large, maman m'a dit ne trahis pas ton éducation. Voilà pour la famille, dans la vie c'est une obligation. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme un mauvais garçon. Je ne voudrais jamais de tes cadeaux tomber du jamais. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy, j'suis une mauvaise graine. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy. Romano. Tu vas te casser le nez, mon pote. Alors, je veux pas me casser le nez, c'est l'accompagnateur, il a un gros nez. Diffoul. Mais ta gueule, monsieur. L'accompagnateur, il a un gros nez. Cédric. T'as déjà eu des mycoses aux pieds, Cédric. Moi ? Ouais, t'en as déjà eu. Ouais, mais tout le monde a ça, je suis sûr. Ah bah non. Marie. Mais vous êtes des enculés, Samy. Ah ouais, je lui ai parlé, tout le mec, pas trop blague, quoi. Et Karim. 1 million d'euros, c'est quoi pour vous ? Diffoul Radio Libre. 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Ah, problème de sœur. La grande sœur qui fait chier le monde, elle revient à la maison. Elle a 35 ans, c'est une grosse aigrie, elle casse les couilles relou à tout le monde. She's back. Ouais, she's back. On aura donc les nouvelles de la sœur d'Alex. C'est elle qui a 35 ans. Ouais, c'est ça, et qui est casse les couilles à tout le monde. Ouais, on va en reparler. On a les témoignages pour filer un petit coup de main. On aura Matt, 16 ans d'ailleurs, même chose, qui viendra témoigner avant minuit. On parlera fantasmes aussi ce soir. C'est bon, absolument. Pour les fantasmes. Ah ouais, c'est clair. Et tout d'ailleurs, si vous avez des fantasmes particuliers, on peut en parler tous les soirs. On se dit tout, hein, sur Sky. Et puis, je vous avais promis un voyage. Alors, voici le voyage. Le voyage gratuit, pas cher. Alors, on m'a dit, il faut que je prenne Régis. Eh ben, on va prendre Régis. Bonjour, Régis. Oui, bonjour, Diffoul, est-ce que ça va bien? Oh, ça va, Diffoul, oh, ça va bien. Salut. Un Québécois, Régis. Hey, tabernac. Oui. C'est bizarre, hey, oui. C'est bizarre, on m'a pas dit, hey, je t'ai reconnu tout de suite. Laisse-moi les gosses. Oh ouais, non, mais je voudrais vraiment vous remercier pour m'avoir fait passer à l'antenne, parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais passer. Hey, tabernac. Ça fait plaisir. J'aimerais ça dire un gros bonjour à Cédric. Merci beaucoup, Romano, Diffoul. Et Marie, gentil. Vraiment, t'es vraiment très belle. Très, merci. Très belle, on te fait un bec. Hein. Je te casserai. Est-ce qu'on peut lui faire un bec à la Marie? Je te casserai le dos de viande. Allez, on lui fait un bec à la Marie. Un bon bec. Alors, Régis, ouais, donc toi, t'es vraiment Québécois. Parce qu'on a souvent des Français qui habitent au Québec. On a aussi des Québécois qui nous appellent. Ouais. C'est un vrai Canadien. Hey. Ah, oui. Ben, dans le fond, je connais Scara parce que j'ai fait un échange étudiant en 2012 avec un étudiant français. T'as fait Erasmus? T'es allé où? Excusez-moi, mais oui, moi, exactement, je suis allé à Melun, en Seine-et-Marne. Ah, Melun. Ah, Melun. Alors, tu as fait un Erasmus, t'es venu en France, à Melun, en Seine-et-Marne, et il connaissait un étudiant. Je fais la traduction pour Karim, qui comprend pas trop bien le québécois. Rien du tout, gros. Mais je te rassure, Régis, en français, il comprend pas tout non plus. Hein. Hey, tabernacle. Vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Donc, j'écoutais vraiment tous les soirs la radio, puis je trouvais ça vraiment très drôle. En plus, je me suis dit. Et c'est quoi? Et t'as aimé la France? Ah oh, oui, j'adore vraiment. Et la bouffe aussi, en été. Ah oh, oui, c'est vraiment très bon. Ah, c'est vrai, ça change de la poutine et de l'ours. La poutine. Et t'as vu, nous on mange pas de caribou chez nous. Hein. Ah non, mais vous devez essayer, c'est vraiment, c'est bon quand même. C'est pas un bon. Ah, c'est pas un bon. Un peu dur, ce truc-là. Bah, t'as bien en France, on bouffe des grenouilles. Hein, donc, c'est pas un bon. C'est bien. Oui, c'est pas un bon, les grenouilles. Moi, j'aime bien les grenouilles. Des escargots. T'as déjà mangé des grenouilles, Régis? Non, pas encore. Eh bien, la prochaine fois que tu viens en France, tu viens nous voir à Skyrock et on te fait des grenouilles. Des escargots. Ok, parfait. Ça. Régis, est-ce je viendrai sûrement cet été. Est-ce que tu prends des morceaux de neige? Ah, attention. Ah, des morceaux de neige. Des morceaux de neige, tu mets du sirop d'érable dessus et ça te fait ta sucette à l'érable, là. Oh, oui, ça s'appelle une tire d'érable, c'est vraiment bon. Ah, il passe, c'est génial, ce truc, quoi. C'est pas cher. Oh. Ils prennent, ils font des espèces de carottes avec la neige et ils mettent du sirop et ils bouffent comme ça, tu vois. Ouais. Putain. Hey, c'est bien bon. Pareil que c'est hyper bon. Ouais, c'est des sucreries pas chères. Est-ce que tu comprends tout ce qu'on dit ou parfois tu te dis ils sont quand même bizarres ces Français? Ben, mettons à la radio, là, Romano, puis tout, j'ai vraiment de la misère à me comprendre. Ah, t'as de la misère à comprendre Romano, oui, mais ça c'est sûr. Nous aussi, tu sais, je te rassure. Ah oui, mais c'est quand je fais les bugs. Mais c'est ça. Sinon, Cédric, lui, je comprends quand même bien quand tu parles. Ah, ouais. Tu vois, Cédric, on te comprend bien parce que Cédric parle simplement. C'est vrai, il parle simplement. Moi, Cédric Radio. Moi, Cédric Radio. Tu vois, on comprend vite. Hein, c'est bien. Ouais. Bah ouais. Bien. Donc, Régis a un incroyable talent. Bon, c'est pas trop radiophonique. Mais alors, c'est quoi ton incroyable talent, Régis? Tu vas nous faire une. C'est pas radiophonique? Non, pas trop, mais bon, il peut nous expliquer. Non, pas en tête. C'est quoi? Ouais, ben non, moi, dans le fond, je suis capable de faire des stunts, comme on dit, là, des détentes, faire des backflips statiques, ou... J'ai compris, gros. Pardon. Des backflips, steak-flick-flick. Tu fais des steak-frites. Je fais des backflips, steak-flick, flex-snack. C'est technique, ton truc. Netflix. Mais laissez-le parler, il fait des steak-frites. T'es contorsionniste. En vrai, ben, en fait, je fais des saltos, en fait. Dans la rue. Des saltos, oui, c'est ça, en statique, c'est ça que je veux dire. Statique. Ah, tu fais des saltos en statique. Impression. Ah, t'es un peu à Yamakasi, quoi. Tu sautes sur toi-même et ouais, tu fais des pirouettes. Fais des mouvements de Yamakasi. Ouais. Mais vous savez que c'est Diffoul qui a appris au Yamakasi. Ouais, bah, en effet, je voudrais d'ailleurs saluer mes élèves. Yamakasi, c'est lui. Mes élèves Yamakasi, oui. Yabrakasi. Super musclé, hein. Yabrakasi, c'est Diffoul. On les salue. C'est le concurrent. Si jamais ça vous intéresse, on a comme un groupe sur YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder. Ça s'appelle Hybrid Movement. Hein? Comment? Hybrid. Hybrid Movement. Hybrid Movement, ok. Vas-y, on va aller. Donc, on fait des petites vidéos de nous autres. Et tu fais des blagues, steak frites. Et tu fais des steak frites. Des side flips. Des side flips. Ah, des sac flips. Ah ouais, mais putain, moi ça me fait toujours flipper ce truc-là. Pourquoi tu flippes, Marie? Mais j'ai peur que tu retombes sur la tête, tu vois. Ouais, mais il maîtrise. Ça t'est déjà arrivé. Ouais, tu maîtrises, mais bon. Non, mais c'est ça, une fois que tu prends l'habitude, ça arrive de moins en moins souvent. Puis, c'est quoi? Ouais, t'es musclé. Hybrid Movement Company. Ouais, 2011, là, c'est ça? Ouais, 2011, c'est notre plus récent. Ok. Effectivement, c'est récent. Les autres sont tous morts. Mais pourquoi vous vous êtes arrêtés? Bah, les autres sont tombés d'un immeuble. C'est quoi? Oh putain. Hey, on en a perdu, j'étais en haut du building, ils sont tombés. Ah, il m'a tué là. Millions, c'est notre plus récent. Ah, c'est pas ben bon ça alors. Hein. Toi, t'es à la page toi. Non, non, c'est juste parce qu'on a, on a arrêté de faire des vidéos parce qu'on a eu quelques petits problèmes avec YouTube. Puis on recommence à en faire juste sur nos pages Facebook. Ah ouais, putain, comment tu maîtrises? Ah ouais, comment tu maîtrises? Ah ouais, c'est genre, c'est, t'es un ninja quoi en fait. Ah, fais voir. Ah ouais, c'est quand même popé. Est-ce qu'on sait au Québec que j'ai fait du cinéma moi aussi? Ah bah. Non. Faut leur dire, hein, tu leur dis au Québec que j'ai fait du cinéma. C'est quoi, Action Réelle, c'est ça? Ouais, c'est celle-là que j'ai mis. C'est hyper beau, hein. Ouais, ouais. Voilà, allez. En fait, toi, t'es un ninja, genre, tu sautes sur place et. Ah, mais t'avais quand même eu 50 000 vues, hein. Ça, c'est bien. Ah, oui, oui, c'est. Ouais, c'est pas mal, quand même, pas mal. Un grand groupe. Et on va vous mettre sur les réseaux de Skyrock. Mais genre, vous êtes passé à la télé et tout au Québec ou. Ouais, ben, dans le fond, on fait des fois pour des petits films en court-métrage. On nous appelle pour faire des cascades. Ah, les cascades, ouais. Les ah, ouais, putain, ouais, les mecs, vous tâtez quand même. Ah, ouais, c'est bien. Ah, ouais, c'est grave, vous hein. Êtes doux. Ouais. Franchement, pas mal, ouais. Ah, ouais, allez voir. Allez, Maté, vous allez voir les Québécois comme ils nous la mettent au steak frites. Ah, ouais. Ah, ils font des steak frites, mais des trucs de ouf. Ah, il y a une meuf aussi avec vous. Ouais, il y avait une blonde. Mais elle s'est cassée la jambe récemment. Ah, bah, c'est sympa. C'est bon, on l'a amputée, c'est bon. C'est fini, terminé. Pas mal, les gars. Bon, bah, super, Régis. Bon, on te fait un peu de pub. Donc, allez, Maté, on vous le met sur les réseaux de Skyrock, là, comme ça, tu vas faire un carton en France. Ah, ouais, clair. Merci beaucoup. Et puis, quand tu. Vas-y. J'avais une petite requête à demander à Romano. Une quéquette à Romano. Une raquette. Ah, oui, il a un rêve. Alors, oui, vas-y. Une raquette. Ben en fait, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble, mais je veux juste faire le refrain. Ah, je voulais te demander en plus. On peut faire les conseils pas chers aussi? Alors, tu veux les conseils pas chers? Moi, je t'accorde les conseils pas chers. Allez, conseils pas chers, je commence. Régis, je commence et après, c'est à toi. Ok, parfait. Ok, là, c'est les backgrounds. C'est background. Hein. Allez, background, écoute. Ok. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Oui. Ah ouais. Hey, super Régis. Ah ouais. Un conseil pas cher. Les conseils pas chers. Merci beaucoup. Bah, merci Régis. Bon, c'est gentil Régis. Hey, si on vient au Québec, tu nous accueilles. Hein. Ah ouais. Bip bip. Oh oui, il n'y a pas de problème. Vous passerez par chez nous. Il n'y a pas de problème. Je vais venir moi. Vive le Québec. Bise, c'est bon, bise à toi, t'embrasses tous les Québécois et on embrasse tous les Québécois qui écoutent Skyrock. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée, puis moi je vais aller souper. Tu vas secouer, tu vas baiser? Non, je vais aller souper. Ah, souper. Ah, c'est souper. Je vais aller me branler, moi, je vais aller me souper. Eh bien, bon secouage. Salut Régis. Allez, secouer. Merci beaucoup, bonne soirée. Et raconte-moi. C'est pas beau d'aller secouer. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock pour moi. Je vais aller souper. Ok, parfait. Super Régis. Parfait. Bonjour. Bon, bah, super Régis. Bonjour. T'as vu, t'as du succès au Québec. Ah, bah, non, mais c'est à l'international, ça y est, c'est lancé. Bah, c'était cool de t'avoir. Je t'ai dit que ta carrière. Merci beaucoup. Salut Régis. Ta carrière est lancée, ça c'est On te rappellera, Régis, l'année prochaine. Pour te faire ses bains, bon, bonne année. On te dit bon souper. C'est. Souper. C'est hybride movement. Bon caribou et bonne soirée. Je mange des rap à soi. Des rap à soi. C'est quoi des rap à soi? Qu'est-ce que c'est? Non, je mange des wraps à soir, mais ce soir en fait. Des wraps. Ah, des wraps ce soir. Ah, des wraps ce soir. Des wraps à soir. Des wraps sure. Tu vas manger une passoire, et ben bon appétit. Eh bien, régale-toi bien. Salut Régis, ciao. À bientôt, bisous. Bon souper, bonjour. Et bon souper. Et bon caribou, et tout le reste. Hey, soyeux Noël. Sympa les Québécois, on a plein de Québécois qui nous écoutent. Ah là, c'est pas beau. C'est pas beau. Bon, retour en France maintenant avec le problème d'Alix et sa sœur. Alors Alix, ta sœur de 35 ans, qui est de retour à la maison, elle est de retour. Ça pourrait faire un film d'horreur avec She's back. Ce qui nous nous a rencontré, oui. Elle est de retour. Ooh. She's back. Non. La sœur d'Alix. Donc 35 ans. La relou. La relou qui revient à la maison. Alors elle te prend un peu pour son esclave, elle te fait la misère, elle te critique quand tu planques des trucs dans le jardin, elle te parle mal. Alors le pire c'est quand même, elle te surveille quand tu rentres tard alors que t'as quand même 20 ans, Alix. Oui, bah oui. Ouais, non mais tu sais, mais pourquoi simplement, quand par exemple pour les plantes là, tu lui les fous pas dans la gueule. Non mais tu t'as qu'à lui dire, bah t'as qu'à les planter toi-même, je m'en bats les couilles de tes plantes de merde. Ouais mais après il y a mon père qui était derrière, il m'a dit ouais vas-y. Et là tu lui rajoutes, elles sont moches les plantes, comme tes putains de gosses. Ah, c'est la guerre là après je crois. Après c'est la guerre là. Ouais mais ça c'est la merde. Ouais. Et dis-moi, est-ce qu'on pourra chanter les conseils pas chers? J'ai une variante. Variante, mais si c'est une saloperie. Non, non, une nouvelle version. Non, j'ai rien à foutre. Non, c'est si, je te sens salope. Moi, je suis pour. Fais-lui confiance, gros. Je te sens salope, allez, toi. C'est bon, Romano. Je te sens salope, non. Non, non, parce que je pense que toi, t'es une petite pute et que tu vas faire un truc genre à voter Cédric, je sais pas. Moi, je suis pour que tu chantes. Non, mais non. Franchement, non. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Laisse-le faire. On y va. C'est pour les choux. C'est pour les choux. Ouais, c'est pour les choux. Ouais, mais je sens la merde. Allez, vas-y. Tu chantes, mais tout seul. Allez, vas-y. C'est les conseils. Votez Cédric. Ouais, c'est les conseils. Votez Cédric. Ah, ouais, putain, ouais. Je suis content parce que j'ai eu le nez. Bon, allez, vas-y. Il n'y a plus de musique. Ouais. La musique fonctionne plus. Tu l'as senti arriver, hein. Ouais, ouais, mais t'inquiète, t'as vu, j'ai pas chanté. Hein. Non, mais là, ça sera pour le prochain clash, gros. T'es content? Tranquille, ouais, ça fait plaisir. Merci, oui. Mon pote, en tout cas. Bon, c'est normal, t'inquiète, c'est normal. On est ensemble, la famille Team Le Belge. Et la sœur, tiens. Alors, oui, c'est Sébastien qui voulait témoigner pour la sœur. Alors, la sœur de Sébastien, elle aussi est revenue à la maison avec trois gosses. Bienvenue à toi, Sébastien, toutes mes condoléances. Oui, bah, il faut. Je sais. Parce qu'on m'a dit, c'est pas facile de voir arriver sa sœur avec ses trois petits neveux à la maison alors qu'on avait l'habitude de vivre tranquille tout seul. Pépère. Ouais, en plus, moi, je suis le petit dernier. J'ai trois grandes sœurs et j'étais le seul à la maison jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ouais, donc en fait, t'étais le roi de la maison et après, t'as trois gosses qui se pointent. C'est pas les tiens, c'est ceux de ta sœur. Et ta sœur, ta sœur, ouais, elle, qui fait chier. Elle a quel âge ta sœur? Celle d'Alix, elle a 35. Moi, elle a 28. 28, donc vous avez presque 10 ans d'écart tous les deux là. Ouais. Et donc quand elle est revenue, bon, t'étais pas content ou ça t'a fait un peu plaisir? Bon, en fait, elle me l'a déjà fait plusieurs fois, c'est ça le souci. Ah, elle fait des allers-retours. En fait, elle a eu un gosse, elle était toujours chez mes parents, elle s'est trouvée un appart. Elle a fait un autre gosse avec le même père. Mmh. Elle est restée avec, ensuite elle est revenue chez mes parents. Mmh. Et j'ai retrouvé un autre appartement. Et elle a fait un autre enfant avec un autre père. Elle est restée, elle est 6 mois dans un appartement avec ses 3 gosses. Et là, elle est revenue. C'est bien, en tout cas, elle fait travailler l'immobilier, elle. C'est... La meuf, oui, voilà. La meuf prend un appart tous les 6 mois. Oui, comme ça, oui, c'est pas faux. Ouais, en gros, à peu près. Et puis, bah, les gosses, ils ont. Ouais, un an d'écart à peu près chacun. Donc, dès qu'elle faisait un gosse, elle prenait un appart. Ensuite, elle revenait. Vivement qu'elle fasse le prochain, à la limite. Oui, non. Ouais, parce qu'après elle va revenir, il y en aura 4, ouais, d'accord, c'est plus compliqué. Non, bah non, parce que c'est pas prévu qu'elle reparte en fait. Ah, là, elle a prévu d'attendre que mes parents décèdent en gros pour c'est vachement garder gay. La maison toute bah alors les vieux, vous dépêchez de casser votre pipe. Si j'aimerais récupérer la baraque. Sympa. Mais c'est horrible, c'est hyper glauque. Ah non, mais elle leur a dit ouais, moi je reste à la maison jusqu'à ce que vous soyez en maison de retraite. Vous comptez mourir vite ou pas? Que je sache un peu, que je m'organise. Ah non, mais elle a déjà tout prévu, en fait, c'est, elle fera le... Je pense que moi, mon père, je lui dis ça, il me fout ma main dans la gueule. Mais ils savent tes parents, ça? Ah oui, elle leur a dit. En face, hein. Mais ça les a pas choqués. Ah bah, moi, mon père, je te dis, ça m'a dans la gueule, quoi. Ah ouais, même les deux. Moi, mon père, en fait, il réagit pas, il laisse, il est dans sa bulle, il cherche pas à comprendre, en fait. Et je me prends tout le temps la tête avec lui à cause de ça. Et ma mère, elle, c'est, par rapport à mes neveux et nièces, c'est... Mais non, mais il y a les enfants, donc faut, faut être conciliant, machin. C'est papier mamie, donc, quoi, voilà. Donc forcément... Voilà. Et comment tu gères, toi, alors, l'histoire? Puis c'est à peu près le même souci qu'Alix, au final. Donc moi, j'ai trouvé plus ou moins la solution. C'est, en fait, j'ai trouvé des petits boulots à droite à gauche et je me fais des sous de côté pour me prendre un appart. Ah ouais, toi, tu veux te casser. En attendant de trouver un CDI pour pouvoir prendre un appart. Ouais, bah ouais, de toute façon, mais en même temps, toi, t'as raison, parce qu'elle a pas l'air décidée à se rebarrer, la sœur. Surtout si elle fait un quatrième môme. Ouais. Elle, c'est... Oui, non, mais en plus, ça a l'air parti pour, hein, parce que telle qu'elle est, c'est... Elle pond, quoi. Voilà, je fais des gosses à droite à gauche, comme ça je gratte les aides. Et puis après j'attends que les vieux ils cassent leur pipe quand même. Ah bah ouais, putain, mais dis donc, c'est un peu long. Mais c'est pas à droite à gauche, elle a juste deux papas. Bon, ça arrive, hein. Ouais, ouais, bah bon. Après, c'est toi qui supporte tout ça. Bon, la vie à la maison, donc toi, la solution, t'as trouvé, c'est la vie en dehors de la maison, tu te prends un appart et comme ça, t'es tranquille. Et le départ est prévu pour quand? J'ai dit, c'est qu'elle s'est arrêtée à 3 parce qu'elle est quand même à son 4e avortement. Ah oui, donc c'est vrai. Elle que... a avorté 4 fois avant de. Elle carbure quand même. 28 ans, elle s'est fait mettre enceinte 7 fois en fait. Pas mal. Voilà. Heureusement qu'elle les a pas touchés, hein, bientôt l'équipe de foot. Oui, et puis après, tu les mets où? Ah, c'est clair? Faut acheter une autre maison. Les parents, bah, attends, faut. Eh ben, les parents, faudra acheter une maison plus grande. Je les mets où, les gosses, moi? Ah, non, ça va. Mes parents, ils ont une grande maison. Sauf qu'il y a un autre souci qui se pose, c'est que bah, moi aussi, elle me pourrit la vie. Ah oui, j'imagine. Parce que bah, moi, j'ai un chien en plus. Bah, tu le dresses. Voilà. Bah, voilà la solution. Tu achètes un gros chien et tu le dresses. L'idée de l'appartement, toi, t'étais pas chaud, toi, Alix, hein? Non, moi déjà c'est sûr, je pars pas de chez moi. Bon, alors on va être obligé d'employer la deuxième méthode, celle que vous avez proposée tout à l'heure, c'est-à-dire lui faire la misère pour lui faire comprendre. Non, mais ce que j'allais dire, hein, de toute façon, voilà, il faut. En plus, j'ai déjà commencé, hein, j'ai mis une souris dans sa voiture. Une souris? Non, mais c'est ça, par exemple, si elle est phobique des rats, tu dis il y a des rats non, à la maison. Elle a pas peur de grand chose. Les cafards, les trucs comme ça, non? Ouais, les filles, elles aiment pas les cafards, non. Tu vas me dire les mecs non plus. Ah, tu mets ça dans le lit des gosses. Ah, mais c'est dégueulasse. Ouais, des serpents. Ça va être infesté dans la baraque parce que ils pondent et tout, les cafards, c'est ignoble. Non, mais faut trouver des idées pour lui pourrir un peu la vie. Je suis sûr que vous allez trouver 2-3 idées là. Merci en tout cas pour le coup de fil. Ah bah putain, Sébastien. Bon courage, hein, Seb. Ouais, bon courage, Seb. J'ai des conseils pour lui pourrir la vie s'il veut. Vas-y. Balance tout de suite. Seb, il est content. Bah, en fait, bah, moi, vu que j'ai le chien et que le chien est plus grand que ses enfants, j'en profite, je le mets dans ma chambre comme ça. En plus, ma chambre donne accès à la salle de bain, donc faut qu'il passe par ma chambre à chaque fois tous les matins. Oh là. En fait, je mets le chien et je bloque les portes. Je mets un canapé derrière comme ça. Comme ça, ils vont pas se doucher, ils puent. Ouais, les gosses puent. Voilà. T'en as 3 qui puent là-bas. Ça lui casse les couilles. Sinon, j'ai refait la peinture de sa voiture à coup de clé. Très bien, c'est joli. Ça fait un petit. Tu vas fort quand même. C'est costaud. T'es sans pitié, ouais. Ah oui, non, mais là, c'est sans pitié, parce que elle m'a foutu une moto par terre, elle me l'a flinguée carrément, donc c'est donnant. Ah ouais, j'avoue, la guerre. Quand t'entends ça avec tes fils uniques, tu te dis, bah, tout compte fait, c'est pas si mal. Pas mal, ouais. D'être fils unique. Ah ouais, non, mais le pire, c'est pour les parents, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que à la base, ils ont rien demandé. Ouais, ils attendent juste qu'ils cassent leur pipe. Ouais, ça serait bien d'ailleurs qu'ils se dépêchent un peu. Allez vite, je vais les aider. Bon, bah, t'embrasseras la famille, en tout cas, Seb. Enfin, sauf ta sœur, mais en tout cas, t'embrasses tout le reste, la famille. Et puis, merci du coup de fil. Salut la Normandie. Ciao. Et bon courage, quand même, aussi. Hein. Oui, ouais, aussi. C'est clair. Bon, on va prendre Alex maintenant. Alex, en direct d'Annecy avec nous. Alors, Alex nous envoie un petit mail. T'es là, Alex? Ouais. Très bien. Donc, toi, tu nous as envoyé un petit mail parce qu'en gros, quand tu te branles, tu penses à des filles plus vieilles que toi. Enfin, des filles, des femmes même. Plus vieille que toi. Ouais. Bon, et ça tu te dis, c'est chelou quand même, c'est chelou. Ouais, c'est trop chelou. Ouais. Attends. Bon, alors Samy, t'as eu plein de coups de fil. Cédric, ouais. J'imagine aussi si tu as répondu au téléphone. Ouais. Mais plein de coups de fil et plein de fantasmes très chelous. Il y en a un qui est revenu beaucoup ça a choqué Samy. Non, pas choqué, mais j'étais surpris que ça revienne aussi souvent. Genre. Ouais. Alors, c'est fantasmes sur les cousins et les cousines. Les cousins et les cousines. Il y avait Mouk ou Wak qui m'appelait. J'ai vu un message de Lolo Ferra aussi. Oui, j'ai vu plein aussi, des fantasmes. Je fantasme sur toi, Difool. Merci pour ton beau message. Antonio. Ah merde. Mais c'est gentil quand même, Antonio. Ça fait plaisir. Il y a eu énormément de messages pour ça. Énormément. C'est toi qui nous fais fantasmer, Difool. Merci à Cassandra de Haute-Savoie. Moi, je fantasme trop sur. Ah bah tiens, je fantasme sur Booba. Bon, après ouais, on peut fantasmer sur des stars, on peut fantasmer sur des trucs à faire. Toi, c'est sur un type de femme que tu fantasmes. Alors, Karim. Sur de la vieille. Est-ce que t'as des fantasmes que t'as trouvé un jour chelou dans ta vie et que... Non, t'as pas de fantasme, toi. Non, moi, non. Tu comprends le mot. Non, c'est bon, non, j'ai jamais eu de fantasme chelou, tu vois. Genre, moi, c'est baiser avec deux meufs, tu vois, me faire sucer par deux meufs. Non, pipi, caca, tout ça. Oh, Manuel, arrête pas avec son pipi depuis tout à l'heure. Non, ça non, tu vois, des trucs dégueulasses, non. Alors, Momo, en parlant de pipi, tiens, justement. Non, Momo, non, je suis comme Karim, moi, deux meufs, ça me suffit. Pas comme moi, gros. Deux meufs, ça te suffit, moi. Je suis comme Karim, Momo, trouve-en une, et puis ça tient pas. T'as une meuf en ce moment, Momo? Ouais. Oh, la pauvre. Waouh. C'est le PSG. Non, mais Momo, une vraie meuf. C'est le PSG, c'est ça, ouais. T'imagines, Cédric, Momo, il a une meuf, pas toi. T'es jaloux. Et toi, Cédric, pas de fantasme, t'es sûr? Non, du truc chelou. Le Belge, il a pas de meuf. Et Momo, il en a une. Oh, bah alors là. Elle va être trop drôle. Et toi, Marie, alors, un petit fantasme sympa? Chelou? Ouais, non. Un truc que t'as trouvé chelou à une époque. Bon, tu l'as peut-être fait depuis, hein. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Non, mais que j'ai trouvé chelou, non. Avec des bouteilles d'alcool et. Non, je t'assure que non. Non, non, truc chelou, non. Non, non, des fûts. Des fûts d'alcool et voire des tonneaux. Et en plus, les trucs dont j'ai eu envie, je les ai fait. Oula. Rapidement. Ah. Moi, ça traîne pas, moi. Bon, après, vous nous dites. C'est pas une fantasme chelou. Bonjour à Fils de Chien qui nous laisse un message. Très beau pseudo, Fils de Chien. J'ai un pote qui se branle sur des mecs alors qu'il est pas du tout gay. Mais vous lisez jamais les messages des applis. Si, si, on lit tout. De toute façon, ils arrivent tous. Ah, ouais. Regarde la preuve. Tout en même temps. Ça défile. Et voilà. Moi, mais je fantasme sur mes voisines. Ok, bon, bah, bah si elles sont bonnes, bah ouais, t'as pas profité. Ouais. Hein. J'ai eu un message tout à l'heure, un mec se branlait sur les bandes dessinées de manga. Les bandes dessinées de manga. Ouais. Ça l'excitait. C'est un nom, ça, on en avait parlé dans l'émission, se branler sur les bandes dessinées. Ouais, c'est pas les hentai ou je sais pas quoi là. Ah. Moi je me branle sur Gaston Lagaffe. Oh, attends, il est trop beau. Voilà. Et sur Bully Bill. Bully Bill. Sur le chat. Le chat s'appelle Bill. C'est le chat qui s'appelle Bill en fait. T'es sûr? Ouais, parce que justement tout le monde se trompe et ma meuf est fan. Parce que bon, évidemment il y a un chien dans la BD, ah, donc et en fait c'est le chien qui s'appelle Bill, je crois. Ah bon, bah elle fantasme. Bon, en tout cas je fantasme sur le chien, le coquin. Ah non, non, pas du tout non. Oh là, trop belle les oreilles. Non mais bon, si tu le fais dans ta tête, Cédric, c'est pas gênant, ouais, hein. Bah, ah non mais quand même, moi je fantasmerais sur. Oh là, arrête. Ça m'excite. Oh c'est que cut. Ah c'est vraiment pas mon délire, en fait. Oh, le trop. Non, non, mais moi, franchement, j'aurais ce genre de pensée. Il ouais, y a des fantasmes qui doivent vraiment te mettre mal à l'aise. Ah, ouais. Tu te peux, ah non, mais j'irai voir quelqu'un quand même, tu vois. Parce que c'est quand même extrêmement bizarre. Ah ouais, c'est clair. Ouais, après, tu te dis, t'es bizarre. Après, si tu le fais, tu vois, si tu le fais chez toi, bon. Bah, c'est dégueulasse quand même. Ah, non, ah, voilà. Ah non, Cédric, t'es dégueulasse. Ton fantasme, il me dégoûte. Ton fantasme sur Bill. Sur Bull Bill là. C'est bien le chien, t'as raison. Je fais pas exprès. Sur Milou aussi. Ah, c'est vrai. Et sur Idéal. Ouais. Et rentre en plan. Ah ouais. Ah bah, les 4 mères, en plan, c'est laisse tomber quoi. Et les 100 dalmatiens. Oh là là. C'est un gangbang là. Et les aristochats. C'est des chats. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On a plein de témoignages, je vous disais. Moi, je fantasme sur les meufs à talons, sur les japonaises. Ça, c'est pour Aven 57. Ouais. Meufs à talons, c'est TNT 69. Salut à TNT 69. Jojo, je fantasme sur les putes. Bah écoute, pourquoi pas. Ah, non, c'est une actrice de film de cul. Ah, ça dépend. Parce que les putes, il y en a, elles sont. Quand dans les fantasmes, ce qui est bien, c'est que les putes, tu peux les faire toutes belles. Ouais, parce que. Ouais, c'est oui, des, c'est clair. C'est des fantasmes. Si un jour vous venez nous voir dans le quartier. Vous serez pas déçus. Ça c'est clair. Bah ils sont plus toutes jeunes. Hein. Non oui, même sans ça quoi. Ouais, tu vas même bouger un peu plus au bout de la rue, elles sont plus jeunes pourtant et malheureusement. Et ouais, malheureusement. Le physique ne suit pas. Ouais, les suit pas toujours, ça c'est clair. Je fantasme sur les profs, beaucoup de profs aussi, hein, vous avez essayé depuis tout à l'heure, la poéta là, qui dit je fantasme sur les profs de la cinquantaine. Bah t'es peut-être un peu jeune. Il y a une mille femmes en taf que je veux trop baiser. Comment faire? Chicanos, 21 ans là. Salut à Chicanos du 13. Non mais va lui parler hein, ouais, ça la si la meuf elle est chute du cul, elle va te faire des propositions. Et puis tu le sentiras hein. Ouais ouais, puis bon écoute, t'as 21 ans, tu mets ouais, ce que bon, tu veux après, hein. Bon. Alors on a Vincent, tiens, bon, on va prendre Vincent pour les fantasmes là. Ça va peut-être te rassurer. Vincent en direct de Nantes. Bonjour Vincent, Croft. Bonjour sur Lara Croft. Il avait ça, il... Ouais, c'est vrai. Il y avait un mec dans mon bahut, je l'ai déjà raconté là. Ouais, c'est clair. Salut Vincent. Sur Street Fighter. Ah, sur Chun-Li. Ouais. Chun-Li, le mec il s'était branlé dessus. Ah, on avait une salle de jeux vidéo à l'internat. Le mec il s'était. Mais parce que tu sais, il y avait les codes pour la mettre à poil quand tu faisais avec elle aussi. Mais le mec. Moi j'utiliserais pas la même manette que le gars, moi. Ah ouais. Ah non, mais par contre, lui s'est fait traquer, je peux te dire. C'était bien l'ancienne. Genre, je sais pas, il devait être en 5ème, ça a duré jusqu'à la 3ème. Ouais, il s'est fait traquer parce qu'il s'est été branlé là-dessus. Non, mais ouais, il y avait des mecs qui l'avaient cramé, tout le monde se foutait de sa gueule quoi. Bah, vous lui disiez quoi, vous l'appeliez comment? Bah non, moi. Hey, Street Fighter, t'es là? Eh oh! Tu lui disais alors, tu viens de branler sur Chun-Li un peu? Le mec, il devenait tout rouge, il était tout mal à l'aise, bon, en même temps, je peux le comprendre. Non, mais après, tu peux te branler. Il y a d'autres qui se branlent sur les. Je sais pas si c'est les mêmes que t'as vu, Sabine, non, c'est pas les mêmes en plus. Qui se branlent sur des mangas. Ouais, ouais, c'est clair, mais il y en a plein, c'est courant. Manga porno, mais non, mais il y a YouPorn, il y a une catégorie. Ouais, manga, ouais. Les hentai. Va voir sur ton site là. Wow. Ouais, c'est des dessins. Et Cédric, regarde comme il est chaud. Va voir ah sur non, ton non, site. Non, pas du tout là. Mais se gratter les mentons. Là. Il est en train de se tripoter les mentons. Il se met la main dans la bouche. Rien à voir. Ah. Aucun rapport. Bon alors Vincent, tu voulais réagir par rapport aux fantasmes un peu chelous qu'on peut avoir. Ouais, voilà, voilà. Tu as des fantasmes chelous. Oui. Moi, c'était un peu quand j'étais un peu plus jeune. Moi, c'était vraiment les grosses poitrines. Quoi. Ah oui, les gros seins. J'ai pas eu beaucoup de messages sur les gros seins. Ah moi, je. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu kiffes à donf, toi, les gros seins. Bah ouais, ouais, quand j'étais plus jeune, ouais, je kiffais. Ça me faisait fantastique. Après, ouais, j'aime bien encore. Ah ouais, ouais, j'imagine, ça t'a pas passé, les gros seins. Ah, c'est les hentai, c'est ça. Non, H-E-N-T-A-I. Ça pas, de quoi tu parles? Des. Il arrive comme ça. Des mangas de cul, là. D'accord. H-E-N-T-A-I. Hentai des pipes. Non, rien à voir. Mais c'est cool. Que tu es très très drôle. Trop bol. Ah, il y a un truc que tu laisses, hein. L'entaille, oui, on a. Ah, bah, de toute façon, sur YouPorn, il y a la catégorie. Hein. Et Marie, elle est. Après moi, c'est sur elle que vous fantasmez le plus, ça, quand même. Ouais. Je veux rester modeste, bien sûr. Oui, bien sûr, bah, attends. Hein. Bon, et ça t'a gêné d'avoir ce fantasme, toi, Vincent, ou pas? Non, alors, non, non, franchement, pas du tout. Alors, et t'as déjà eu un fantasme qui t'a gêné un petit après, peu t'as... Après, Alex, faut pas qu'il soit gêné, hein, franchement, c'est rien. Hein. Après, moi. Ouais, ça te fait travailler la tête, c'est pas grave. Mais toi, c'est les gros gros nichons, quoi. Vas-y. Ouais, je kiffe ça. Mais par exemple, t'es déjà fait. Vas-y. T'es déjà fait faire, genre une branlette espagnole et tout ça, c'est le genre de truc que ça t'excite? Ouais, ça, ouais, grave. Et tu es en train de masturber, là. Et tu l'as déjà bonjour, fait. Bonjour, Patrick. Oui, oui, j'ai déjà fait. Ouais, t'as déjà trouvé des meufs qui ont des sacrés. Ouais, bah, ouais. Des sacrés paires de nichons, quoi. Ça va te faire, voilà. Bon genre, voilà, mais t'as raison. C'est quoi le plus gros que t'as eu comme nichon? Allez, vas-y. Plus gros, c'était E. Ah ouais. Bah, c'est pas mal déjà. Ouais, ça, ça vous fait déjà. Ça va, y a. Ça vous fait déjà une belle paire de E. Marie, t'es quoi, t'es E toi? Non, elle est D, Marie. Non, D. Je suis... Non. T'avais pas dit que t'étais E? Ah, je ne sais plus. Quand j'ai été enceinte. Ah ouais. J'ai fait du 105. Marie, elle est montée, t'imagines, Vincent? Putain. Il va fantasmer sur toi. Non, mais j'étais enceinte en même temps. C'était horrible. Je fais du 105. Marie, avec du E, t'imagines, Vincent, un peu. Hein, c'est pas mal. Ah, ça y est, Vincent, il bande. Non, mais ça là. Va, pas mal. Ah, je bande là, je bande. Je suis en train de masturber là. Bon, bah écoute, merci Vincent. Pour Alex, franchement, il y a rien de mal. Après, c'est pas non plus des vieilles vieilles. Après, 30, 40 ans, c'est bien. Ouais, t'as dit 40 ans tout à l'heure, ça va. Ouais, franchement, c'est pas mal. Moi, ça m'est déjà arrivé. Franchement, c'est sympa. Tant que ça reste du fantasme. Pour oui, toi. Ouais. Et puis, après, peut-être que tu aimeras les femmes plus vieilles et c'est pas grave non plus. Hein. Ah ouais, non. C'est clair. Hein. Chacun son trip. Exactement. Oh, il a bien raison. Il a pas... faut qu'il se soucie de ça. Bon, tu vois, ça t'a rassuré d'apprendre qu'il y en avait qui se branlait sur les fantasmes. Hein. Bah, ouais, ouais, sur les mangas, qui fantasmait sur les mangas là. Vas-y. Non, je lisais le message trop fort, la branle sur les mangas. Je fantasme sur les mangas. Il y en a plein qui nous ont laissé des messages. Ce soir. C'est donc du hentai, c'est ça, Romano? C'est hentai. Franchement, j'ai regardé, alors moi, putain, ça m'excite pas. Ah, pas du tout, à mon c'est avis. La perfection, nous dit les hentai, là, sur les messages. Bon, ben, merci en tout cas pour le coup de fil. Merci, Vincent. Hein. Madame, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, fais, c'est gratuit. Donc, je passe mon blog à l'antenne, donc c'est buzzdefou.skyblog.com. Alors, donc, salut, buzzdefou. Skyblog.com. Ok, bah écoute, ça roule. Merci. Je voulais dire un truc à Romano. Ah, je voulais dire qu'il est chauve. Faut qu'il arrête de saboter le cage à drague. Ah, ben ça, il faut arrêter, les gars. Cette excuse-là, elle marchait plus. Hein. Il gris. Et non, mais les gars, faut changer de méthode. Ça ne marche plus. De quoi? De se plaindre en 10 ans. À chaque fois, tu parles derrière son dos et c'est gris. Ouais, je veux juste te dire. C'est gentil, merci. Toi, tu supportes Cédric. Est-ce qu'on entend mes supporters se plaindre à l'antenne? Ah oui. Oui, ça arrive. Jamais. Ah ouais, si, jamais. Si, tout le monde se plaint. Moi, je suis l'arbitre, j'en peux plus déplier. Je pense que l'arbitre, il faut qu'il fasse bien son taf. L'arbitre, il va craquer là d'ailleurs. Bon, bah super, Vincent, en tout cas, on te remercie. Et pareil pour toi, Alex. Reste à l'écoute. On va peut-être parler d'autres fantasmes d'ici tout à l'heure parce qu'il y a des fantasmes marrants. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas lu là. J'ai dit qu'on mettrait tous les messages, mais par exemple, les Glory Hall, j'ai pas lu. Ouais, et les meufs de ses potes aussi. Je fantasme sur les meufs de mes potes et je me masturbe sur les Glory Hall. Les Glory Hall, c'est des murs avec des trous, tu mets ta bite dedans. Ouais, et il y a une meuf qui suce derrière. Et tu sais pas qui c'est. Et tu sais pas d'ailleurs, qui c'est. D'ailleurs, c'est des mecs. Ouais, des mecs aussi. C'est vrai parce que tu sais pas qui c'est. C'est plus souvent des mecs d'ailleurs. Ah bah là, tu sens la moustache là. Oui, ça pique. Ah, celui-là, c'est un mec qui me bouffe là. Bon, Gérard, ça suffit. Ça fait velcro avec les poils de ma bite. C'est clair. Alors, petite dédicace, vas-y, Alex. Une dédicace? Oui. Alors, une dédicace à Chloé, à Jason, à Anthony, à Ryan et à tout le collège Leclerc-Jean. Eh ben, tu big up tout le monde à Annecy, Alex. Et big up surtout à l'équipe Skyrock. Eh ben, merci, Alex. Raccroche pas en tout cas. Allez. Salut Alex, ciao. Ciao. Et je vous dis les fantasmes, on va y revenir parce que je vois le fantasme de l'Algérien là, 23 ans, Seine-Saint-Denis, qui nous dit, moi je fantasme sur les travestis. Bonjour, c'est Pamela. Bonjour Pamela, c'est bien de le dire en tout cas, je fantasme sur les travestis. Non mais moi t'es honnête, ouais. T'es pas comme les mecs qui vont genre au bois de Boulogne et qui se tapent... qui se tapent des travelots en pensant que c'est des meufs quoi. Oui. En s'auto-persuadant plutôt que c'est des meufs. Ouais, écoute, ils sont mieux dans leur tête après. Ils ont le droit. Non, non, mais c'est clair. Après, c'est vrai qu'un travesti, bon, en général, il a une grosse paire de couilles. Non, ça, c'est clair. Il a une grosse paire de couilles et souvent une grosse bite aussi. Ah, bah, moi, il y avait un mec que je connaissais, il était allé se faire sucer, mais le mec. Il avait une grosse bite. Non, mais il était persuadé que c'était une meuf, quoi. Ouais, mais une meuf avec une bite et des couilles. Ah, ça fait toujours bizarre. Non, on lui a expliqué, mais il voulait pas comprendre. Bah oui. Tous les soirs, 10 full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Bon, il s'est bien amusé. Oui, ça va, bah écoute, ça lui a fait du bien, hein, Osgeg. C'est l'essentiel. Tiens, un double appel que j'ai sélectionné spécialement pour vous. Même un double appel en nocturne, on peut le dire. Hein. Ouais. Qu'on va retrouver, on revient au fantasme, on en reparle tout de suite. Et le Karim Comedy Club avant minuit aussi. Ah. C'est déjà Noël sur Skyrock avec Digipost Plus. Télécharge ton assistant numérique Digipost Plus maintenant. Dépose la photo du cadeau de tes rêves et partage-la avec ton assistant numérique Digipost Plus. Et hop, le rêve devient réalité. Tous les jours jusqu'au 23 décembre, Digipost Plus transforme ta photo en cadeau. Alors, tu veux quoi? Télécharge l'appli Digipost Plus. Wesh la team Skyrock, c'est Joule. J'ai un message important pour vous, je tiens à vous. Sur la route, pas de folie, faut rester en vie. Si tu as bu, laisse le volant Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. L'histoire du monde est une histoire de violence. Assassin's Creed. Il existe un artefact. Ils vont l'utiliser pour nous détruire. Des Templiers pour nous contrôler. Une confrérie pour notre liberté. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Assassin's Creed. Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. Michael Fassbender, Marion Cotillard, le 21 décembre au cinéma. Avec les votes Planète Rap 2016. Les votes Planète Rap désigne les meilleurs artistes de l'année et gagne un iPhone 7. Nickel. Connecte-toi maintenant sur l'appli Radio Skyrock pour voir tous les nominés. Et choisis ton artiste préféré en envoyant Planète Rap par SMS au 72020. Du 26 au 30 décembre à 20h sur Skyrock, on découvrira l'artiste français, l'artiste international, le clip, l'album et le titre de l'année 2016 que t'auras choisi. Eh hey, tiens mon pote, joyeux Noël. Waouh, un protège tibia. Ouais. Mm-hmm. Mais je joue pas moi. Ouais, mais t'aimes bien le sport non? Mais oui, et alors? En plus, il y en a qu'un là. Ah mais il faut deux protèges tibia. Avec l'équipe pour Noël, faites un cadeau, un vrai. Offrez une e-carte cadeau l'équipe pour découvrir tout le contenu numérique et bien plus encore. Un abonnement disponible sur le site l'équipe pour 12 euros par mois seulement. Ça c'est du cadeau. Concert Skyrock SCH ouais. Choisis encore Skyrock pour ses concerts en France. Ok. SCH en concert avec Skyrock. SCH ajoute deux nouvelles dates dans les deux plus grandes villes de France. Le 16 juin au Zénith de Paris et le 17 juin au Dôme de Marseille. Retrouve-moi en concert Skyrock. Motherfuck. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. D-Fool, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Fresh girl. Wow. My way. You sent flowers but you said you didn't receive. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. To explain. I'm a black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a beer to the club and led a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black beetle's got the babes belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd please. Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Came in with two girls look like strippers in their real clothes. A broke, known only point me to a rich. A yellow, green made her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Watch it fall slowly. Frat girl still tryna get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. What the fuck? 21h minuit, la radio libre de Difool sur Skyrock. Ah, c'est chaud ce soir, hein, c'est chaud, chaud, chaud, chaud. Chaud. Ouais, on va parler fantasmes. Alors, il fantasme sur les vieilles, c'est Alex. Enfin, les vieilles, les femmes d'un certain âge, on va dire. En tout cas, plus vieilles que lui. Ouais. Je te verrais bien avec une vieille, Romano. Ah ouais, une vieille riche. Vieille, bien riche à la ouais, de la mort. Ah non, mais ça me dégoûte, moi. Non, je suis désolé, hein, mais. Milliardaire. Ah bon, je verrais pas, moi. Ouais, mais une vieille milliardaire, ouais, mais bon, tu sais, j'aurais peur. Tu sais, toute refaite comme les fans de Trump, là. Ah, tu sais, tu la niques. J'aurais peur que les prothèses, elles pètent ou qu'elles. Ah, si t'arrives déjà. Même ouais. Elle me pète entre les mains. Ah, pense à l'héritage, là. C'est horrible, quoi. Tu vois, c'est moche. L'autre décède, bon, c'est con, quoi. Bon, alors, on a un autre Alex. Beaucoup de fantasmes chez les Alex. On partage nos fantasmes ce soir. Alors, un fantasme qui t'a peut-être rendu mal à l'aise, Alex. Hein. C'est pour ça que tu nous appelles, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait. Pas mal à l'aise, mais. Tu te trouvais chelou, quoi. En fait. Ouais. Ouais, voilà. En fait, c'est les Glorioles. Les Glorioles. Ah, les murs habites. On en parlait, les murs habites voilà, tout à l'heure. Alors, un Glorioles. Tiens, faites venir Karim. Parce que Karim, chaque fois qu'il y a un mot compliqué dans l'émission, il faut toujours demander à Karim. Oh, Momo vient aussi, va. Momo peut venir également, c'est ça. Non, non, non. Et Cédric ah, aussi, si, si, mais Cédric est toujours là avec nous. Ouais. Alors, je suis là. Glorioles. C'est ce que c'est. Glorioles. Glory. Oui, Glorioles. Glory Hall. Glory Hall. Bien, si je sais c'est quoi ma gueule. Ah, je eh sais ouais, c'est quoi ma gueule. Et ouais, attention. Eh ouais. Vas-y, c'est Karim. Non, jamais, gros. Alors. Mais je connais un man dans l'équipe, il est déjà allé. Ah et c'est pas tu mets ta bite dans un trou là, dans un mur et ça se suce la bite. Bien joué. Mais c'est pas, en fait. Et donc, toi, t'as le fantasme de te mettre ta bite dans le trou et de te faire sucer par quelqu'un, tu sais pas qui c'est. Ouais, bah, pour une gonzesse, hein, pour un mec aussi. Hein. Bah, ça oui, mais comme tu sais pas qui c'est. C'est la surprise, bah, comme il disait tout à l'heure. Hein. Tu le sais, quand il te suce, c'est qu'il y a la moustache qui râpe. Hein. Ah, là, ça oui. Un peu, ouais, ouais. Ou comme je disais, que ça fait velcro ouais, sur, ouais. Sur tes poils à toi. Donc, ça, c'est clair que là, c'est la surprise du chef, quoi. Et là, tu te retournes, il y a Gérard qui est en train de te. Oh là là. Non, même pour la bouche, quoi. Tu suces un mec, tu sais pas. Oh, c'est ignoble. Ah, ouais, c'est vrai que pour la meuf qui est derrière, elle sait pas qui c'est qu'elle suce. La meuf ou le mec, c'est horrible. Obligé de te sucer, c'est nature, quoi. Oh, non, même Cédric. En fait. Même. Ah, toi, tu sais, avec même. Une capote, ça te gênerait pas, par exemple. Mais qui me suce ? Ou une meuf ? Ah, tu sais pas. Ouais, tu sais pas ce que c'est. Ah, tu sais pas ça qui, me chier, tu sais en fait. Ah ouais. Mais c'est courant, ça ? Bah, j'ai vu dans des films de cul, c'est moi. Dans ça. Les boîtes à cul, hein, où il y a ça, quoi. Ouais. Ouais, après. Les clubs échangistes, il y en a plein. Comment ? Les clubs échangistes, il y en a plein. Ouais, ouais, après, il y a des. Sinon, c'est des soirées à thème, tu vois. Dans les cinémas aussi, les cinémas, et puis aussi les toilettes publiques, il y en a aussi. Ah ouais, voilà, mais moi, on m'a parlé de ça, ouais. Les toilettes publiques. Ouais. Mais dans des trucs hallucinants. Moi, j'ai un pote à moi, genre il est gay, tu vois, mais genre gay underground un peu. Tu sais, il fait tous les trucs. Dans les caves. Non, mais toutes les soirées qu'on avait parlé, tu sais, genre les trucs hardcore là, lui, il connaît, tu vois, y a pas de problème. Et genre il me raconte des trucs. Et alors je sais pas c'est quoi le site internet, mais il y a à Paris, genre ils ont une adresse tous les mecs qui sont intéressés par ce truc-là. Enfin, ils ont un site internet où ils répertorient genre des restos, mais des trucs classiques, hein, genre des Starbucks, des toilettes de McDo, de cinéma, machin. Ouais, c'est ça. Il y a des trous dans les toilettes. Où il y a des trous entre les cloisons des toilettes et les mecs ils mettent des horaires. Par exemple, demain je serai au Starbucks de Châtelet-Léa à Paris, tu vois. Alors, dans les toilettes du PMU, non, mais c'est ça, ouais, le exactement. Gaulois. Mais le mec, il me montrait, mais c'est des trucs mais où je suis déjà allé, hein, absolument normaux, où tu sais, c'est pas des trucs glauques, hein. C'est des cafés, des brasseries, tout ça. Et le mec, il donne son heure, et pendant une heure, il met sa bite dans le mur du toilette. Pendant une heure ouais, genre, il attend. Ouais, il, avant, dit... il faut bander, hein. Non, mais il dit, par exemple, entre midi et 13h, je serai dans les chiottes de machin. Putain, ouais, si t'as envie de me sucer, hein, voilà. Dans le chiotte d'à côté. Et il y a un autre mec qui. Voilà, c'est ça. Et il y a un autre mec qui va sur le site et qui fait, ok, ben moi, à midi 15, je viens et je te pompe, et voilà, tu vois. Voilà. Donc, les mecs mettent et là, par ailleurs, il y a un gosse. sucette. Ah, mais ouais, mais c'est ignoble. Non. Genre, lui, mon pote, moi, c'est des trous. Mais eh ben, il m'a dit, maintenant, quand tu vas aux toilettes, dans les murs. Ouais, Michel, j'étais un Starbucks, t'as vu un trou dans un mur. Mais parce que t'as jamais percuté. Mais lui, il m'a dit, ben, va là, tu verras qu'il y a des trous dans les cloisons des toilettes pour mettre ta bite. Des mecs, t'imagines, il y a un mec qui va la perceuse quand même. J'avoue. Je vais faire le trou et après, je prépare mon gloriole. Et ça a un nom, c'est genre, je sais plus c'est quoi, genre les wild glorioles, tu sais, genre les glorioles un peu genre sauvage, ouais, tu sais, c'est un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais ça, il y en a partout en fait. Ouais. Hein, les aires et à Paris, c'est cool. Partout, il y en a. Les aires de repos. Regarder, en fait. Ouais, les aires de repos aussi, il m'a dit. Dans les aéroports, dans les gares, partout. Aéroports. Ouais, de partout. Il m'a dit franchement de partout quoi. Et bon, et toi, toi, c'est un fantasme, donc tu te branles, tu penses qu'il y a des meufs qui te sucent derrière un machin. Ouais, en derrière fait. Derrière un trou quoi, derrière une cloison. L'inconnu en fait. L'inconnu, puis tu sais pas. En fait, tu sais pas comment elle va faire, tu vois pas, ça va être sympa en fait, je pense. Après, ouais, ça t'excite, moi. J'ai connu ce truc, hein. Et tu l'as déjà fait ou pas? Ah, vite fait, avec une ex à moi en fait. Mais bon. T'avais pris un bout de carton, t'avais fait un trou dedans, et puis voilà quoi. Ouais, c'était un peu le gloriole du pauvre quoi. Avec une vieille armoire en fait, j'avais fait un trou, mais vite fait quoi. Mais ouais, c'était sympa quoi. C'était sympa. Ah, c'est un délire, je crois. Ouais, en fait, t'aimes bien te faire sucer sans voir quoi. Ouais, voilà. Juste avoir les sensations sans la vue. Ouais, bah c'est bon. Tu fermes les yeux. Non, mais c'est l'inconnu aussi, le fait. Mais bon, quand tu l'as fait avec ta meuf, tu savais que c'était ta meuf, hein, moi qui te fasse une surprise. Mais c'est pour ça que je remercie avec quelqu'un d'autre, quoi, mais tu vois, parce que bon, quand tu connais, si tu connais les endroits, tente le coup, hein. Après, après, comme on dit, c'est la roulette russe, quoi. Tu peux très bien tomber sur un mec qui te pompe, hein. Ouais, ou sur une meuf moche. Ouais, aussi. Ouais, c'est la moche, c'est pas grave. Bah, tu la vois pas, tu t'en bats les couilles. Ah, moi, ce qui me ferait plus chier quand même, c'est de me faire pomper par un mec, quoi. Ah, non, je sais pas, ouais, tiens. En fait, bonjour, monsieur Romano. Alors, satisfait? J'ai tiré le mauvais trou. Bon, hey, je l'ai mis dans le mauvais trou, merde. Non, parce que des fois, dans les clubs, il y a des soirées comme ça, en fait. Soirée gloriole. Et Les mecs, ils passent la soirée avec la bite dans un trou. Ouais, c'est ça. Et genre, mon pote, il m'expliquait. Derrière les murs, comme ça. Ouais, derrière les murs. Ouais, genre, il y a des espèces d'étagères. Tu vois pas, quoi. Et tu poses ton verre, tu sais. Genre, en fait, il y a des mecs qui sont toute la soirée, ils passent la soirée derrière le mur. Et genre, ils discutent entre eux, ils ont juste la bite comme ça dans le trou. Ils sont posés, il y a un contour. Déjà, pour passer la soirée entière, il faut quand même être un peu cinglé. Non, mais je te jure, c'est quand même en soi une soirée de merde. Bon, après, tu sais. Oui, parce que t'as la bite coincée dans un trou. Oui, puis c'est ça, puis tu regardes un mur. Enfin, c'est soit ça, bon, soit t'as quand même une tablette pour poser ton verre. Non, mais tu vois, les mecs ils discutent entre eux et après. Attends, ouais, là je suis en train de me faire sucer. Ouais, c'est ça, exactement ce qu'ils me disaient. T'as pas un là aussi, toi en fait, t'es allongé sur une table. En fait, t'es sur la table et t'as un trou en fait. Donc, du coup, en fait, t'es allongé sur le ventre. Ouais, voilà, t'es là où c'était debout, allongé. Et t'as une meuf qui est en dessous de la table. Tu connais bien. Ouais, il y a plein de trucs différents comme ça en fait. Trop fort, Alex. Ah, la meuf, tu fais de blague, tu te retournes, tu es pétonné. Ouais, en fait, tu mets ton cul à la place. Ça attrape. Mais tu sais qu'il y a plus de mecs dans les soirées, il y a plus de. Mecs de sus. Ouais, de mecs qui demandent à sucer que de mecs qui se mettent derrière le mur. Ah, il y a plus de mecs qui veulent sucer. Ouais, parce qu'en fait, y a mon pote, tu me disais, il y a plus de soumis, tu vois, et qui veulent sucer des vites, quoi. Mm. Que des mecs qui veulent se faire sucer, bon, il y en a quand même. Mais... Bah, heureusement, parce que sinon, ils seraient dans la merde. Ouais, bah ouais. Ils seraient tous derrière leur mur à attendre, il y aurait personne qui serait assis avec la bite dans le mur. Genre, des fois, il y a plusieurs trous, hein, dans le mur. Genre, ça fait comme un estrade derrière et t'as plusieurs niveaux de bites. T'as des bites en haut. Alors, t'as des bites en bas. Je vais choisir laquelle. Ouais, c'est ça. Hop, je vais escalader le mur. C'est genre, si t'as envie de sucer. T'accroches aux bites, tu fais de l'escalade. Voilà, après, j'y étais pas, Marie. Ah, Marie, intéressée, dis donc. Ah non, pas du tout. Alors, ça, c'est un genre. Non, t'aimes pas ça. Après, là, les trucs, moi, c'était 100% gay, ce qu'il m'a dit mon pote. Ah ouais. Moi, je connais un endroit, il y en a un, ouais, pareil, et c'est. Que gay. Ouais, c'est 100% mec, quoi. Bon. C'est-à-dire que même les meufs, il n'y a même pas besoin de se présenter. Ah non, mais tu te fais pointer à l'entrée de la boîte, toi, tu rentres même pas. Ah ouais. Mais toi, t'as déjà. Bon, t'as déjà des. Est-ce que t'as envie d'aller plus loin dans ton fantasme? T'as déjà pensé à aller. Je sais pas, dans une boîte, mettre ta bite dans un trou? Ouais, c'est des clubs échangistes, en fait, qui font ça, en fait, et c'est sûr que c'est des femmes. Donc, ça pourrait être intéressant, quoi, de moins essayer une fois. Bon, pour l'instant, ça reste un fantasme. Ouais, le fantasme, c'est mieux quand même, quoi. D'accord, bah écoute. Très bien, il y a des. Et j'ai vu ça aussi là. Le truc inverse en fait, c'est les gonzesses. Elles sont à une quinzaine en soirée comme ça. Il y a un gars qui danse et qui se ravale avec sa bite. Et puis il fait un peu pomper par toutes les gonzesses aussi. Ah, ça c'est et, bien ça. Bah, 15 meufs, Cédric, oui. En fait, il y en a un peu pour tout le monde quoi. Et ça, mais c'est un film de cul ça quand même. C'est où ça? Pour trouver 15 meufs qui te sucent, faut. Non, en fait, c'est pour faire. Le gars en fait, c'est un playboy, tu sais, un danseur. Ah, c'est un gigolo. Et c'est utile pour un anniversaire des gonzesses quoi. Et le gars en fait, le gigolo, il danse quoi. Bah, je paierais pas ça comme cadeau à ma meuf, tu vois. Ouais, moi non plus. Surtout avec une bite dans la bouche d'un mec qui danse à moitié un poil. C'est vraiment sympa. Le mec, je vais lui remonter ses couilles. Ça, c'est un délire de meuf ça. C'est pour les enterrements de vie de jeune fille, on nous dit. Sur le net. mais la chantilly sur sa bite comme ça, et puis il se promène en dansant, et puis bah... Tu ah, on nous dit que c'est du dancing beer. Du dancing beer. Ouais, voilà. Di ouais, Full Khalifa ça. Et l'inconnu. Salut Di Full Khalifa, salut l'inconnu. Putain, il y a des connaisseurs, ah, là, je connaissais même pas. Dancing beer. Non, non plus. Bon, bah écoute, Alex, merci du fantasme. Dans un instant, un autre fantasme, celui de Momo. Ah, ça y est, on l'a retrouvé. Accrochez-vous, on va essayer de le rappeler. Ouais, Sammy, ouais. Sammy nous raconte. Ouais, je vais vous raconter ça. Oui, petite dédicace, vas-y, Alex. Ouais, dédicace à tous les routiers en fait là qui bossent la nuit. Et courage à eux quoi. Eh ben, big up les routiers. Routier toi aussi, Alex. Ouais, je suis routier là, justement. Big up à la Marie parce que. Et on nous disait. Vas-y, vas-y. Ouais, j'ai 25 tonnes de bière dans le cul de l'armoire en fait. En dédicace à la Marie. Dans l'armoire. T'es un mec pour la Marie. 25 tonnes dans l'armoire. 25 tonnes de bière, Marie. Ah, la remorque. Ah ouais, oh putain. Oui, parce que mets 25 tonnes de bière dans une armoire. Non, mais je comprenais pas. Non, mais j'ai une cave. Tu veux pas passer à la maison pour la remplir? Ouais, Marie, elle t'invite à faire un petit tour dans la cave, dis donc. ouais, ça peut être sympa. Ouais, pas mal. Si t'as des trous dans les murs, ça peut être sympa. Non, j'ai pas de trous dans les murs, puis il y a mon mec qui t'aidera à décharger. Ah, t'invite à la remplir. Ah, c'est son mec qui va s'occuper de toi, il va te faire décharger. Ah, bah nickel. T'en as de la chance, dis donc. Tous les deux. Va te donner l'adresse en antenne. Garde le camion devant, c'est parti. Ça va, c'est parti. Bon, merci Alex, raccroche pas en tout cas. Et reste bien à l'écoute. C'est le double appel tout de suite. Oui. Ah. Mon téléphone il déconne. Ouais, puis alors, qu'est-ce que je m'en fous que ton téléphone il déconne? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah bah je sais pas moi. Le double appel de Difool sur Skyrock. Non, tu le... Enculé quoi? On vous le dit, aucun des deux n'a appelé l'autre, hein. Ça c'est clair, c'est nous qui appelons tout le monde. Skyrock paye le téléphone aux familles de France. Il n'y a pas de radio plus généreuse en France, c'est un truc de fou. Eh ouais. Skyrock. Heureusement que j'ai décidé de tout ça. Ouais, bien sûr. Bon, le double appel avec des familles. Et qui va-t-on appeler? De toute la France. Ce soir, Samy. Ça me tient à cœur, on commence par un spécial 13. Ah, on file dans le 13. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé faire un double appel ça, dans le 13. Ouais, c'est pour ça, tu vois, j'ai vu vos numéros dans le 13, j'en ai pris deux. Donc ça sera Frédéric et Henri. Dis-nous dans quelle région vous voulez qu'on aille pour les double appels de ce soir. C'est moi qui ai choisi. Donc là, c'est Samy qui a choisi directement les deux numéros de téléphone. Il s'est fait son petit plaisir. Ouais, tranquille. Pour Frédéric et Henri. Ouais, Riton. Et peuvent participer. Ah. Allô? Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Vous êtes qui, monsieur? Qui est à l'appareil, là? Qui est à l'appareil? Mais c'est vous qui m'appelez, monsieur. Allô? Allô? Non. Oui. Eh oh, je sais pas appeler, moi, c'est toi qui sonne, là. Allô? Oui. Alors, qui est à l'appareil, là? D'abord, vous présentez-vous, quand même, avant. C'est toi qui appelle, donc tu te présentes et... Moi, j'appelle, mais... Hein? Ok, tu es rigolo, là. Ouais. Tu sais à qui... Allez, va te faire, hein. Va te faire. Ris moins fort, Cédric, il t'entend. Mais oui, merde. Va te faire, faut pas rire comme ça, Cédric, on t'entend. L'autre, il rigole comme une baleine. Ah, tu parles bien au début. Mais ris discrètement, mais moi, il m'a pas entendu, Cédric. Vas-y, on les rappelle. Ouais. Allô? Bonjour. Ah merde, on rappelle les deux mêmes? Ouais. Attends, il y en a un qu'on est en train de rappeler, l'autre qui était sur répondeur. Rappelle-le, celui qui était sur répondeur, pour qu'on voit. Allô? Ah, décroche, raccroche. Décroche, raccroche. Bon, désolé pour les familles de Marseille. Elles étaient super quand même, les familles de Marseille. On va te faire. Bien vu, Samy. Ouais, c'était pas mal. Bon double appel, belle sélection marseillaise. Dans quelle région tu veux qu'on aille maintenant? Vas-y, moi j'irai bien. C'est quoi ça? J'en ai plusieurs en fait. C'est quoi, 44? J'ai le 44, j'ai le 21. T'as de la Bourgogne? T'as de la Bourgogne? Laisse-moi tranquille, les Bourguignons. On est en Bourgogne. Si t'as pas de la Bourgogne. Allez, mais, des Bourguignons, ma gueule. Bourgogne, 21. J'ai du 21. Ah, bah, 21, c'est la Bourgogne. J'ai du 44. Bon, j'ai du 03. Celui que tu veux, c'est qui, lui, là? Bah, vas-y, on peut faire. Je sais pas, choisis du full. Bon, alors, fais la ligne numéro 8 et la ligne numéro 9. Ils sont où, allez, deux, c'est là? C'est parti. Donc, c'est à Saint-Nazaire. 44. C'est le 44. On fera le 21 après, si tu veux. Si tu veux. Pas de problème. On file à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Dans le 44. En plus, vous demandiez le 44. On finira dans vos régions, là. Je vois le 59, oui. Le 41. Allô? Allô? Allô, allô? Ben non, mais c'est vous qui m'appelez tout le temps. Ah ben non, c'est vous qui m'appelez. Allô? Allô? Non, c'est vous qui appelez, excusez-moi. Hein. Ah. Mais j'ai rien à vous dire, c'est vous qui m'appelez. Non, mais c'est qu'il doit y avoir un problème, parce que moi, vous venez de m'appeler... Vous avez intérêt d'arrêter ça tout de suite, parce que sinon, là, c'est la gendarmerie. Ah. Oui, qui est-ce? Merde! Vous avez dû faire une erreur de numéro, là. C'est qui? Patrick. Patrick qui? Je connais pas de Patrick, je suis désolé. Hein. Patrick. T'es avec ton copain, là? Il est pas là. Et encule-le. Et merde. Patrick. Non, vous me dites qui vous êtes, s'il vous plaît. Patrick. Non. Patrick. Non. Patrick. Encore. Non. Patrick. J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne mythe là, bien. Moi je m'en fous, c'est pas moi qui paye le téléphone. Oui. Non, c'est pas possible. Mais qui était l'appareil? Patrick. Allô? Je voudrais savoir qui c'est. Patrick. Non, on ne connaît pas de Patrick, donc c'est pas possible. Mais moi je ne connais pas de Patrick, monsieur. Non. Non, tu le... Pardon? Ouais. J'ai une bonne bite là. Peut-être, mais on connaît pas Patrick. Mais qui êtes-vous, monsieur? Oui. Salut les filles. Et merde. Connard. Salut les filles. Ouais, pauvre type, pas raccroche. J'ai 60 ans, j'ai pas envie de m'amuser avec toi, connard. Mais c'est quoi cette connerie là? Encule-le. Eh hey, Patrick. Encule-le. Salut les filles. Et voilà, Cédric arrive. Alors vous avez voilà. Remarqué, ben Cédric, ouais, Cédric ça, arrive et tout foire. Mais alors, tout se passait bien avec Patrick. Direct. Et tout à coup, Cédric s'est mis à faire. Salut les filles. Salut les filles. Ah putain, et l'autre, elle avait un blocage. Non, on ne connaît pas de Patrick. Non, non, c'était Patrick. Non. Patrick. Non. Non. Patrick. Non. Elle nous l'a fait combien de fois? Oh, 5 fois, 6 fois. Ouais, Patrick. Patrick. Non. Patrick. Non. Patrick. Non, ouais, non. Putain, mais ce soir, c'est la folie, elles sont déchaînées, les familles. Deux coups de fil, deux mises en contact. Ouais, les Marseillais, les 44. Ouais. Je veux qu'on essaye le 21 et le 03 maintenant. Allez, si tu voulais. Allez, vas-y. Si tu voulais faire un petit tour en Bourgogne. Ouais, allez, c'est parti. Le 21, la Côte d'Or. La Côte d'Or avec Jean-Pierre. Dijon. Et le 03, c'est quoi le 03? C'est Montluçon, Vichy, Moulin. C'est Baptiste. Ah, c'est l'Allier. Allez. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Oui. Je vous écoute. Ouais. Allô. Bah, il faut parler. J'ai entendu une dame qui parlait derrière. Bah, moi aussi. Elle ne parle plus, c'est peut-être elle qui nous fait une blague. C'est vous qui nous faites une blague, madame? Ah, elle ne parle plus, elle est mal à l'aise. Je pense que, excusez-moi, monsieur, mais je pense que la dame nous fait une blague, elle doit nous mettre en double appel. Allô. Ah bon? Ah ouais, ouais, j'ai déjà entendu ça. Ah bah attendez, j'entends quelqu'un d'autre. Allô. Ah, j'entends un monsieur, là. Allô. J'entends un monsieur. Salut les filles. Ah bah là j'entends une dame, ou une drag queen peut-être. Ouais. Allô. Vous avez entendu la drag queen? Salut les filles. Ah bah j'ai entendu. J'ai une bonne bite là. Ah bah j'entends un monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes de téléphone ces anciens, monsieur? Absolument oui. J'ai les godes. Non mais Patrick, c'est pas à toi que je parlais, c'est au monsieur qui vient de raccrocher. Mais qui comprenait rien. Patrick, comprenait rien du tout. On va essayer de... Vous avez entendu, il y a une drag queen qui est venue nous pirater le téléphone. Queen, ouais. Oh ouais, je suis une drag queen. Je vais te montrer la drag queen. Une drag queen? Non, non, du tout. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ouais. Voilà, t'inquiète. T'es pas une drag queen. Ça là, c'est quoi ça? Sans aucun doute, ça c'est des pecs, mon pote. Non, ça, c'est des pecs. En fait, tu n'es pas une drag queen, tu es un trans. Ouais, je vais te montrer, je vais te mettre en cours d'opération. C'est la soirée, dis donc. Tiens, bah justement, on parle fantasme. C'est un de tes fantasmes. De quoi? Bah ça. Ah non, non, non, du tout. Bah Cédric, à vous. Ah vous, non, vas-y, non. À vous. Allez, à quelques jours de Noël de la fin de l'année. La vérité. Révèle-toi. Lâche-toi, man. Moi, je vais te révéler, tu vas voir, toi. Ça veut rien dire ce que tu dis. Si, si, t'inquiète. Je vais te révéler quand même. Je vais te révéler. Donc, rapprochez de toi, je vais te montrer, tu vas voir. Bon, alors, attends, Samy, est-ce que t'as eu Momo pour l'histoire des fantasmes, là? Non, Momo. Soit parti bosser, soit parti là où je vais vous raconter. Ah, alors, Momo, il a un fantasme. On termine avec les fantasmes, donc, qui vous excite quand vous vous touchez. Ou quand vous vous branlez. Samy, le fantasme de Momo. Mais alors lui, il est même passé à l'acte maintenant. Hein. Ah ouais, non, mais lui, c'est même une habitude maintenant. Donc avant, il se branlait sur. En fait, lui, avant, il se branlait sur des vidéos de. De joueurs du PSG, je vous donne un indice. Exactement. Donc, des vidéos de joueurs du PSG. De Travelo. Des Traves. Non, non, ouais, il se branlait sur des films de cul de Traves. Mais alors, on précise bien, les Travelo, ils ont toujours la bite. Ah, mais lui, il m'a dit, il voulait pas des mecs opérés, genre en meuf, pas des trans. Il voulait des Traves, c'est-à-dire des mecs avec des bites, tu vois, qui bandent. Très bien. Et déguisés en meuf, quoi. Ouais, genre. C'est ça, ouais, c'est déguisé. Ouais, c'est ça. Travesti. Et donc, lui, ça l'excitait, c'était son fantasme. Et puis, un jour, il est passé à Paris, il y a le bois de Boulogne, on en parlait l'autre fois, là. C'est un bois où, justement, il y a plein de Travelo dans des. Partout où tu vas, le belge. Dans des buissons, dans des. Ah, j'arrête là. Ils sont au bord de la route. Mais des caravanes. Ne pas sur moi, je veux pas là-dedans. T'es dans des caravanes. Tu vois le belge. Tu as dit que t'étais parti avec Romano. On est parti là-bas. T'avais attendu en double fil. On avait fait de virer. Souviens-toi, Cédric. Non, mais je traîne pas. Alors là, le truc quand même incroyable. Je raconte une bien bonne. Ah. sur qu'on vous a pas raconté la semaine dernière. Cédric quand même essaye de brancher des travestis. Donc quoi. Ça c'est de la virée au bois de Boulogne. Ouais, ouais. Voilà. Cédric essaye de brancher. À part ça, il est jamais allé le Belge. Hein, on était une fois. Moi j'étais au volant. Cédric était le passager. Ouais. Il ouvre la vitre, s'il te plaît, il parle au travesti. Ils se barrent tous. Il a fait ça à 4. Et à finish, on se casse. Ça change sa crasse ce soir. N'importe quoi. Il y a les moches. Ça craint. Et un Washito. Non, mais c'est une dingue. Non, mais tu recalais pas de prostituées. Tu faisais des balades là-bas tous les non, week-ends. Mais ouais, bah, non, mais ça fait longtemps que j'y vais plus. Mais il y a une période où j'y allais tous les week-ends. Ouais, t'étais un habitué un peu. J'habitais pas loin. Non, mais tu sais, je m'arrêtais pas en bagnole parce que c'est quand même glauque. Hein. Ah, ben bah, là, au moment que j'ai au standard, il s'arrête. Il rentre même dans le bois, il m'a dit. Il se balade et tout. Ah, parce que là-bas, il y a des mecs chelous. Attention. Ça te dérangeait, Momo, d'avoir ce fantasme, non? Non, bah en fait, ça le dérangeait. Ouais, il devait se dire, c'est chelou quand même. Ouais, en fait, lui, il m'a dit ça le dérangeait quand il se branlait sur Internet. Et en fait, quand lui, il a décidé de passer à l'acte. Ouais, parce que sur Internet, il se branle là-dessus aussi. Ah ouais, mais au début, il se branlait que sur des vidéos, il est pas passé à l'acte. Et qu'en fait, il est allé au bois de Boulogne et qu'il a passé le cap, quoi. C'est-à-dire qu'il. Donc, il m'a expliqué, c'est. Donc, au début, il payait 20 euros, il se faisait juste sucer par un homme habillé en meuf, quoi. Puis après, il a carrément franchi le pas, il payait 30 euros. Bon, franchir le pas, c'est mettre dans le cul. Hein, voilà, et puis il niquait la meuf, mec. Oui, bonjour, c'est Mercedes. Voilà. Bonjour, Mercedes. Tu connais Momo, Momo du... est client je de... connais bien, dis donc, qu'est-ce qui m'a pété le cul. C'est 30 euros, apparemment, il m'a dit. Ah oui, c'est pas cher, c'est les soldes. Ah, ouais, et donc, maintenant, il m'explique qu'il y va, lui, une fois par semaine, donc oh oui, oui, je confirme. Voilà. Ah, très bien. Et puis il paye 30 euros, puis une fois par semaine il fait son petit délire, quoi. Alors je lui ai dit, mais pour toi c'est des meufs ou c'est des mecs? Il m'a fait non, mais je veux pas de meufs, je veux des mecs habillés en meufs. D'accord. En plus c'est vraiment ah oui, son délire. Okay. J'avais mis d'accord. Une très belle jupe. Ah oui, c'est différent. Tu devais être magnifique, Mercedes. Oh, oui. La classe, Mercedes. Fille, ah, t'es brésilienne, toi, non? Oh, enfin, brésilienne. De Brésil. Cédric, on me connaît aussi. Ah, tu connais Cédric? Tu connais Cédric? Et avant, il m'appelait Mario. Ah, ouais. C'est toi l'ex du Belge. T'étais chauve déjà à l'époque? Si, si, j'avais mis la perruque. Par contre, toi, t'étais déjà précoce. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Merci, Mister X, pour le témoignage. Oui. Tiens, bon. Mercedes. Tiens, Carter, player, qui nous dit moi aussi, j'aime les travelots. Bah, écoute. Ah, bah, tu vois. C'est pas grave, hein. En tout cas, Momo, ça le gênait un peu, ce fantasme, jusqu'au moment où il a passé le cap. Après, c'est du bras, c'est un délire. Et il kiffe, bah, à côté de ça, il a une meuf. Tiens, je vais pas demander. Ouais. Ouais. Moi, à mon avis, il allait faire un petit tour au. Eh ben, il était en voiture et il m'a dit qu'il y allait une fois par semaine. Bon, il m'a dit que c'était souvent le vendredi, plus donc. C'est aujourd'hui, peut-être. Mais bon, un petit extra. Ouais, voilà, de temps en temps, hein, des petits écarts. Eh ouais, pourquoi pas. C'est la radio libre de Difool sur Skyrock. C'est Noël après tout. Hein. Ouais, oui. Joyeux Noël. La magie de Noël. Et le Karim Comedy Club arrive tout de suite sur Sky. Bougez pas. Et le son de Jul aussi, on m'appelle l'OVNI. Cette année, le Morning de Difool t'a offert plus d'un million d'euros de cadeaux. Ah, vous êtes sérieux? Mais oui. Oh, des iPhones, des PS4, des casques VR, une voiture, des drones, des places de concert, des écrans plats, des places de foot, des maillots, des voyages au soleil, des jeux vidéo, des voyages à la neige. Alors toi aussi, viens en profiter avec le Morning de Difool sur Skyrock. Bon alors, monsieur, vous le voulez cet appartement ou pas? Parce que si vous le voulez, il va falloir m'envoyer votre dossier rapidement. Hein. Carte d'identité, passeport, permis, quittance, fiche de paye, facture, groupe sanguin. Voilà, vous avez tout. Digipost Plus, c'est la nouvelle appli gratuite de La Poste qui centralise tous tes documents importants. Télécharge Digipost Plus maintenant et simplifie-toi la vie éternellement. Je vous ai aussi mis mes diplômes, si ça vous intéresse. Concert. Il va mettre le feu. C'est Soprano. Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena à Paris le 30 septembre. Et le 7 octobre 2017 à l'Orange Vélodrome de Marseille. Soprano en tournée dans toute la France avec Skyrock. Full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je suis parti squat plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sers que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon, j'fais des doigts d'honneur au schmied. Faut voir ce que nous vivons. Entre les histoires et les fuites que ça m'y donne. Oh, oh, même plus j'm'étonne. Oh, oh, et si mon heure sonne. Oh, oh, pleure pas, rigole. Oh, oh, l'OVNI. J'ai ma team pour ça, j'm'en tape la promo. L'OVNI. J'ai la rime, j'peux y arriver, ça serait beau. L'OVNI. Je cours après le temps, j'suis loin de tout. Baby. ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. J'suis dans l'insomnie. J'suis dans l'insomnie. J'sais même plus, eh ouais mec, on parle plus. Ils jalousent, on a le truc, j'les comprends pas, faut que j'parle cru. Trop d'attente, peut-être que j'sors trop d'albums. J'sais pas, j'trouve ça son match, tu me dis c'est la bombe. Regarde, j'fais comme j'peux, je ne sais pas dire non, c'est fini. Nous aurons plus, c'est trop loin que nous visons. Une critique, oh le bâtard, que une chaîne neuf, il s'attarde. Eh ouais, fais le signe, tu le sens pas quand tu dis le radar. L'avenir, la galère, oui, on l'a connu. Couteau dans la plaie, ils aimeraient qu'on roule. L'avenir, t'es un deckman, j'te donne un phonume. L'avenir, je cours après le temps, je suis loin de tout. Que ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. Je suis dans l'insomnie. Je suis dans l'insomnie. On m'appelle l'avenir. On m'appelle l'avenir. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Que ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. On m'appelle l'OVNI. J'suis dans l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, j'suis loin de tout. Que ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. J'suis dans l'OVNI. J'suis dans l'OVNI. Je cours après le temps, j'suis loin de tout. Que ils parlent de moi, ils me cassent les couilles. Tous les soirs, Diffoul Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et Jul, on m'appelle l'OVNI, il est super ce morceau de Jul. Et il est plus que super, c'est Karim du Karim Comedy Club. J'ai quelqu'un qui veut rentrer dans le Karim Comedy Club, c'est Cédric qui me l'a présenté. Au revoir. Picou les boys and girls. Il veut faire un petit spectacle avant le Karim Comedy Club, ah ouais, c'est une petite chaud, danse. Pas mal. Il fait des boîtes, des trucs comme ça, Mathieu Delormeau. Il fait des boîtes. Des soirées en boîte et tout. Il fait quoi? Mais il danse à Delormodens. Je crois qu'il l'a fait. Il y a pas des vidéos. Si, il faudrait qu'on cherche. Si vous avez une vidéo d'une soirée avec Mathieu Delormeau, il l'a fait. Parce que je sais que dans Touche pas à mon poste, ils l'ont déjà affiché là-dessus. Ouais, ils l'ont dit, ouais. On peut l'afficher nous aussi. On sera pas trop méchant avec lui, Cédric. Je sais que c'est ton chouchou. Ouais, bien sûr. Oh là, c'est mon chouchou. Bon, le Karim Comedy Club, c'est parti. Les Américains nous l'envient. Les Chinois l'ont déjà copié. Les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Voilà, comme on dit d'habitude, on se finit avec Karim. Et ouais. Alors, Karim Comedy Club, je t'écoute. C'est parti avec une blague d'Andy pour commencer. Andy. Une petite blague Noël, tout ça, mes couilles. Alors, Noël, c'est quoi, tout ça, mes couilles. Voilà ce qui fait de la magie de Noël. Ça commence merci bien. Merci Karim. Non, il est l'autre Karim. Ouais, ta gueule. Tu as dit les couilles grelots. Voilà. Marie, merci. Non, je te merci, donne Marie. Voilà. En gros, ta gueule. Voilà, retourne au bar. Tu voulais attaquer le spectacle. Elle est en train de bousiller ton Karim Comedy Club avec Mathieu Delormeau. Allez, enchaîne. Alors, Andy, alors, c'est quoi un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour du réveillon? Un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour du réveillon. Ouais. Un chat qui tombe dans un pot un chapeau. Non. Pourquoi un chapeau? Pas loin. Un chapeau peinture. Non, pas loin. Chapeau peinture. Ah, chapeau peinture. C'est le chapin de Noël. Bien sûr. Comment n'y a-t-on pas pensé? J'aime beaucoup. Comme on est bête. Oui. Une blague à raconter lors du réveillon. Je la ressors. Évidemment, en famille. Ah, tu la ressors. Faut que je la note. Il faut la raconter quand les gens sont à 3 grammes. Ouais, c'est clair. Il y a Bad Boy qui nous fait valider pour Noël. Valider pour Noël, c'est bien. Merci, Bad Boy. Une autre. J'en ai une autre. De Noël? Non, pas de Noël. J'en ai une un peu du même style, moi, Noël. Vas-y. Fais-la. On est sur Noël, vas-y Samy. Bon, c'est un le facteur, il arrive chez quelqu'un pour livrer un colis, tu vois. Ding dong, il sonne comme ça. Là, il y a un petit couvre. Bonjour monsieur le facteur. Et oui, mon grand, elle est où ta maman? C'est pour un colis. Ben, ma maman, elle fait le tapin. Le tapin? C'est genre le facteur, ça fait le tapin. Oui, oui, elle fait le tapin, elle est derrière là, elle fait le tapin. Comme tu fais bien l'enfant. Le tapin. Ah, c'est tapin, c'est ouais. Acteur studio. Ouais, c'est t'as vu, j'ai fait. Il y a du niveau dans le Comedy Club. Non, mais continue, je pense que tu vas être appelé pour des séries américaines. Oh putain, belge. Ben, les tapins, le tapin. Oh, le tapin, c'est chaud, mais quand même, le tapin. Ben oui, le tapin de Noël. Sont belles ces blagues de Noël. Hein. Pas mal. Ah, vivement, celle-là, vivement la semaine prochaine. Hein. Celle-là, le raconter ouais. Peut-être pas, pas de famille. Ah, ouais. Ici, justement, à Paris, elle va la raconter. Une femme. Ouais, évidemment. Très cool. Et tu nous finis alors, Karim? Alors, je vous finis avec une blague de Nafissa. C'est un prêtre qui est avec ses petits-enfants de cœur. Je sais pas comment on appelle ça. C'est mec. Ah, elle va être sympa celle-ci. Je la sens bien, celle-ci, elle est pas mal. C'est ça. Ouais, et là, t'as le prêtre, à un moment, il sent une odeur bizarre. Il fait putain, mais Guillaume, t'as pété? Et là, le petit Guillaume, il lui dit, bah, comment vous savez? Et là, t'as le prêtre, tu lui dis, bah, ça sent la vaseline. Oh! Racontez-la, Noël, c'est si. Quand il y a tout le monde, hein, quand il y a la mamie, le papy, la tonne. Ouais, racontez-le au niveau de la mèche de minuit, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, on vous souhaite une bonne nuit, on revient demain soir, 21h minuit, la Radio Libre, la spéciale pendant toute cette semaine prochaine, c'est le best-of 2016, à pas louper aussi. Ouais. Je vous le dis, et le son de Skyrock, à pas louper maintenant, Prisca, Urban Music Non-Stop, c'est toute la nuit, et ça va partir tout de suite, jusqu'à demain matin, 5h, le morning best, 6h, le morning best de l'année, et puis 21h, la Radio Libre, passez une belle nuit. Bonne nuit à vous et à demain. Bonne nuit, ciao. Ciao. Allez, salut. Ils t'ont fait marrer toute l'année. Toute l'année. Romano. Ouais. Très bien. T'es bien où là où on pense quoi? Ouais. Non mais là je peux pas là. Je peux pas quoi? Ah putain, je peux plus parler. Mais si, tu peux parler. C'est l'heure des conseils pas chers. Non mais tu vas me faire crever. Dépense à... Et qu'il arrête de rire l'autre con. Ils ont réveillé la France entière. Oui, moi je suis en pyjama, alors c'est peut-être pas le moment. Pour bien finir l'année, viens écouter les meilleurs moments du Morning Daddy Fool dans le Morning Best entre 6h et 9h sur Skyrock. I feel it fade. When no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. But ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it.